cadeau exclusif pour vous les auditeurs de Skyrock pour participer au tirage au sort. C'est maintenant avec un petit SMS roulette que vous envoyez au 72020. Roulette au 72020 et peut-être à vous avant minuit les places pour aller voir le Whoop sur Skyrock. Grosse émission ce soir avec Big Flo et Oli. On va revivre leur passage dans le studio. Les deux frangins toulousains ce soir sur Skyrock. On aura le live de ce son là que vous entendez derrière moi, Gangsta avec Romano. Le clash de la drague aussi à retrouver avec Paco et Juan, c'est les deux pseudos qu'on choisit, Big Flo et Oli, pour aller draguer les familles. On va parler aussi de triche au bahut avec Merwan, c'est un auditeur de Skyrock qui se fait cramer avec des anti-sèches. On retrouvera aussi un grand moment de la radio libre, Cédric le Belge coincé dans l'ascenseur de la radio. On parlera un peu plus tard de fétichisme des pieds avec Jérôme de Toulouse qui nous a passé un coup de fil à ce sujet. Et pour ouvrir l'émission maintenant, c'est Pauline de La Rochelle, son mec est au Havre et elle va bientôt faire le tour du monde, elle a peur que ça parte en cocufiage. On découvre tout ça maintenant avec Diffoul et toute l'équipe Radio Libre sur Sky, c'est jusqu'à minuit. Alors Pauline, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous pourquoi tu nous appelles toi. Demain ça va faire 4 ans que je suis avec mon copain. Et donc moi je suis originaire du Havre, j'ai 20 ans et j'ai dû déménager à La Rochelle pour mes études. Le problème c'est lui, il est que... où? Bah, au Havre. Ah oui, il est loin. Et j'ai confiance en lui, tout ça, mais j'ai peur qu'avec la distance, là avec mes études, je vais partir plusieurs mois à l'étranger. Et je voulais savoir s'il y avait des gens qui avaient vécu ça. Non, moi j'ai vécu un paquet d'histoires à distance aussi. Hein. Tu sais, ça marche très bien les histoires à distance, ça a même un avantage. Tu évites de te lasser de la personne, t'as toujours envie de la voir. Ah bah moi, tu vois, ça me gave, moi. Normandie représente, on nous dit. Tiens, tu vas aller où à l'étranger pour ton stage là? Là, je pars 3 mois en Espagne et l'année prochaine, je pars de janvier à août, normalement au Pérou et peut-être en Thaïlande aussi. Ah ouais, c'est clair que pour le voyage, pour lui, c'est pas facile. Hein. Donc c'est sûr qu'on se verra pas pendant cette période, mais après j'ai pas peur qu'il me trompe ou quoi, parce que j'ai confiance en lui, mais j'ai plus peur que ça soit lassant pour lui, entre guillemets. Ça s'essouffle. Mais t'as pas peur de toi le tromper? Non. Parce qu'en Espagne, au Pérou, avec qui péruvien? Ouais, ouais, petit péruvien qui arrive avec son poncho là, vous savez. Qui fait de la flûte sur le côté. Ouais, c'est ça là. Ça peut arriver aussi. À dos de la main. Non, ça j'ai pas peur. Entre guillemets, je sais que moi je serais pas tentée, mais j'ai peur que lui, il y aura des mecs en vacances qui seront là pour guignoler, mais ils vont te retourner en 2 secondes. Sur la plage, bim. Salut, bravo. Bah attends, quand tu pars en vacances, toutes les meufs que tu sers, elles ont des mecs en France, tu vois. Ouais, mais il y a des meufs fidèles aussi, oui, regarde. Bien sûr, aussi. Mais bon, ouais, mais des fois, après, la tentation. Après, je pars pas en vacances quand même. Oui, mais bon, c'est pareil, tu parles loin. Ouais. Alors attention, optimiste, Nana, ouais, qui nous dit une histoire d'amour à distance et vous à l'échec. Bam. Sabrina, allez, j'ai vécu une histoire à distance, je peux témoigner. Alors, on sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien pour Sabrina. On va peut-être te passer un petit coup de fil. Et lui, ton mec, il reste au Havre, galérer là-bas pendant que tu t'éclates à l'autre bout du monde. Bah ouais, moi, j'essaie de le faire venir, mais il veut pas. Non, mais le mec, tu m'étonnes qu'il va bader. Non, mais lui, il va faire une dépression, le mec. Je pense que c'est plus lui. Non, en fait, c'est l'inverse qui se passe en ce moment, c'est que ça dure depuis septembre, lui il s'éclate carrément, il sort en boîte avec ses potes. Oh putain, c'est trop bon, elle est pas là. Elle se met en 6 mois au Pérou. Non, mais et moi c'est plutôt l'inverse, c'est moi qui déprime tout le temps, je pleure tout le temps et j'arrive pas à m'amuser ici quoi. En tout cas, c'est un bon test d'être loin l'un de l'autre, c'est ça, vous voyez vraiment si votre histoire elle tient le choc là. J'ai vécu ça au bout de 6 mois, elle est repartie avec son ex. Voilà, message optimiste. Super. C'est Covano. Bonjour Covano, 18 ans. Mon copain est militaire, Marie. Tiens Marie, son copain il est militaire, il doit pas le voir souvent, elle a 19 ans. Mon copain militaire, ça fait 2 ans qu'on est ensemble et on n'a jamais été au même endroit plus d'un mois et pourtant ça dure depuis 2 ans. Donc, voilà. Enfin, message optimiste. Bah, c'est peut-être pour ça, ouais. Parce que juste en dessous, j'ai Rémi qui est dans le 25 qui dit « Moi j'arriverai jamais à être un couple à distance, j'ai besoin de câlins, de bisous, je pense que je pèterai un câble perso. » Il y a les relations à distance ne marchent pas pour Verratti, elle a une belle voix d'auditrice, il y en a qui veulent te consoler hein, s'il y a un problème. Wario te donne un petit... Il y a des remplaçants. Qui dit « Mon père est péruvien, dites-nous si... Tiens, ton père est péruvien, dites-nous s'ils sont chauds les péruviens, si vous connaissez des péruviens. » Je connais pas de Péruviens, perso. En Amérique du Sud, en général, ils sont chauds. Là. Alors, Wario, dis-nous si ils sont chauds, les Péruviens. Et les Péruviennes aussi, on sait jamais, mais enfin, surtout les Péruviens pour Pauline. Bah, j'espère juste, Pauline, que tu vas pas passer 6 mois au Pérou à pleurer, quoi. Bah oui, faut pas pleurer, faut profiter de la. Tu découvres un nouveau pays, ça peut être sympa. Non, mais même là, La Rochelle, c'est sympa, La Rochelle, en plus, c'est vachement étudiant comme ville et tout, il y a plein de teufs. Ouais. Bah La Rochelle, ça se résume soit en fait les soirées à La Rochelle, c'est les filles, c'est du steak, c'est pas autre chose, et après sinon il y a que les vieux, donc au final on a vite fait le tour. Oh. Voilà, amis de La Rochelle, éclatez-vous comme surtout les filles d'ailleurs. Faut aller à la guignette. Éclatez-vous comme des bêtes et aller à la guignette. C'est bon, mais ouais. Qu'est-ce que... Ouais, de toute façon, on te mettrait dans n'importe quelle ville à partir du moment où t'es pas vers ton mec, ça va pas. Donc, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est Et vous savez que les histoires d'amour à distance, c'est comme la Wi-Fi, plus t'es loin, moins ça marche. C'est le message de The Dark Knight. Merci, Dark Knight, je la connaissais pas celle-ci, je vais la retenir. Yo, yo, Moi, je vous le dis, c'est possible, une relation à distance, ça a même des avantages par rapport à... Après, bon, c'est sûr que quand t'es super amoureux, t'as envie de l'avoir tous les jours avec toi, ta meuf. Hein. Ah bah oui. Toi, j'imagine que ton mec, tu aimerais l'avoir tous les jours dans tes bras, Pauline. Ouais. Ou même tous les jours en toi. Ouais. Ah, ouais. Bah ouais, c'est clair, ça manque. Hein. Et t'as jamais eu envie de le tromper, non? Parce qu'il y en a plein qui nous disent, moi je trompe ma copine, mais ça fait 4 ans qu'on est ensemble et je l'aime très fort. Elle habite à 60 km de chez moi. Ah bah ouais. Ah non, bah tu, ouais, peux pas, tu peux pas aimer très fort et tromper en même temps, c'est pas possible. Bah lui si, a priori, tu vois. C'est trop mignon. Ah, tu vois que c'est mignon. C'est trop mimi, choupignon. À mort. Elle a quel âge, Pauline? Elle a 20 ans, Pauline. Et donc l'année prochaine, tu pars au Pérou, tu pars en Thaïlande, tu seras encore plus loin de lui. Tu le vois tous les combien, ton mec? Il y a plusieurs auditeurs qui ont posé la question. Sam, d'ailleurs, qui nous demandait ça. En fait, j'essaye de rentrer à peu près une fois par mois. Ça va. Et lui, il vient jamais. C'est une fois tous les deux mois. D'accord. Tu le verras un petit peu moins souvent quand tu seras au Pérou, j'imagine. Mais lui, il vient jamais, lui. Ouais. Il fait jamais le Havre, la Rochelle. Bah, lui, depuis septembre, il est peut-être venu 2-3 fois. Tiens, faites l'amour sur Skype, on nous dit, là. Ouais. Non, il aime pas Skype. Bah, déjà, moi, ça me vexerait, moi, de qu'il soit venu si peu de fois, quoi. Après, il faut payer. Ah oui, non. Là, ah ouais, ça me vexe. Bah, attends, toi, tu te casses le cul à aller tous les mois. Et lui, le mec, depuis septembre, il est venu 3 fois en 6 mois. Donc, ouais, mais il a des soirées aussi, le mec. Ah oui, attends. Ça coûte cher, Romano, aussi. Il a des. Ouais, non, mais ça, oui, ça coûte cher, on est d'accord. Attends, mais le gars, il vient à peine. Oui, mais toi, t'as l'oseille. Toi, vous êtes dans la même situation, il est étudiant comme toi. Donc, ah, mais moi, j'ai plus de sous, là, c'est fini. Parce que 150 euros l'aller-retour. Oui, mais toi, t'as réussi à trouver l'oseille, tu vois. Lui, il aurait pu faire pareil, il l'a pas fait. C'est vrai. Ouais, on va voir si Sabrina, ça marche mieux, parce que c'est bien d'avoir la vie d'une fille aussi. Sabrina. Coucou. De Paris, coucou. Salut. Salut. Salut. C'est trop plaisir de vous avoir. C'est gentil, vous êtes sympa ce soir encore. Alors Sabrina, c'est gentil en plus d'appeler pour Pauline. Relation à distance, t'es parisienne, il était où lui? Il était à Bordeaux. Ah ouais, donc pas à côté. Mais enfin bon, en TGV, ça va vite. Hein. Ouais, mais c'est cher. Et c'est cher, ouais. 3 heures. Oui, c'est très très cher. Ça va être 2 heures. Ouais, 2 heures en 2017, ouais. Est-ce que ça a tenu le choc, toi? Non. Et voilà, merde. Ça a tenu combien de temps, toi, Sabrina, ta relation avec ton mec? Ben, 2 ans et demi. Ah, quand même. Et pourquoi ça a cassé? Bah, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de jalousie. On se prenait souvent la tête. Et dès qu'il répondait pas au message, je psychotais grave. Enfin, ça devenait invivable, quoi. En fait, t'étais un peu comme Pauline. Pauline, faut pas que tu tombes dans le Sabrina style. Ah, c'est trop tard. J'ai déjà passé. Ouais, mais fais gaffe, voilà, Pauline. Ça va t'empêcher grave de vivre. Ah, bah, là, c'est déjà en train, là. Tu vas te rendre malade. C'est pas une vie, ça. Romano te dit de faire gaffe. Pourquoi donc? Bah, parce qu'au bout d'un moment, le mec, ça va le saouler. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu... Bah ouais, mais si à chaque fois que tu l'as au téléphone, tu lui prends la tête et... Ouais, en fait, non, c'était pas moi qui lui prenais la tête, c'était lui qui me prenait la tête. Ouais, mais bon, toi, ça t'a saoulé, au final, t'as dit stop. Oui, moi, ça m'a saoulé. Ouais. Non, mais là, je parlais ouais, à Pauline. Désolé, ah, Sabrina. Ah oui, d'accord. Ouais, toi, Pauline, c'est pareil dans son salaire. Oui, oui, son si toi, à chaque fois, tu lui manges la tête, tu lui des trucs de jalousie, le mec, il va se dire, ouais, mais en fait, cette meuf, c'est que des problèmes, quoi. Tu préfères pas me manger la chatte? Voilà. Bah oui, mais il est trop long, hein. Je lui dis, mais... Ouais. Je veux dire une phrase, Pauline, même si c'est la personne la plus loyale qui soit, deux erreurs peuvent arriver. Voilà, ça, après, moi, je lui prends tout le temps la tête, il dit je le saoule, et après, ça repart comme avant. Mais c'est vrai que la jalousie, moi, ça a été très très fort à un moment. Après, quand je suis partie, ça s'est un peu ralenti, et là, rebelote, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que lui de son côté le mec il en profite, tu vois, il sort avec ses potes. Parce que si t'étais quand t'étais au Havre, il avait le droit de faire des soirées avec des potes. Ouais, mais en fait avant il sortait beaucoup avec ses potes mecs et maintenant bah il s'est fait des copines et puis bah il va aller en boîte, bah la seule copine qui a un appart à côté, bah c'est une fille, il va dormir chez elle pour pas prendre la route. Ah, ça en fout, ça. Ouais. Bon, alors pour l'instant, c'est pas... Ouais, mais au final, bon, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais au final, c'est un peu de ta faute, Pauline. Pourquoi? Bah parce que non, le non. mec... Bah si, parce que le mec, en fait, tu l'as tellement privé quand t'étais au Havre, c'est que, voilà, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Là, là, et là, elle danse, comme ça, elle danse. Après, il danse. Moi, je voulais vraiment pas partir à La Rochelle, c'est lui qui m'a poussé pour mes études, alors que moi, bah, c'est hors de question. Non, mais bon, il a raison, tu vas pas non plus niquer ta vie pour lui, quoi. Mandoni, elle a 17 ans, et elle aussi, elle est à 6000 kilomètres... Ah, tu ne dis pas où il est, ton mec, toi, Mandoni. 6000 kilomètres de son mec, courage. Et je suis très jalouse aussi, et pourtant, ça tient le choc, tu vois, Pauline. Ça peut tenir le choc, malgré tout. Donc Pauline, le truc de Sabrina de pas être chiante, oui, profite de la vie, éclate-toi quand même. Ouais, parce que si tu lui prends la tête à distance, il va avoir envie d'aller voir ailleurs, ça, bah c'est certain. Ah, mais ça va le saouler. Parce que forcément, il va... Imagine tous les jours quelqu'un t'appelle et te prend la tête. Alors, tu t'as fait quoi? T'as baisé une meuf? Mais après, tu peux pas le penser et pas le dire. Si, il faut te prendre. Non, mais il faut essayer de te retenir un peu. Bon courage, Pauline, on te fait un gros bisou. Ah, tu te manges la gueule. Salut ma chérie, ciao. Maxime, bonjour. en direct de Valenciennes. Salut Max. Oui, Ali. Salut. Non, pas Ali. Allô. Allô, Ali. Salut, Maxime. Salut. Et toi, Maxime, bien? Moi, ça va, tranquille. Ali, donc, Maxome. Ali. Bienvenue à toi. Donc, toi, tu voulais pousser un coup de gueule par rapport à un truc qui s'est passé dans l'émission, on m'a dit. Eh oui, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé, Maxime? Et après, on attaque le clash de la drague. Vous pouvez réagir si vous êtes d'accord ou pas avec Maxime. Qu'est-ce qui se passe, Maxime? Dis-nous. Alors, j'ai entendu plusieurs petits clashs sur Marine Le Pen. On a juste dit qu'elle avait les dents jaunes. Limite la... verte, qui partait non, vers le vert. C'est faux. Mais le vert kaki. Vert kaki aussi. Et alors, Max? C'est l'image qui fait ça. T'as vu à la télé, mais c'est pas vrai en fait. Ah pourquoi? Mais toi, t'es fan de Marine Le Pen? Non, c'est pas fan, mais j'aime pas ce. Ah, non plus, j'aime pas, non. Ah, tu veux attendre, tu dis. Le premier parti de France, faut pas ça. Ah, mais t'es Front National, toi? Bon, t'as le droit. Ouais. Oh la famille. Oh, arrêtez. Arrêtez que j'ai la carte moi aussi. Voilà, salut frérot. Frérot belle. Ah, désolé poteau. Ah, bon. Je suis pas du même parti. Bah écoute, c'est ton droit, Maxime. Moi pas. Hein. Ah bah oui, j'ai le droit de voter pour les partis de France quand même. Hein. Ah, oui, bien sûr, t'as le droit. Ah, si tout le monde se jette par. Tu sais, c'est comme les moutons, hein. Si tout le monde se jette par une falaise, les moutons ils jettent tous. Et moi, je suis pas un mouton man. Je te le dis. Tu es un mouton noir. Eh ouais. Je suis genre le mouton qui suis ap. Ok, Maxime, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Bah, je sais pas. Vous avez, j'ai l'impression que. Tu l'as déjà vu en vrai? T'as l'impression que. J'ai déjà vu en vrai? Non, j'ai pas vu en vrai. Ah non, mais moi c'est clair, moi je peux pas l'avoir. Mais chacun son truc. Tu peux demander, genre, comment aller. Chacun son truc. Moi, les gens qui arrêtent pas de montrer les autres du doigt, genre par exemple, regarde. Admettons que moi qui suis grand, je sois raciste envers les petits. Et que je n'arrête pas de dire. Ouais, ah, les nains, les petits, petits les nains, tout ça, j'aime pas ça. En plus, surtout quand ils sont chauves. C'est pas gentil. Bah non. Hein, elle est pareille avec les musulmans, les arabes. Non, c'est faux. Moi, j'aimerais bien savoir que les gens, ils envoient des messages et qu'ils disent pourquoi ils ont tant de haine envers elle, en fait. Parce que moi, j'en connais beaucoup. Mais c'est pas de la haine, mais c'est pas de la haine. C'est juste, moi, les gens qui donnent des leçons à tout le monde et qui sont même pas capables de, tu vois, moi, une meuf qui comment dire? Ça bugue. Non, mais j'essaie d'être sympa. Mais, modéré. Tu vois, une meuf qui fait ça à son père alors qu'il a 90 ans, moi, tu vois, c'est pas possible. Elle rejette son père qui lui a filé le parti, son parti politique. C'est comme si par exemple, je sais pas, ton père il te faisait un cadeau, une maison, et puis il te dit ah, je peux rester dans la maison jusqu'à la fin de mes jours. Ah bah non. Non, tu m'as filé non, la maison. Non, c'est ma baraque. Dégage. Je vis avec tous mes amis, mais toi tu pars de la maison. Donc voilà, c'est juste ça. Après, chacun pense ce qu'il veut. C'est bien triste, mais c'est comme ça, Maxime. Moi, je préfère les gens qui disent, sont plutôt ouverts envers les autres et c'est pas son cas elle. Ouais, puis après, on va pas faire Skyrock politique un soir. Non. Ok. Après, c'est ton droit, mon bon Maxime. T'empêches pas d'écouter Sky? Ah, bah pas du tout. Ouais, parce que nous, on est plus de là pour rigoler, puis on prend tout le monde, hein, qu'est-ce que tu veux? La preuve. Même ceux qui ont les dents jaunes. Et ben ça, c'est bien dit, ça. Même ceux qui ont des comptes au Panama aussi. Et même ceux qui ont les dents jaunes. Non, mais tu vois, c'est pas bien de stigmatiser quelqu'un, tu vois, de stigmatiser un groupe, une. Ah, bah oui. Ouais, voilà, il faut respecter le premier parti de France. Mais arrête avec ton truc, le premier parti de France, c'est de la merde, ça. Ah, faut avouer. Il y a des journaux. Ça voudrait donc dire, Maxime, que si par exemple, les écolos, ce serait le premier parti de France, tu serais écolo? Parce que c'est le premier parti de France. Non, pas du tout. Jamais de la vie. Moi, il y a des gens en Allemagne, le premier parti de France. Premier ou dernier, je serais toujours pour lui. Hein. C'était le parti d'Hitler à l'époque. Hein, donc ça veut pas dire que parce que tout le monde vote pour quelqu'un, les gens se plantent pas. Hein. Regarde. Ah bah oui, ça. Ça, ils sont bien plantés, ça. Ah oui, ça, effectivement, mon bon Karim. C'était un peu des haggards quand même. Bon, qu'est-ce que vous nous dites? J'aime pas les gens qui détestent le reste du monde. Ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est Cid DZ, si tu laisses un message. Quand tu bases tes idées uniquement sur la haine des autres et sur l'attaque des autres, c'est-à-dire toi-même, tu n'as pas d'idée vraiment qui te représente. Tu vois. C'est pas regarde, nous, à Sky, on est tous ensemble. Un bourguignon, un arabe, un marseillais, un belge. Un grand pif. Ta gueule. Bourré. Eh oh frère, c'est ça qui est bien. Dis-moi, mais c'est qui la bourrée? C'était toi, mais. Tu vois, nous on prend tout le monde, Maxime, dans l'émission. Oh, moi aussi, j'aime tout le monde, moi. J'aime tout le monde. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas. C'est mieux, écoute, si t'es comme ça, toi, j'espère qu'il y en a plein qui sont comme toi, qui votent comme toi. Non. J'espère que oui, ils sont pas tous. Oui, pas trop non plus quand même. Pas tous tout racistes, mais toi, les gens qui veulent restreindre les libertés, tout ça, moi j'aime pas ça. Donc voilà, c'est tout. Hein. C'est juste. Et t'as des potes rebeux, Maxime, ou Renoir, ou autre? La vérité, tous mes potes, c'est des rebeux, pour te dire, ils le savent, hein, et pas de soucis. Tu vois, ils sont tolérants, Tu vois, ils sont OS. Voilà. Ah, ils sont open, eux, au moins. Voilà. Ah ouais. Vous devez avoir des débats sympas. C'est même au-delà des. Oui, quand, j'imagine que vous passez pas votre temps à parler de politique non plus. Eh, je vais pas vous lire les messages parce qu'on va avoir des procès en diffamation. Hein. Mais merci à Mayoux qui nous envoie un message. Merci à MXS qui nous envoie un message aussi. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Elle n'a aucune idée économique. Non mais c'est ça, oui, mais ça, c'est oui. En ça. Fait, mais même tous les problèmes qu'on a en fait, c'est ou la faute de l'Europe, ouais, c'est ça. Ou la faute des Arabes, C'est que de la tâche, en fait. Ou la faute des musulmans, des pas Le Pen. Ou la faute de, c'est toujours la faute des autres. Mais pas de sa faute. Ouais, et puis tu sais, au-delà du délire, genre Rebeu, Renoir, machin, ce que tu veux. La meuf culturellement, si un jour elle est au pouvoir, cette meuf-là, c'est les concerts de rap et tout. Non. Faudra arrêter. Hein, y aura, ça existe pas. Tu sais, les concerts avec 15 000 mecs et tout, c'est terminé. Bah les libertés, ouais. Donc tu vois, est-ce que t'as un pote Rebeu, est-ce que t'as un pote qui fait liberté de picoler. Laissez-moi ça. Ça, au moins. Ouais, ça, je pense qu'il picole. Mais ouais. Bon, merci pour le message de Dark Walls. Ah, ils sont pas d'accord avec toi. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec toi? Attends, parce que pour l'instant, j'ai les messages. Je suis plutôt d'accord avec toi. Qu'est-ce que vous nous dites? Il est cool, Maxime, ce mec. Alors, je sais pas si c'est humoristique ou pas, mais c'est Bon, t'as pas l'air méchant, Maxime, en tout cas. Non. Non, t'as pas l'air méchant. Après, bon, bah écoute, tu t'engages comme tu veux, t'as le droit de penser ce que tu veux. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, Karim? Tomber mon micro, excusez-moi. Bon, je te signale, c'est un arabe qui vient de faire tomber son micro, Maxime. Il casse tous ces gens. Tu vois, c'est incroyable, ça. Vraiment. Il l'a fait tomber, c'est pour le voler. Il l'a fait tomber pour le voler. Dans sa poche, il l'a fait mieux le voler. Tiens, juste un petit truc, Maxime, parce qu'après on va finir avec. Mais c'est intéressant ce que tu nous dis, parce qu'on dit Radio Libre. Bah, bon, Radio Libre, vraiment, hein, si vous avez envie de parler de tout ce que vous voulez, on peut le faire dans l'émission. Et donc, juste une petite question. Oui. Mais pourquoi? Non mais c'est vrai, il y a quoi qui t'intéresse chez À part que ce soit le premier parti de France. Ouais. Ah, bah, déjà moi avant de critiquer quelqu'un, je lis le programme et j'ai lu le programme. Ah, moi je le connais aussi le programme, tu vois. Il a même été testé à certaines époques du monde donc ouais. Mais alors il y a quoi dedans qui t'intéresse? Tu te dis en quoi avec elle ça serait mieux qu'avec un autre ou une autre? Elle a jamais été au pouvoir, on peut pas savoir si ça va être bien ou ça va être pas bien. Si, mais tu peux regarder ce qui s'est passé dans les pays à côté. Ouais. Hein, donc. Bah, c'est oui, ça, mais quand, regarde, hein. Quand son programme, tout le monde dit que c'est de la merde, France, parce que c'est un peu le cas, tout le monde dit. Les villes gérées par le FN. Les villes gérées par le FN. Mais ils gèrent des villes de 10 000 habitants, il y en a 6. Regarde Toulon qui a été géré par le FN, c'était une catastrophe. Ils sont déficit. Et puis quand tu gères une ville, tu décides pas les lois d'un pays. Ah, puis il y a eu Orange aussi. Et Marignane. Puis tiens, Vitrolles à côté de Marseille, voilà. Ouais, aussi, ouais. Bah ouais, regarde toutes ces villes, elles sont trouvées dans la merde. Dans le sud et dans le nord. Après, il y a des villes qui sont gérés par la gauche, qui sont mal gérés, qui sont gérés par la droite, qui sont mal gérés. Le Front National, ils en gèrent 6 et c'est de la merde. Ouais, puis gérer une ville et gérer un pays, c'est rien à voir aussi. Bah, alors, quels sont les arguments? Clair, vas-y, Maxime, exprime-toi. Le travail. Il y a quelqu'un qui veut faire l'agriculture. Tout le monde s'en bat les couilles. La droite, la gauche, il n'y a que elle qui s'y intéresse vraiment. L'agriculture. Mais dans ce cas-là, mec, je suis même plus. Non, mais c'est dit, mais sois écolo, man, c'est mieux. Bah oui. Sois écolo, la partie des agriculteurs, tout ça, là. Bon, bah écoute, des écolos, moi. Moi, je parle de son programme. Son programme, c'est le meilleur, c'est tout. Point barre. Regarde la tête de Condoleu. Il nous envoie tout le droit dans le mur. Ouais, mais elle va le transpercer, le mur. Mais arrête de dire les autres, c'est pas bien. On peut ne pas aimer Hollande et pas être FN. Oui, mais je l'aime pas et c'est pas bien. Alors, dis, qu'est-ce que. Ça fait 30 ans. Qu'est-ce que par exemple il y a de bien? Parce que tu nous dis le problème des autres il est pourri peut-être. Mais alors pourquoi c'est bien chez elle? Tu nous as jamais dit pourquoi c'était bien. Oui Romano, tu voulais dire quelque chose? Non mais à part l'agriculture, c'est un sujet. Non mais pour les agriculteurs, elle les fout dans le mur. On va sortir de l'Europe, il y aura plus d'argent donc. Et non mais sur un sujet. Non mais c'est vrai, c'est l'Europe qui finance. On pourra plus vendre notre maïs à l'extérieur. T'as raison. Ben oui, nos fromages pareil. Ah oui, tu disais. Je ne sais sortir plus. Sortir de l'Europe, ça c'est une bonne chose. Non, tu disais à part l'agriculture, il y a quoi à part l'agriculture, il y a quoi d'autre dans ces idées que tu trouves bien? Bah sortir de l'Europe, c'est une bonne chose. Ou on peut mettre des murs aussi si tu veux. Ouais, mais fermer les frontières pour sécuriser. Mais tu vis avec qui, mec? Tu vis avec. Mais toi, t'habites à Valenciennes, donc il va falloir maintenant que tu passes un mur pour aller en Belgique. Non, mais t'es. J'ai pas dit de faire de mur. Contrôler. Imagine les mecs qui bossent. Comme l'Amérique, elle le fait. Non, mais de toute façon, contrôler les frontières. Mais s'il y a des mecs qui veulent rentrer, ils rentreront. Tu sais, c'est pas de foutre quatre pauvres douaniers à une barrière que ça va empêcher des mecs de rentrer en France. Ça, c'est sûr. Tu sais, ça, c'est ce qu'elle essaye de faire croire. Mais ça, c'est du mytho. Les mecs qui veulent rentrer, ils rentreront. Ah, ça, c'est sûr. Avant, il y avait la douane. Il y avait déjà de l'immigration. Toujours, oui. Ouais, il y en a toujours. Bah, oui. Et puis, t'as donné l'exemple des États-Unis. Bah, regarde aux États-Unis. Il y a plein de Mexicains qui rentrent et qui ont pas de papier, tu vois. Ah, bah, aux États-Unis, la moitié de la population qui est issue de l'immigration. Donne comme exemple les États-Unis, t'as la moitié des Américains qui sont pas américains. Les États-Unis, ils échangent avec le reste du monde, mon pote, ils font du business avec la terre entière. Hein. Marine Le Pen, elle veut pas ça, elle. Elle croit qu'elle va faire son business juste en France et rien échanger avec personne. Non, mais en fait, elle veut refaire la France, mais de 1900, quoi. Sauf qu'on est en 2016. Ah ouais, on est en 2016. Putain, on était dans la merde, il n'y avait pas Skyrock en 1900. Bah ouais, ouais, tu sais, c'est bien de vivre à l'ancienne, vivre reclus sur soi-même, mais bon, c'est compliqué quand même. Ce qu'on va dire de positif dans ce que tu nous dis, Maxime, bon, c'est que tu as des idées, tu t'engages, tu y crois. Bon, après, c'est la liberté. Non, mais après, de toute façon, tu as le droit de voter pour elle. Le parti, après, bon, il est légal. Tu vois, tu as beau critiquer Hollande, la droite, la gauche, tout le monde. Il te laisse quand même le droit de dire des trucs que tu veux à la radio, et je suis pas sûr que ce sera la même chose. Si on avait, si on avait le Front National. On n'a plus le droit à rien. Mais arrête de dire des conneries, va vivre. Va voir ailleurs si on n'a plus le droit à rien. Moi, ça fait rigoler. Je veux bien que tout ne pas bien en France, mais on est quand même dans un super pays. Ah, on a des voisins qui sont sympas. On a des Allemands qui sont dans le même truc que nous. On peut aller en Allemagne quand on veut. On peut aller en Italie. On peut aller en Espagne. Angela Merkel, elle est trop bonne. Angela Merkel, elle est super sexy. Non, mais c'est vrai. C'est la plus bonne. Donc, tu vois, non, mais tu sais, tu vas même pas loin. Tu vas juste chez moi au Maroc, gros. Tu vas vite comprendre que tu peux pas dire ce que tu veux. Ah ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Max? Après, que tu fais ce que tu veux, tu vois, là, tu passes à l'antenne, on parle. Ouais, tu dis ce que tu veux. Ouais. Mais j'ai un truc, c'est le FN, il est pas raciste. Je suis parti en Algérie, je fréquente que des Arabes. Faut pas dire que c'est raciste, le Front National. Non, mais ça c'est ouais, moi aussi j'ai des amis arabes, mais alors attends, moi les Marocains, je supporte pas. Ouais, moi bon, j'ai des potes arabes, j'ai bien le couscous, tu sais les phrases. Ah là, tu vois la phrase. Ah mon épicier, c'est un Marocain. Ouais. C'était l'argument de Jean-Marie Le Pen. C'est ce que j'allais dire. T'avais quoi, c'était un de ces. Ma femme de ménage. Ouais, ma femme de ménage, elle est noire. Elle est noire. Bon, tu nous as pas donné trop d'arguments là pour l'instant, Sam. Mais bon, un peu comme leur programme. Quoi. C'est intéressant. Hein. C'est une démocratie, donc on a quand même un argument qui t'a envoyé ce que tu disais au début. Là, vous critiquez tout ça. Mais regarde, il y a Mush Laden qui nous laisse un message. Bonjour à toi, Mush Laden, qui nous fait. C'était une démocratie, la France, donc on peut critiquer le FN. On a le droit, Maxime. Ah ben tout à fait. On a le droit. Tu vois. Bon. Voilà. Bon, pas trop d'arguments, nous dit Sam. Hein. Il est pas content de tes arguments, dis donc. Hein. Ouais, et après, donc tu disais par exemple les frontières, et après il y a quoi d'autre qui t'intéresse dans c'est ça. Moi je vous dis, quand elle passera en 2017, parce qu'elle passera, c'est une évidence, vous le savez comme moi, vous verrez ce qu'elle apportera à la France, et là vous les verrez. Moi je verrai de loin, moi. Ah, moi aussi je verrai de très loin, et je verrai la merde en fait de très loin. Je verrai la merde qu'elle va apporter. Ah, Karim s'engage. Moi je regarderai du Maroc, moi je pense. Ah, Karim. Je regarderai. Je regarderai deuxième. Non, mais de toute façon. On n'est pas devin, mais il faut quand même être réaliste. Il y a quand même très peu de chances que la meuf arrive à passer, quoi. C'est vrai qu'au deuxième. Ah, c'est sûr, en lui faisant barrage gauche et droite, c'est sûr. Mais on voit qu'elle à la télé, man. Il y a qu'elle à la télé, tous ses amis. Tu regardes les décomptes des politiques, là, des hommes politiques qui passent, elles passent plus que tout le monde. Ouais. Donc là, tu dis que tout, ils arrêtent pas de faire passer pour des martyrs. Ça m'énerve, ils sont pas martyrs du tout. Les meufs, elles passent plus à la télé que nous. Arrête pas de passer. Toi, on passe jamais, nous, d'ailleurs. Oui. Comme toi, dans les émissions politiques, on serait peut-être vite chier. Ouais. On passerait pas pour des cons aussi. C'est vrai. Et puis, c'est un parti qui arrête pas de dire, oui, la République, pour dire la République, ils disent les ripoux, pourri, tout ça. Les mecs, ils sont dans tous les scandales. Au Panama, tu trouves. C'est reparti. Ouais, c'est dedans. Clair. Financement des campagnes politiques, ils critiquent Sarkozy, mais c'est pareil. Enfin, tu vois, des mecs qui donnent des leçons à tout le monde, et puis que leur seul programme, c'est de limiter les libertés. C'est-à-dire mettre des frontières, c'est limiter les libertés. Tu veux des arguments? Tu réponds à ça. Il y a Maxime qui nous dit, non pas Maxime, il y a pour Maxime le message de Hamadi qui nous dit: je supporte pas qu'on fasse des différences entre les races, car il y a que la race humaine. Et c'est vrai que tu regardes, entre guillemets, toutes les races, toutes les origines, t'as des cons partout. Hein. Bah, on est tous terriens. T'as pas remarqué qu'il y avait des cons partout, Maxime? Bah, j'ai jamais. Tu vois, de dire que. De dire... On est tous les mêmes. Tu vois, de dire. On a tous le même sang, on est tous pareils, j'ai jamais dit le contraire. Bon, c'est bien, on ça avance. Je sais pas pourquoi cette question elle sort. Donc. Bah, parce qu'il ressent ça, parce qu'il a lu le programme de tes amis, là, et qu'il aime pas ça, m'a dit. Enfin, ça lui fait peur. Sors-moi une preuve du programme du Front National qui dit que. Il y a plusieurs races ou qu'on est raciste ou quoi. Non, mais bon, je peux te sortir sur les juifs, le point de détail de l'histoire, plus de 6 millions de morts. Ça, c'est le père de Marine Le Pen. Un détail, là. C'est un petit détail. Il a pris 30 000 euros d'amende, d'ailleurs, pour ça. Qu'est-ce que je peux te sortir? Je peux te sortir plein de trucs. Il y a plein de gens. Les amis qu'elle a, regarde un petit peu si tu suis un petit peu le parti. Va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle connaît en Europe. Les mecs qu'elle connaît en Europe. Va voir les mecs qu'elle connaît en Italie et ce qu'ils disent. Ils traitent les noirs de singes. Parce qu'il y avait une ministre qui était noire, il l'avait traité de singe. Les amis de Marine Le Pen, c'est dans ça. L'assemblée, ouais, c'est sorti des bananes. C'est les mecs qu'elle voit toutes les semaines. Tu vois, si tu veux le nom du mec, il s'appelle Matteo Salvini, tu vas voir tout ce qu'il a dit, tout ce que les gens de son parti ont dit. Ah ben ses alliés, toi. Et tu vas voir avec qui elle est allée à Lampedusa aussi, sur l'île de Lampedusa où il y a les gens, les gens qui viennent avec des bateaux de Libye, les migrants, voilà, qui arrivent sur l'île de Lampedusa. Elle y allait avec un type qui s'appelle Borghesio. Et ben va voir ce qu'il dit Borghesio, et tu me diras si c'est vraiment un parti qui, parce que toi tel que tu en parles, pourquoi pas, mais tel que les choses, après je vais arrêter de. Bah, mais Voilà, donc c'est va voir Borghesio. Je sais plus quel est son prénom, mais va voir ce qu'il a dit, Borghesio. En tout cas, il a l'air fort sympathique, ce monsieur. Ouais, non, c'est un vieux nazi. N'est-ce pas? Ok. Voilà. Et elle est allée là-bas avec une délégation d'Européens. En week-end, en famille. Quoi. En la week-end. Famille, ouais. Donc. Ah, et puis tu disais, mais c'est quand même, quand il parle, c'est quand même toujours sous-entendu, tu vois. Après, oui, ils le disent pas clairement, quoi. En tout cas, plus maintenant. Tu sais, ils disent pas clairement, oui, voilà, les étrangers, mais c'est quand même. Quand t'écoutes, ouais, mais quand t'écoutes leur discours, c'est quand même. Largement sous-entendu. Tu vois, Mario Borghesio est allé avec Marine Le Pen à Lampedusa. Mario Borghesio de la Ligue du Nord. Bon, c'est je vais à Lampedusa, je vais rencontrer le maire, Et donc tu vas voir tout ce qu'il a dit un peu cette personne. C'est lui qui a traité donc une ministre de singe, qui est quand même assez sympathique, tout simplement parce qu'elle était noire. Donc voilà, Maxime. Après, bon, on va arrêter le Skyrock politique de ce soir. Hein, c'était très intéressant. C'était un bon moment. Mais sympathique. Mais bon, au moins tu nous as dit ce que tu avais sur le cœur. Ses idées. Ouais. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, ça nous fait plaisir que tu votes Front National sans être raciste. Et en écoutant Skyrock. Voilà. Bon, oui, on aura moins. Et en écoutant Skyrock, bien sûr. Bah écoute, merci à toi, Maxime. Bon, merci pour tes idées. Et puis, rappelle-nous si tu veux. Hein. Et une petite chose. Oui, vas-y. Parce que je le sais qu'il y en a plein qui votent Front National sur Skyrock. Continuez. Et les autres, lisez le programme et votez Front. Ah voilà. Non, mais ça, c'est un bon conseil que t'as donné. Pas la fin, mais lisez le programme. Lisez le programme. Et puis regardez un petit peu avec qui elle traîne aussi, hein, parce que. Faut creuser un peu. C'est toujours intéressant. Et puis n'oubliez pas ce qu'elle a fait à son Marie, père. Elle creuse avec sa pelle. Ah ouais. Elle creuse, arrête pas, c'est des trous. Merci, Marie. Et merci, Maxime. Raccroche pas, Maxime. Voilà, ok. Bouge pas. Ciao, man. Salut à toi, ciao. Soir, Radio Libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Et sur Skyrock, le sujet sur le FN qui vous passionne, hein, sur les messages. Je peux pas vraiment les lire parce que bon, sinon la radio se mangera des procès et je serais viré parce que on se prendrait une méga amende. Ça vous passionne, ça, c'est à suivre. Il y aura les réactions de Sarah de Lens au téléphone qui va appeler pour contrer Maxime. Ce sera à suivre dans un instant sur Skyrock dans la Radio Libre. Le double appel aussi avec les Ardennes. Ce soir, on va filer chez les familles des Ardennes. On va les mettre en contact. Ils ne se connaissent pas. Que va-t-il se passer? On va découvrir tout ça et on va aussi faire entrer Big Flo et Oli. Soirée spéciale ce soir avec les deux Toulousains. Ça démarre avant 22h sur Skyrock. Du son à écouter maintenant, c'est Too Good, Drake et Rihanna. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. Suicide Squad, le son du film événement avec Lil Wayne, Wiz Khalifa, Rick Ross, 21 Pilots. Suicide Squad, à découvrir dans tous les magasins Fnac et sur Fnac.com. Qu'est-ce qui lui arrive depuis la fin de l'Euro? Il a arrêté de parler. Mais comment ça? Il parle pas, quoi. Ni bonjour, ni au revoir, rien. Ah ouais, quand même. Mais pourquoi? Alors, soi-disant, il parle pas pour rien dire. Ah ouais. C'est gênant. On va enfin pouvoir reparler football. France Football Guide Saison, 148 pages avec tous les joueurs de Ligue 1, Ligue 2, Nationale, plus les calendriers français et étrangers. France Football Guide Saison, en vente demain. Caro est sur le point de sortir pour aller chez McDo. Il ne lui reste qu'à mettre ses chaussures. Ah, les bleus, c'est bien. Quoique les rouges, ça fait longtemps qu'elle les a pas mises, hein. Non, mais les bleus. Les bleus, c'est parfait. Ça va avec son jean. Ou alors les noirs. Ou bien carrément, on change de jean. Bref. Caro se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue vu que pour l'instant, elle s'habille. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Des rencontres sympas, la belle histoire tant attendue, le grand amour, Love au 620-70, des hommes et des femmes qui vous ressemblent. Love, L-O-V-E, au 620-70, du chat, par SMS, facile et sans engagement. Love au 620-70. 50 centimes plus prix du SMS DGP. DJ Snake. Découvre encore le premier album de DJ Snake, inclut les singles Middle et Talk. Avec Justin Bieber, Travis Scott, Young Thug, Jeremiah et bien d'autres. Encore, le premier album de DJ Snake, disponible maintenant. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves?

Patrick. Elle est partie. Et l'autre aussi. Ah ouais, ça a été. Oui, ils sont partis. Ouais, lui, il en avait marre. Ça a été fatal. Lui, ouais. Il comprenait rien. L'autre, il parlait à nous. Après, il parlait de bonne foi. Le mec était complètement paumé. C'est ce que j'aime bien, c'est quand ils comprennent rien. Ah, mais rien de rien. Rien, ils comprennent rien comme ça. Et c'est quand même un des meilleurs moments de la soirée. On se sent moins bête, vous avez remarqué. Hein. Ouais. Bon, allez, un dernier, peut-être, Samy. Ou un allez, un petit dernier pour la route. Alors, c'est où qu'on va? Alors, attends, c'est plusieurs. Ah non, ils sont dans. Ardennes. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Tu te fous de ma gueule ? Non, pas du tout, j'entends rien. Hein ? Ben moi non plus, j'entends rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah, j'ai mon téléphone, il déconne. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Mon téléphone, il déconne. Ouais, puis alors, qu'est-ce que je m'en fous que ton téléphone, il déconne ? Ah bah, je le sais pas, moi. Là, je suis en train de me branler bien comme il faut, là. Ah bah, tu te branles, tant mieux pour toi, hein. Hein ? Là, je suis bien en train de branler. Tu te branles parce que t'as rien à te mettre sous la dent ? Ah, absolument. Ah bah, tant mieux pour toi. Si on pouvait faire une petite partout. Ah ouais, d'accord, hein, ouais. Oh, c'est le top, ça, hein. Il faut que tu t'encules, là. T'as bien de faire enculer, toi, comme t'es dents. J'ai des godes. Ah bah tant mieux pour toi, si j'ai envie de faire du bien. Il faut qu'il t'encule, là. Et encule-le. Encule-le quoi? T'es gardé là, je vais t'enculer, moi, t'en as un peu sur le côté de ta gueule. Comment? T'as rien à faire d'autre, là. Bande-toi un peu, là. Va te faire enculer, espèce de PD. Ah, bah, sans problème, ça. Sans problème. Encule-le. Encule-le, mais oui. Encule-le. Oui, mais j'ai bien compris, Patrick, encule-le. C'est bien. Encule-le. Il faut que tu t'encules, là. Alors, on était où, là? Encule-le. Dans les Ardennes. Merci, absolument, oui. Oui, Patrick Ducal. Bon, maintenant, t'as gagné. Il est déchaîné, Patrick. Ah, ouais, ça va l'exciter. C'était la femme de Didier, ça. L'autre, je sais pas comment il s'appelle. La femme de Didier et l'autre, on sait pas comment elle s'appelle. Bon, ils étaient sympas, hein. Ils étaient cool. On les aime bien. Et. Ah, bah, oui. Bah, écoutez, on les rappellera plus tard. Tu nous appelles du 62, t'es à Lens, toi, hein, c'est ça? Ouais, ah ouais, à Lens. Oh, les Lens, c'est Sarah. Sarah de Lens. Ouais, moi, je voulais parler de l'auditeur qui disait que le FN, c'était bien, c'était le premier parti de France. C'est cool. Ouais. Ouais, non, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, si, ouais, premier parti de France, c'est pas vrai. C'est le premier parti de France sur les votants. Par exemple, aux dernières élections. Il n'y a pas eu beaucoup de votants. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de votants. Et moi, ça vote. La France, plus le FN, ils font des grosses. Oui, c'est ça. Sur l'ensemble des Français, c'est pas du tout le premier parti de France. En tout cas, on n'espère pas. Mm-mm. Non, c'est pas le premier parti de France. Et en plus, au deuxième tour, il passe jamais. Donc, Oui, parce que les républicains, enfin, républicains, les gens qui défendent la République se mettent ensemble contre. Voilà. Droite, et gauche, voilà. Droite et gauche. Et alors, qu'est-ce que tu voulais dire, toi? Parce que t'as 17 ans, t'es déjà, c'est pour toi, ça te concerne tout ça, ou tu t'en bats les couilles, ou tu te dis arrivera non, ce qui arrivera? Bah, ouais. Ça dépend, t'auras deux attitudes. Je suis un peu concernée parce que, en fait, avant, je m'en foutais, mais quand on a dû le lire et qu'on a vu ce qu'il y avait dedans, bah, on était un peu choqués. Et on se disait que, enfin, c'était quand même important de s'occuper de ça, en fait. Mais t'as lu les programmes des hommes politiques, toi, c'est ça? Ouais, en fait, pour l'école, on a dû faire des exposés et chaque groupe a dû lire les programmes, enfin les points importants des programmes, et après on devait relever ce qui nous choquait le plus, tout ça. C'est bien de faire ça. Ouais, au moins tu peux tout lire. Ouais, au moins, c'est quoi, c'est genre une éducation civique? Ouais, voilà. Moi j'aimais bien ça, l'éducation civique. Moi j'aime bien tout ce qui est politique, tout ça. Après ça me prend vraiment la tête parfois. Tu vois, je me branche sur Sky. Tu vas me dire ce soir, tu te branches sur Sky, on en a parlé. Mais bon, tu te branches sur Sky, tu te détends, tu rigoles, t'écoutes du son. Ouais, c'est ça exactement. Et tu t'éloignes de tout ça parce que c'est quand même, moi j'en peux plus d'entendre parler d'islamisme, de. Oui, c'est vrai que le gouvernement qui vote des lois à la con. Non, la période c'est pas la meilleure. Moi la politique ça m'intéresse pas du tout. À gauche ils font de la merde, à droite ils sont casse-couilles, l'extrême droite c'est pire que tout. Donc c'est vrai que par moment tu te dis la politique c'est pas super. Mais bon, il y a toujours pire, c'est ça que tu voulais dire en fait, Sarah. Bah ouais, voilà, et puis on avait vu qu'il y avait certains, ils étaient pour, ils savaient même pas pourquoi ils étaient pour, et quand on leur a lu le programme, bah ils sont devenus contre. Ah ouais, donc faut se renseigner en fait, c'est ce qu'il disait Maxime qui était pro-FN et qui en a discuté 20 minutes tout à l'heure. Ouais, il a au moins dit ça. Et qu'on salue, lui, il disait de lire le programme, on lui dit que c'était une bonne idée. Donc toi, tu as lu le programme et tu t'es dit, j'ai bien fait de le lire. Hein. Voilà. Ouais, voilà, parce qu'il y a des trucs qui sont choquants comme l'avortement. L'avortement déjà. C'est-à-dire, bah, ouais, ouais. Ouais, ça dit quoi? Remise en cause de la loi. Bah, l'avortement, oui, remise en cause. Ouais, ils veulent retirer le planning familial aussi. Par exemple, une jeune qui est enceinte, qui a 16 ans, bah, elle devra obligatoirement être enceinte et jusqu'au bout, elle devra faire adopter son enfant si elle ne peut pas le garder, tout ça. Super. Oui, parce que la France a besoin d'enfants, ils disent. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Putain, après, ouais, l'immigration aussi. Parce qu'ils veulent des immigrés, mais ils veulent les choisir. En fait. Ouais, ils choisissent les meilleurs. Ouais, ils veulent faire un tri, en fait. Aussi, ça, c'est choquant. Parce qu'ils choquent, c'est le tri, ouais, d'accord. Ouais, le tri. Bah, ouais, quand même. Ça non, mais après, il y a des pays qui le font, hein. Oui. Les États-Unis le font, par exemple. Ils choisissent. Ouais. Oui. Bah, le Québec aussi. Hein. Le Québec aussi, ouais. C'est pas pareil au Canada. Hein. Ouais, c'est plus. Ils choisissent suivant par. C'est plus par. C'est pas par rapport à. Par rapport à ton métier. Ouais, c'est ça. C'est pas par rapport à ton métier. Ils sélectionnent par rapport à. Par exemple, s'ils sont. À ton projet. Ouais, si je crois que là-bas, les dentistes, par exemple, ils manquent de dentistes. Oui, ils sélectionnent pas la nationalité. Non, c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Après, qu'au Canada, que tu sois. Enfin, Syrien, Congolais. Oui, les Français, tu peux. Si voilà, si t'as un projet. C'est pareil ou pas? Aux États-Unis, ouais, c'est pareil, tu peux y aller. Et qu'est-ce qui te choque d'autre? Après, qu'ils veulent sortir de l'Europe et remettre le franc. Ça, c'est trop bizarre. Et vous savez que s'ils remettent le franc, on est tous ruinés. Parce que le franc, ça vaut rien. Bah oui. Ça plus rien, en fait. Bah, le franc, c'est comme dans certains pays d'Afrique, le franc CFA. C'est, t'imagines, Romano, on remet le franc, tu perds. En gros, on perd un tiers de ce qu'on vend. Ouais, mais bon, imagine, tiens. Je me débrouillerai autrement avant. Non, mais admettons, tu prendras des dispositions. Ah, bah bien sûr. Il y a un parti comme ça qui risque de passer, genre, tu te dis. Dans 15 jours, il y a les élections et on sent que ça va passer. Ça va casser après, mais bon. Et là, ah non, mais tu prends à disposition. Ah non, mais bien sûr. Panama direct. Moi aussi. Hein. Ah non, mais attends, je suis désolé, quoi. Alors après, oui, je suis pas le mieux placé pour dire ça, mais tu sais, j'ai pas travaillé pour tout perdre parce qu'il y a une débile qui veut te foutre une monnaie de merde qui avec laquelle on sera encore plus dans la merde que maintenant. Donc, oui, c'est vrai, parce que bon, on est dans la merde, mais c'est vrai, quand tu voyages un petit peu dans le monde, tu te rends compte que c'est pas si mal que ça chez nous. Hein. Non, ouais, parce que on est bien quand même. Hein. Non, par exemple, tu vois, moi, ce qui m'avait. Là où j'ai remarqué, c'était quand il y a eu la crise. Tu vois, bon, la crise, on l'a pris. Tu vois, il y a plein de gens qui sont dans la merde et tout ça. Mais par exemple, en Italie, ils l'ont eu la crise, mais ça se voyait vraiment, tu vois. C'est-à-dire que par exemple le premier été, moi où j'allais en vacances, enfin moi que je jouais au même endroit, mais il y avait 10 fois moins de personnes que l'année d'avant, quoi. Romano était content, il avait la plage pour lui. Oui, tout non seul. Mais c'est vrai que bon, ça pour ça j'étais content. Il m'avait appelé, il était là. C'est pas ma plage, c'est ma plage. Elle est. Ah non, mais ouais, mais non, mais c'était normal. C'était hallucinant. Tu voyais vraiment que les gens, tu vois, en Espagne, tu voyais aussi. Ils avaient plus d'oseille, quoi. Alors qu'en France, en Espagne, ouais, putain. En Espagne, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas été. Mais moi, j'ai des potes qui habitent en Espagne. Ils me disaient, en fait, t'as plein de gens, en fait, ils avaient acheté des appartements à crédit. Et en fait, l'appartement, il l'a acheté 200 000. Et en fait, quand il a voulu le revendre, bah, il va aller, je sais pas, 50 000 Et l'Espagne, s'ils s'en sont sortis, parce que tout le monde chie sur l'Europe actuellement, mais s'ils s'en sont sortis, c'est quand même grâce aux Européens qui ont été solidaires. Bien sûr. Parce que c'est ça, en fait. Bien sûr. Toi, ça te fait peur de sortir de l'Europe. Moi aussi, ça me fait peur, ça. Parce ouais, en plus, tu disais que j'aime c'était. Bien voyager, j'aime bien ouais, considérer, je sais pas, un Italien comme mon frère, ouais, un Allemand comme pareil. Mon frère. Guten Tag! Guten Tag, les Allemands. Bah, et puis le problème, c'est qu'on serait un peu isolé, quoi. Bah ouais, on est tout. Voilà. Puis moi, les gens, ils me font peur quand ils disent, parce qu'on peut dire ça de tous les pays, mais il y a plein de pays où on dit ça. Ouais, nous, les Français, on est quand même meilleurs que les autres. Non, bah, c'est. Mais ils le disent en Italie aussi, hein, même des gens bien qui disent, ouais, nous, les Italiens, on est bien. Ah bon, après. Si tout le monde dit ça, ça veut dire que tous les autres, c'est des cons, en fait. Ouais, bah. Non, puis t'as des cons partout, en plus. Ça c'est bien dit. On est bien d'accord, ma bonne. Il y a plus de saison aussi. Il y a plus de saison. Allez, serre-toi un canon, Marie. Ouais, ça, c'est. On serre un coup, Jeannette. Allez, serre la petite sœur. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un autre truc à dire, Sarah, là-dessus? Bah ouais, le truc des agriculteurs, c'est complètement débile que de dire qu'elle va défendre les agriculteurs, parce que si elle sort de l'Europe, bah on aura plus les aides et on sera encore plus dans la merde, en fait. Non, mais t'as bien étudié le machin. T'es marrante, Sarah. Tu vois, t'as 17 ans, t'as étudié ça, ils t'ont fait étudier ça en cours. Non mais c'est bien, au final on fait aussi tout, des trucs. Et tes légumes, si tu peux plus les exporter ou qu'ils valent plus rien, tu fais plus d'argent, ça sert plus à rien. De produire des salades. Exactement. Si tu ne peux plus vendre tes salades. Cher du full. Ah, tu vas les manger. Qu'est-ce que t'en fais, tes salades? Surtout qu'on n'arrête pas de produire du vin. Par exemple, c'est vrai. Parce qu'il ne faut pas croire que si tu empêches de vendre les trucs, les trucs d'étrangers, si tu empêches les étrangers de vendre des trucs en France, les étrangers vont faire la même chose. Hein. Exactement. Que tu ne vas pas aller vendre ton camembert en Russie si eux, ils ne peuvent pas nous vendre leur vodka. C'est ça. Ah ben, c'est clair. Et ça serait bien triste. Ah, ça, vivre sans vodka. Je te le fais pas dire. Ça serait bien triste. En effet, ouais. Et puis au final, bon, de tous ces discours, c'est toujours les gens, les petits qui en subissent les conséquences. Et ça, je trouve que c'est honteux. Comme tu le disais, Marie, qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure qui était bien? Il y a plus de saison. Il y a plus de saison. Il y a plus rien qui va. Il y a des cons partout. Tout roule de travers. C'est ça. Il y a des cons partout. Ouais, ça.

21h minuit sur Skyrock. Alors Merwan, pourquoi tu nous appelles? Explique-nous tout, toi. Je voulais poser une question à Big Flo Oli. Eh ben très bien, on va les faire rentrer là. Une question à Big Flo Oli, c'est bien. Et t'avais aussi une autre question à poser, je crois. Ouais, non, en fait, c'était pas ça, c'était au standard. Genre, en fait, aujourd'hui... C'est carnaval. En fait, genre, j'ai triché et je me suis fait péter. Ah, t'es fait péter en train de pomper? Ah bah bravo. Ouais. Enfin non, même pas, j'avais une anti-sèche. Genre au début, je trichais et tout, tu vois. Et après, moi, comme un connard, j'ai fait quoi? J'ai laissé mon anti-sèche sur la chaise. Ah, c'est con, ça. Ah ouais, parce que c'est con parce que ça c'est de l'amateurisme. Non mais t'avais réussi le plus difficile, c'est-à-dire de pas te faire choper en train de pomper pendant le devoir, et puis tu te retrouves comme un con à laisser ton anti-sèche sur la chaise. Donc, travail d'amateur, ça. Ah ouais. Ouais. Mais en fait, tu peux dire que c'était ta révision qui était prête et que tu l'as pas utilisée. Non mais tu dis c'était le mec d'à côté. C'est pas la première fois, c'est la troisième fois au moins dans l'année. Ah ouais, mais non mais je pense arrête ta tricherie, c'est pas ton truc. Ah ouais, t'es pas bon. Là t'es un mauvais dans cette discipline. Apprends. Non, parce que tu peux te faire choper une fois, mais trois fois, plus, ça fait beaucoup. C'est vrai, c'est pas bon, ça. Non, non, t'es sur des mauvaises stats. Lâche l'affaire. Et c'était un cours de quoi? Éco-droit. Éco-droit. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, la prof ou le prof? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, je l'ai pas encore vu. Mais en fait, elle a mis sur le groupe Facebook. Ah ouais? Merwan. Oh, les profs, ils ont des groupes Facebook. Eh ouais, on a créé le groupe Facebook. À te dégoûter d'aller sur Facebook. Ah, ils font ça, les profs? Bah ouais, regarde. Merwan, je sais que tu as triché. Rendez-vous au prochain cours. Oh, putain, pour te gâcher la soirée. C'est vrai qu'avant. Humiliation publique, lol. C'est le prof qui se fait un smiley. Ouais. Lol, PTDR. Et là, il te met des smileys. C'est le prof, il est content, il délire. Hashtag je vais te hagar. Hashtag mise à l'amende. Bon, mais Merwan, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? On fait venir Big Flo Oli, tu pourras leur poser ta question dans un instant. Ouais. Et sinon, on fait quoi pour toi ce soir par rapport à la triche en cours? Je sais pas si je peux trouver une disquette. T'as une disquette? Moi, je dirais que c'est le mec d'à côté, moi. Ouais, mais il écrit pas comme toi. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, il écrit pas comme moi. Ah ouais. Donc, il est pas contrôle. Parce qu'apparemment, il est au contrôle. Comment t'as dit? Elle va comparer l'écriture au contrôle. Ah, si elle est pas con, elle va le faire. Oui. Ouais, non, ma méthode est à chier, excusez-moi. À chier. Oui, je voulais te le dire, mais bon, comme je sais que tu es un peu susceptible. Non, mais bon, c'est pour ça, mais j'ai assuré, donc bon. Je laisse participer un peu les autres. Bah ouais, ça arrive. Ça y est, ils sont avec nous, ils ont pris le temps d'aller bouffer, ils prennent des forces avant l'émission, ils savent que c'est une dure épreuve qu'on va leur affliger ce soir. Oh oui. Flo et Oli. On est trop content d'être là, je te jure. Tout droit direct de Toulouse. Bah, je vois, ouais, ton frère est super content d'être avec nous. Il est arrivé. Oh putain, je viens de Paris. Je chope la crème. Chaque fois que je viens de Paris, je chope la crème. T'as chopé la crème, Big Flo. Je suis malade, mais pour vous, je viens quand même. Là, c'est bizarre parce que tu t'es foutu à côté de moi aujourd'hui. D'habitude, tu te mets toujours du côté de Marie. C'est quand même bizarre. Ouais, il y a Samy entre les deux. Ouais, c'est vrai, il y a Samy entre les deux. Une fois, maintenant on a nos petites habitudes à la radio libre. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, vous avez votre place. C'est vrai que si vous pouvez envoyer le hashtag Doliprane pour me soigner, s'il vous plaît. Hashtag Doliprane, ça va me soigner. Tiens, on a lancé le hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock. Ah. Si vous voulez leur parler, si vous voulez tweeter, vous allez faire un petit tour. Qu'est-ce que tu me touches les fesses, toi? On était entêté là il y a quelques minutes. Là, on était entêté grâce au déjà entêté. Tout ça. Déjà, donc déjà entêté, on va tétéiser la soirée là. Préparez-vous. En tout cas, je commence les émissions comme toutes celles qu'on a fait. C'est Ah, tu lances un appel pour une meuf, non? Non, pas du tout. Toujours la galère. Pas du tout. Tu peux au lit. Je veux juste dire simplement que nous, on était des gros fans de l'émission. Et voilà, ça me fait toujours autant bizarre et autant plaisir de venir ici. Un peu d'émotion. Petite violence, s'il vous plaît. Tout ça, c'est hypocrite, on l'a répété à l'hôtel. J'ai oublié de dire quoi, Flo? J'ai oublié de dire des foules, tu es beau. Merci, Flo, merci, c'est très très gentil. Alors, on a Merwan qui voulait vous parler. Merwan qui, est un peu dans la merde aujourd'hui, s'est fait choper en cours parce qu'il a triché, il s'est fait cramer. Non, mais il est bidon en triche. Il a triché trois fois, les trois fois, il s'est fait choper. Non, mais c'est pas vrai, Merwan aussi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu branles, Merwan? C'est fou ça, t'es là Merwan? Ouais, mais là, en fait à chaque fois je fais des trucs de con. Bah oui, par exemple, ça c'est... la dernière fois c'était bac blanc de français et genre j'ai écrit les réponses sur mon bras. Et c'est discret. J'ai mis un t-shirt en fait, et j'avais mon maillot. Ah bah c'est con, faut et mettre du coup, le prof il passe dans les rangs et il attrape mon bras. Il me dit ouais Merwan, c'est quoi ça? C'est un tatouage, je voulais dire, monsieur. Ouais. J'adore tellement vos cours que je me tatoue vos cours sur la peau. Ça ouais, me rappelle j'ai mis Pythagore et tout. Ça me rappelle des souvenirs, moi. J'étais un tricheur quand même. Est-ce que t'es un gros tricheur? Un gros pompeur. Attends, moi, je sais même pas. Non, mais je trichais pas mal quand j'étais en galère, en maths, tout ça. C'était quoi ta technique préférée, Oli? Moi, c'était vraiment iPhone, quoi. J'avais l'iPhone. iPhone allumé en permanence. Dans la trousse, vraiment bien calé. Je me mettais des fois, je me mettais des vidéos carrément. Des tutos. Non mais je te jure, je me mettais des vidéos de cours en écho. Je me souviens, je me mettais ça et personne ne voyait rien. Voilà. Bah Marouane, il s'est fait choper en écho droit. Lui. Ah ben voilà. Ben moi, c'était en écho, en économie. Le pire, c'est qu'il est venu avec sa, feuille. Il a pompé. Donc tout s'est bien passé jusqu'à la fin du cours. À la fin du cours, il a laissé sa feuille sur sa chaise. Ah oui, okay. Oh là là, mais c'est pas vrai. Non mais je te dis, Marouane, il faut arrêter. Toi, c'est pas ton truc de tricher. C'est vrai. Ça va, tu vas avoir des meilleures notes en ne trichant pas, je pense. Ouais. Carrément, parce que t'es tellement mauvais en triche que c'est pas possible. Et toi, Flo, tu savais pas que ton frère il trichait en cours? Non, moi je savais pas. Moi, j'ai toujours été un élève très studieux. Je n'ai jamais triché de ma vie. Oh le suisse. Oh. T'as jamais, jamais triché? Bien sûr que si, j'ai triché. Ah. Mais moi, je trichais sur la calculette. J'avais installé des logiciels. Presque, on pouvait lire un film sur ma calculette. Ah, j'avais installé des trucs dedans, quoi. Et c'était autorisé en plus à calculette. Alors moi, j'ai dit peinard. La bonne vieille Casio. Ouais, voilà, on pouvait mettre plein de trucs. J'avais deux potes qui étaient jumeaux et ils ont fait le fameux truc d'interchanger. Ah, ils sont échangés. Ouais, ça a marché. Il y a eu des auditrices déjà qui s'est échangé pour les bacs. Ça, c'est une vraie histoire en plus. Hein. Ah ouais, je les dédicace d'ailleurs, les Willem. Bravo à eux. Mais eux, c'était en examen ou en cours? Parce qu'en cours, tu risques pas grand chose. Non, c'était en examen. Bon, c'était du solfège. C'était. Oui, ça va, bon, ok. Non, mais quand même, c'est sérieux, les gars, le conservatoire. Oh, ouais. On a une dure vie. Hein. Ah, je vois ça. Ouais. Et t'avais une question, Merwan, aussi pour Big Flo Oli, soir. Tu voulais leur demander quoi? Ouais, en fait, je voulais leur demander. C'est quel son ils ont pris le plus plaisir à enregistrer au studio? Moi, je pense au featuring avec Romano, non? Avec le prince du hip-hop, quand même. Je pense que c'est ça, en fait. Moi, je dirais nous aussi. Tu le connais, nous aussi, le son? Ouais, nous aussi. Celui-là, c'était vraiment pour nous une grosse avancée technique. Vraiment, on s'était donné à fond au niveau des flows, tout ça. Donc, Au niveau des big flows, peut-être, non? Pas mal. Moi, je dirais que c'était comme d'hab parce qu'on était à New York. Il faisait beau, on était entre frères. C'était la première fois qu'on était aux États-Unis, donc on a bien kiffé. Comme d'hab, les ambiances du studio, et je sais que quand tu rentres dans la cabine, t'es pas le même homme. Mais quel poète! Professionnel, quoi! Je demande encore des violons, je suis désolé, mais. C'est le rap game, hein, Merwan, hein. C'est bien. Ah, Merwan, il est implanté dans le rap game. T'as vu ça un peu? Donc, t'es fan de Big Flo et Oli, toi, Merwan, tu vas aller les voir en concert? Bah, je sais pas si je vais le voir en concert, mais ouais, j'aime bien. Ouais. Notre tournée a commencé, vous savez, c'est moi le monsieur pub du groupe Big Flo. Oui, c'est parti. Ouais. Alors, c'est l'écran publicitaire. Toi, t'es un peu le Romano du groupe. C'est ça. Hein. C'est businessman, alors ouais, vas-y. J'en profite pour dire qu'en ce moment, l'album a une réduction, il est seulement à 5,99€. Oh, ça vaut le coup. Ça vaut le coup déjà. Avec toujours dessus, comme d'hab. Non, ça y est, ils se mettent à deux. Romano et Big Flo, vous êtes parfaits. Avec aussi Gangsta. Ah oui. Des morceaux de qualité. Oh oui. Pour seulement 5,99€. Certifié pas cher. Mais Romano, il a des droits dessus, c'est pas possible, il y a un truc. Bah j'aimerais bien. On s'en parle après. Il y a la tournée qui démarre, en tout cas on est le 8 avril au Zénith de Toulouse, ça c'est très important. Et le 27 avril à l'Olympia. Et sinon toutes les autres dates, vous allez sur notre page Facebook, vous allez les trouver. Si on les dit une par une, c'est pas très drôle. Bon, tu vas pas nous faire chier toute la soirée, Big Flo. On regarde sur les réseaux. Le prochain écran pub dans 5 minutes. Bon Romano, t'avais une petite idée pour voir qui était le meilleur. Merci Marouane, hein. Et puis bah bon courage pour la triche. On en reparlera de la triche. Vous êtes plein de nous avoir laissé des messages. D'ailleurs, faut que je les débloque, les messages. Big up. Regardez les messages qu'on a pour vous ce soir, les gars. MDR. Je me dois en écoutant Big Flo et Oli. C'est pas beau? Ah, c'est magnifique. Ah, c'est Chloé qui nous envoie un message. Bonjour à toi, Chloé. On t'embrasse. Bon, on a parlé de plein de choses ce soir. On a parlé de la triche au bahut. Tiens, on aura le témoignage de Nadir là dans un instant, qui paraît-il est le roi de la triche au bahut. Il triche tout le temps. T'es avec nous, Nadir, déjà? On va le retrouver là dans un instant. Il est avec nous, on va le prendre. Nadir, il y a un message de Roxane qui fête aujourd'hui son anniversaire et qui voudrait avoir une dédicace de Big Flo et Oli. Je suis leur plus grande fan. Bon anniversaire, Roxane, même si moi tu t'en fous, mais les voici pour toi. Eh bien non. Ah voilà, je ne serai pas bon anniversaire. Non, je rigole. Bon anniversaire, Roxane. Tu as quel âge déjà? Elle a 14 ans, Roxane. 14 ans, mais tu commences à devenir une grande fille. Je te souhaite plein de bonheur. Mais que tu es grande, dis-moi. Ben oui, gros bisous, ma grande. Que tu as 14 ans, que tu veux. Je suis nul pour ce genre de message. On dirait le vieux tonton ringard. Oui, c'est Big Flo. Hein. Oli, tu veux pas dire bon anniversaire, Roxane? Bon anniversaire, Roxane, bien sûr. Oh, la voix. T'as l'air au bout du rouleau quand tu vois. C'est trop bizarre, quoi. Bon anniversaire. Pierre. Quel jour horrible. Attention, calmez-vous là, tout le monde. Je vous sens tous contre moi. J'ai besoin de mon pote Cédric là pour me défendre. Ah bah t'es pas dans la merde. Je suis avec toi, mec. T'as choisi le bon, tiens. Ah, il est à côté. Cédric, t'as pris le belge pour toujours, tu le sais. Always. Oh, enculé. Eh ouais, Romano. Moi, je suis avec Romano. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Ça t'apprendra à avoir pris parti pour Big Flo. C'est grâce à Romano que je suis disque d'or. Bon, on va danser. Merci. Ah oh, merci de le reconnaître. Alors, j'attendais ce merci depuis longtemps. Bon, salut Lucas qui nous écoute depuis 8 ans. J'écoute depuis 8 ans la radio libre. Vous avez jamais lu un message de moi. Et bah voilà, ça y est, c'est fait, Lucas. T'as bien fait. Voilà. T'as raison de te plaindre. Mais moi, comme Lucas, je vous écoute depuis 8-9 ans aussi. 8-9 ans aussi. Ouais. C'est bien. Moi aussi, tu sais que j'envoyais des messages. Moi, j'écoutais dans mon lit. Est-ce qu'on les lisait? Eh ben non, jamais. Mais bon, il y en a trop. Il y en a trop qui passent. C'était peut-être tout claqué. Et moi, je vais vous dire un truc. Ça va vous étonner encore plus. Mais moi, c'était un pote qui avait appelé, tu sais, pour la fin, quand vous donnez des cadeaux, des ouais, menus, ouais. J'avais appelé et j'étais avec lui. Je crois même que j'ai dit bonjour, un truc comme ça. Et il avait gagné quoi? Il avait gagné un maillot avec. Il y avait son nom floqué, je crois. C'était. Ah ouais. Il y a quelques années. Hein. Et aujourd'hui, on est là. Et maintenant, voilà. Vous êtes là. Nu. T'as pas récupéré la moitié du maillot, non? Rien. Non, j'ai rien eu. Non, il était content, il a dû juste dire bonjour. C'est du plaisir. En fait, pour ceux qui savent pas, il y a un écran qui défile, mais ça défile tellement vite que c'est vrai qu'on peut pas tout lire. C'est dingue. Les gens, des fois, ils se disent, ils font exprès de pas lire mon message et tout, mais pas du tout. Ah bah non, faut qu'on ait le temps. Tout le monde. Voilà, il y en a. Il est où notre tricheur? Parce que c'est pareil que c'est un pro de la triche. On le prend. Nadir en direct de Paris, 15 ans. Salut Nadir. Salut l'équipe. Salut Nadir. Yo. Salut Parisien. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va Parisien. Ça va bien Nadir. Nadir, c'est le roi de la triche. Il y a rien à dire. Ah. Punchline. Tu la mettras sur le prochain album, celle-là. Merci beaucoup. Pour en vendre beaucoup. Plein. Alors Nadir, tu voulais nous dire quoi? Tu réagissais par rapport à la triche au bahut. On en parlait. Attends, première question Nadir. Tu t'es jamais fait choper? Non, jamais. Ah, donc t'as un champion. On a parlé avec Merwan tout à l'heure. Moi, c'est quoi? Moi, c'est les profs et des personnes. Enfin, ils sont cons. Alors, les profs, ils sont cons. Si vous avez de la famille prof, le message est passé. Hashtag, les profs sont des cons. Big up à ma mère, d'ailleurs. Oh. Et oui, car nous sommes une famille de professeurs. Dis fou, la dit big up à ma mère, c'est, oui. Ça me touche, là. Je suis vraiment touché. C'est vrai. C'est beau, non? Bah, elle était prof. Ah, bah ouais. Bah oui. Alors. C'est beau. Oui, je sais, un peu de. Genre. Un peu d'émotion dans l'émission. C'est beau. Ne fait pas de mal. Oui. Donc, toi, les profs, c'est des cons. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont jamais chopés en train de pomper, Ouais, parce que, enfin, je sais pas, ils savent pas surveiller, j'ai l'impression, eux. Tant mieux pour toi. Hein. Ouais, non, moi, perso, j'ai triché. Enfin, j'ai tout le temps triché et ça me rapporte de bonnes notes, donc. Ouais, quoi, à un moment donné, quand tu vas passer un examen, ça va être un peu plus compliqué là. Mais même l'examen, même le brevet, je l'ai passé l'année dernière. Bon, écoute, enfin, tranquille alors, jusqu'au bout. Alors, ça, faut faire attention non, parce que ça. Pendant 5 ans, tu peux avoir. Aucun examen à passer. Ouais, aucun on examen. M'a expliqué, ouais. Y compris le permis de conduire, hein, d'ailleurs, tu passes pas rien. Aïe. Ouais, on m'a expliqué, mais enfin. T'en branles. J'ai pas vu, pas pris quand pas même. Pas vu, pas pris, c'est vrai. T'aimes le risque. C'est quoi ta technique préférée pour tricher? Moi, la mienne, c'était de mettre les antisèches sur la chaise de devant. Les antisèches sur la chaise de l'antenne. Mais c'est quoi, tu les mets sous le dossier, Moi j'avais une bonne technique. Ouais, tu la colles sur le dossier, ouais. Putain, ouais. Mais c'est pas super discret quand même. Hein. Moi j'avais une super technique, c'est ça me revient. Elle a tout le temps une veste ou un truc comme ça. Alors donc ça c'est ta technique à toi, le dossier. Très bien. Et Oli, un petit. J'avais une technique, il y a beaucoup de suspense pour une technique nulle, hein, mais. En fait, j'ouvrais ma coupie double. Suspense. Monsieur Jukebox derrière. J'ouvrais ma coupie double et je marquais toute la leçon au crayon papier très léger, tu vois. Ouais. Donc j'avais toute la leçon et j'ouvrais. Donc je faisais semblant de réfléchir comme ça, comme un pro, et j'avais toute la leçon. Et une autre technique, tu réécris tes cours avec un crayon Bic. Ouais. Sur une feuille et tu l'écris sur chemise en carton. Sur une chemise par exemple en carton. Et après tu reprends et tu lis comme ça. Ouais, après le seul truc c'est que t'es obligé d'être contorsionniste parce qu'il faut mettre la tête dans tous les sens pour voir. Comme ça. Le reflet du truc, discrétion. Non, mais ça marche pas ce truc. Hein. Moi, généralement, ils enlèvent la pochette. Hein. Ouais, moi, sinon, ce que je faisais, c'est dans mon casier en dessous, j'avais tous les cours qui étaient classés avec des intercalaires. C'est quoi ces tables avec des casiers que t'avais toi? En dessous, il y avait des casiers, moi aussi. Ouais, il y avait des casiers. Il y avait des casiers. Oh, il avait pas de casier de naze. Donc, en gros, t'as une table et en dessous, t'as une espèce de planche. Ouais, quoi. Une tablette à trousse. La meilleure des techniques, de toute manière, c'est de réviser, tout simplement. Merci. Bravo, président. Voilà, suis bien les conseils de celui qui a avoué pomper au cours. Je veux bien dire, c'est Oli. J'ai eu mon bac, merci. Non, mais sinon, moi, j'avais une technique encore mieux. Rajoute-moi derrière. J'ai eu mon bac, moi. Merci. Voilà. J'avais une technique mieux, moi. Tu prends ta règle, tu mets du Tipex de l'autre côté, après, tu peux écrire au crayon, et hop, tu retournes la règle, et c'est réglé. C'est ce que je faisais, moi. C'était pas mal. Quoi, le problème, c'est que tu peux pas écrire 4 chapitres, quoi. Ah mais t'as une règle bien longue gros, c'est bon. Ah bah ouais, une règle de 2 mètres. Sinon, mettre des rouleurs. Bientôt les tutos, de Karim, bientôt disponibles. Non mais en même temps, quand tu fais les antisèches, ça te permet d'apprendre. Parce que du coup, tu feintes, tu sais. Ah non, moi j'apprenais rien. Ah bah j'apprenais rien. Pareil, ouais. Oh la télo quoi. Non, c'est vrai, il y a plein de trucs du coup dont je me souvenais. Bah Marie, 4x4. Ah tu me fais chier. 12. Bon. Il y a une technique aussi, c'est de. Sur internet, il y a des trucs pour télécharger carrément les packaging des cols. Ouais, ouais. Et en fait, tu peux changer les ingrédients et tout, et tu c'est mets exactement tes cols dedans. Com, le site. Oh, exactement. Oh là là, le mec, trop chaud, tu sais. Il a des parts dans le site aussi. Ouais, c'est à moi d'ailleurs, ouais. Je vous conseille d'y aller. Ou alors, allez-y. Ou alors, tu reprends tes études, Romano. Ça, j'y crois pas du tout. Alors là, tout le monde m'en a parlé, mais. De quoi? Bah c'est trucs les trucs d'école, là. Pff, ça c'est personne le fait franchement. Ouais, ouais. C'est mon petit coup de gueule à la Gilles Verdez ce soir. Ouais. Oh bon, t'as mal à ta France. J'ai mal à ma colle. Bon merci Nadir, et tu t'es jamais fait choper une fois. Non jamais. Bon, ah bah tant mieux pour toi. Hein. Bon bah bravo. Il y a la technique du fond d'écran aussi. Ah oui, pas con ça dis donc. Ah ouais, c'est vrai. Technique sur du fond le téléphone. D'écran. Bah oui. On met les cours sur le fond d'écran et on a juste à sortir le téléphone sans déverrouiller, sans rien. Ouais c'est mais vrai. Le téléphone maintenant ils te l'interdisent. Ça dépend. Officiel, ah bah ouais, si en cours c'est interdit. Ah bah et puis au bac par exemple c'est interdit. Ouais. Non mais en cours tu l'as ton téléphone. Non mais au bac tu l'as. Bah enfin, oui, non, généralement. En contrôle normal non, mais... tu l'as. Bah, Nadir, Cédric, certifie, t'es relou. C'est-à-dire que lui, oh non, t'as pas le droit. Non. Nadir, il a 15 ans, il est en cours. Cédric, tu as 50 ans, est-ce que t'es en cours? Mais j'ai pas 50 ans, casse-toi. Est-ce que t'es en cours? Non, je suis plus en cours, mais je ben voilà. Je dirais même, j'ai mal à ma France, c'est ta gueule, comme dirait Gilles. Ta gueule toi-même. Bon. Non, mais les profs, ils te confisquaient ton téléphone. Calmez-vous, le belge. La calculette, c'est vraiment le mieux pour ceux qui sont en scientifique et tout. Vous blendez la calculette de logiciel en tout genre. Ceux qui sont pas galérés bien. Par contre, quand t'es en OL, tu galères un peu plus. Eh bien, contre la triche. J'ai mal à ma France. C'est bien ça. Bon, merci Nadir du Pas de soucis, pas de soucis l'équipe, bonne soirée. Et tu reviens quand tu veux, salut Nadir. Salut. Ciao. Et vous bougez pas, nous on revient tout de suite sur Skyrock. On se balance le son, qu'est-ce qu'on va se mettre là? J'avais promis quoi tout à l'heure? J'avais promis un petit Major Lazer, c'est vrai. Ah, ça fait plaisir ça. Moi j'aime bien Major Lazer aussi. Moi aussi j'adore. On va écouter Layla Up, le remix. Et juste après, ça clash, donc le clash de la drague. Exceptionnel ce soir. Attention, ils vont s'affronter. Avec Big Flo, coaché par Romano. Et Oli, coaché par Cédric. Ouais. Qui sera le meilleur? Ne m'appelle plus jamais, Oli, appelez-moi ce soir. Juan. C'est Juan contre. Tous les soirs, de 21h à minuit. What the fuck? Difoulé sur Skyrock. La spéciale de Difoulé tout l'été, 21h minuit, avec la question de Jérémy au 44 sur les messages. À quand le retour de la radio libre en direct? Et bah, logiquement, ce sera le lundi 22 août. Voilà, soyez bien à l'écoute de Skyrock tout au long de l'été. Il y a plein de choses qui vont se passer ce soir, notamment le clash de la drague qui arrive avec Big Flo et Oli, alias Paco et Juan. Ils vont aller téléphoner chez les familles. Lesquels seront les plus séduisants? C'est un clash en équipe avec Cédric d'un côté et Romano sur Skyrock. C'est à suivre. Il y aura aussi du son à écouter avec Soprano en feu, Designer Panda, DJ Khaled, Justin Bieber et DJ Snake. C'est nouveau, c'est sur Skyrock. Il y a en plus pas mal de gens qui me le demandent sur les messages, donc on va le jouer avant minuit, c'est promis. Et puis voilà, donc le clash à suivre, Big Flo et Oli. Et puis on va aussi écouter la version spéciale de Gangsta, le son de Big Flo et Oli massacré par Romano sur Skyrock. C'est à suivre tout de suite dans la radio libre. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500€ dans le Morning de Difool. C'est vrai? Mais oui, The Morning Show. Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. Cet été, Sam débarque dans les dédicaces sur Skyrock. Dédicace! À tout moment, balance ta dédicace à ton pote Sam en direct sur Skyrock et gagne 2 places pour le Whoop à la rentrée. Un spectacle exclusif réservé aux auditeurs de Skyrock et aux potes de Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. D'or et de platine présente. Joule. Son nouvel album Émotion maintenant disponible. Joule, Émotion, toujours disponible. Qu'est-ce qui lui arrive depuis la fin de l'Euro? Bah, il a arrêté de parler. Mais comment ça? Il parle pas quoi, ni bonjour, ni au revoir, rien. Ah ouais, quand même. Mais pourquoi? Alors soi-disant, il parle pas pour rien dire. Ah ouais. C'est gênant. On va enfin pouvoir reparler football. France Football Guide Saison, 148 pages avec tous les joueurs de Ligue 1, Ligue 2, National, plus les calendriers français et étrangers. France Football Guide Saison, en vente demain. On est foncé dans la villa de Tash. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu donnes le choix, on quittera pas le bendo. Découvre le premier single officiel de Shy. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Shy. Son single BMW, disponible partout. Tu veux rencontrer le mec de tes rêves? C'est facile, tu peux te mettre au sport, changer de style vestimentaire, sortir tous les soirs en boîte et faire des séances de bronzage.

Il faut qu'on trouve un nom de d'artiste, un nom de lumière, quoi. Il faut alors trouver un truc, tu sais, qui correspond bien avec les familles. Alors votre méthode. Vous alors nous, pour ceux qui viennent d'arriver à la bourre, on la rappelle. Hein. En fait, on fait un spectacle. On fait un spectacle avec notre sexe. C'est-à-dire qu'on fait des personnages avec notre bite et on aimerait présenter en avant-première le. Romano, oui, est-ce que tu fournis les microscopes au public ou c'est. Oh non, parce que ça va Là, tu parles de ton frère. Ça va te coûter cher. Parce que la tienne est petite et tu penses que ton frère en a eu une petite. Oh, pas mal. Et ça défend plus le partenaire, là, d'un coup. On se tue s'il le faut. Bon, les chauds, alors, t'inquiète pas. Donc, je finis ma méthode si l'autre ferme sa gueule. Donc, c'est-à-dire que nous faisons un spectacle avec notre sexe que nous allons présenter aux familles. Il y a quelqu'un qui a proposé Beat Flow. Beat Flow, oui, pas mal. Pas mal, ouais. Pas mal, Beat Flow et Romafion. T'es inspiré ce soir. Cédric et Oli. Ouais, ouais, ouais. Votre méthode. Nous, notre méthode, c'est on en. C'est le début de la dictature. Elle est pas mal votre méthode. Ouais, nous on est en couple en fait et on aimerait bien faire l'amour ce soir avec une femme, histoire de mettre un peu de piment dans notre couple. Ouais, c'est parce que c'est la détresse sexuelle chez eux. Non, ça s'amuse bien, mais on a envie de faire un truc nouveau quoi. Je voudrais savoir qui est pour qui dans la team là, s'il vous plaît. Alors Marie, t'es plutôt pour qui? Ah, moi j'attends de voir ce que vous faites. Bah ouais, en général, c'est ça. Carrément. Ils sont neutres. Mais ouais, mais au vu des méthodes, pour l'instant, c'est Romano et Big Flo. Ah yes. Au vu des méthodes, tu le déçois, Après, on verra. Au vu des méthodes, et puis à la fin, ça sera pareil. Si vous soutenez, à la fin, peut-être que ça va changer d'avis. Hein. Ok. Votez Romaflo si vous soutenez. Hashtag Romaflo. Ah ouais. Le mec lance 150 hashtags. Calme-toi, Flo. Hashtag Romaflo. Il y en a que deux. Hashtag Romano Big Flo. Big Flo Romano. Personne n'a Twitter. J'adore ça. J'adore les hashtags. Mais laisse les lancer les votes maintenant. Nous, on fera les lancements après. Ouais, t'inquiète. On est à la de monsieur l'arbitre. Ah ouais, les mecs, ils font les mecs. Romanus. Moi, je peux pas vous dire pour qui je suis arbitre. Donc, j'arbitre tout ça, je fais en sorte que tout se passe bien. Bon, bah, moi, je dis. Honneur ou loser, Allez, Cédric et Oli. Regarde l'arbitre, tu le vois en vrai. C'est parti pour le premier coup de fil. C'est un tueur. Il est beau l'arbitre. Allez, go. C'est pour toi, Oli. Et c'est pour toi, Cédric. On appelle Joël. Nous, on écoute la détresse humaine. T'inquiète pas. C'est parti. On va chez qui? Écoute bien la loose. Incroyable. Procès. Allô. Allô. Ouais, José. Oui. Comment ça va? Ça va et toi? Hola, José. Hola, José. Comment andas, hermano? Nickel. Eh, dis-moi, je t'appelle là, je suis avec mon petit copain, là, Juan. Et il voudrait te faire un petit bonjour. Hola, José. Ça va, José? Ça va et toi? Ça fait plaisir de t'avoir au téléphone. Ça fait longtemps, amigo. Ouais. Ouais, ça va. Tranquille. Bon. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je t'appelle parce qu'en fait, on voudrait faire un petit truc là, parce qu'on est en couple là depuis 2-3 ans. Je préférais quand Oli parlait, mais bon. On est en couple là depuis 2-3 ans et en fait, on aimerait bien faire l'amour avec une femme ce soir. Allô? José. José. Voilà. Je serais toi, je laisserai parler Oli. Ouais, t'aurais dû laisser parce parler. Parce qu'il y avait un bon contact et là, Cédric arrive. Qu'est-ce que je t'avais dit, Big Flo? Mais t'as vu, allô? La ragarde, t'as vu? Laisse-moi parler, tous ils sont mal parlés. Est-ce qu'il y a de l'embrouille dans. Est-ce qu'à la technique, on peut nous dire s'il a raccroché? Est-ce qu'on peut avoir. Il est là. Il est là. Vous vous démerdez, les gars. Quand c'est en rouge, c'est que c'est encore là, qu'il est encore là. Allô, José? Oui. Ouais, excuse-moi, je suis avec des amis, là, ils me perturbent un petit peu. On est en soirée, José. Je te disais, on a envie de faire l'amour avec ta femme ce soir. Bah, je crois que vous êtes mal tombé. Bah, sinon, on peut te faire l'amour avec toi. Non, mais j'aime pas les PD, moi. Bah, écoute, t'as jamais essayé. Et voilà, c'est du joli. José. Voilà, et voilà, l'appel se termine en homophobie. Super. Et en plus, il y a un débordement. Le malaise. Oh, là. Et voilà. Voilà comment casser l'ambiance. Eh ben, vous appelez Cédric et Oli. Romano et Big Flo. Tu me laisses t'introduire. Ah bon? Pardon? Ah, tu vois, il le gère déjà. C'est bizarre, tous les deux, là, dites donc. C'est parti, donc. Comment tu t'appelles? Bah, c'est Big Flo. Ouais, mais auprès de la famille. Moi, je m'appelle Jean-Louis. Il faut prendre des prénoms à la con. Jean-Marc. Jean-Marc. C'est vrai que c'est à la con. On salue tous les Jean-Marc qui nous écoutent. Allô? C'est qui? Victor. Allô, Victor? Oui, allô? Ouais, bonsoir, Victor. Comment tu vas? Bonsoir. Très bien. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va. C'est Jean-Louis à l'appareil. Et Jean-Marc. Salut. Et on a une petite surprise pour ta femme. Allô, Victor? Oui. Alors, on propose quelque chose. Un spectacle exceptionnel. Tu sais qu'on arrive à faire des figures avec notre sexe. Oui. Et on aimerait venir montrer ça à ta femme. C'est de l'art. On peut te faire la tour de Pise, on peut te faire la tour Eiffel, on peut tout te faire. Un hamburger si elle souhaite croquer dedans. Je fais le caniche. Victor. Bah écoutez, vous avez l'air de tellement bien vous entendre, pourquoi vous la mettez pas dans le cul Alors, le problème, c'est qu'on aurait préféré le mettre dans le cul de ta femme. d'accord, c'est complet. Désolé. C'est complet, bah dans le tien alors. Nous, on, on est ouvert à toute proposition. Ouais. N'empêche que nous, c'était quand même largement. Oh là là, moi, j'ai bien aimé la tour de Pise. Nous, on est en Ligue des Champions. Ils ont rien fait. En fait, n'empêche, le mec a voulu nous voir copuler. Donc, ça compte déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà chopé. Vous avez rien serré. Bon, pas mal pour le premier tour. Ils voulaient nous voir. Ils voulaient nous voir en copulation. Excusez-nous, il n'y a pas eu un malaise et des débordements. Je sais que nous, on n'a pas parlé sur votre appel. En tout genre, quoi. On comblait les blancs parce qu'il se passait plus rien, mon ami. J'appelle Johnny. Oli et Cédric. Allez, vas-y. Prends ma flo. Et on va chez Johnny. Rock and roll. Rock and roll. Allô. Allô, oui, bonsoir, comment ça va? C'est qui? Bah, c'est Michel au téléphone. Je suis avec mon petit copain là, je suis avec Juan. Vous devez vous tromper de numéro. Non, je te jure, il va te dire bonjour, regarde. Je suis un ami à Johnny. Oui, et? Et bah, justement, t'appelais ça parce qu'on a une bonne nouvelle à t'annoncer. Oui, mais moi, je vous connais pas. Bah si, oui, tu la connais. Oui, on avait fait une soirée ensemble, une barbecue. Avec Johnny. Barbecue. Ouais. Ouais, si, on avait fait un barbecue avec Johnny. Ouais, mais moi j'étais pas là, et qu'est-ce que vous voulez? Bah écoute, on t'appelait ça parce qu'avec mon petit chéri, là, on aimerait bien faire l'amour avec une femme ce soir. Ah, ça ferait plaisir, ça c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Ouais, non, mais vous foutez de moi ou quoi? Ah bah non. Ah non, pour favor, non. On a envie de faire l'amour avec toi. Mais là, j'ai des enfants qui dorment, vous arrêtez pas d'appeler là, non, avec votre truc. Laisse les enfants dormir et puis nous on vient de faire l'amour. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu connais Johnny? Bah oui, on le connaît. Le connais Johnny. C'est qui? Bah je t'ai dit, c'est Michel et Juan. Ouais, non mais moi je connais pas de Michel et Juan. Bah, c'est qui? Si tu veux, on lui enverra un petit texto pour dire qu'on débarque à la maison. Non mais va te faire foutre. Attends, ça va Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Pour un soir. Je ne rappelais pas parce que j'ai des enfants qui dorment. Vous avez que ça à foutre. Sinon, on fait l'amour une fois puis on ne dit pas à Johnny, c'est pas grave. Ouais, non, mais moi, j'ai pas besoin de toi, je te connais pas et puis arrête d'appeler. Ah, tu vas me connaître, chérie. Tu vas nous connaître. Ouais, non, on vient à la casa, on churros et au lit. Ouais, non, mais moi, j'aime pas les Espagnols. Oh, avec ça ton va. Accent à la merde, là, tu peux foutre dans le cul. Voilà, bon, maintenant, propos raciste. Voilà, j'ai pas mis les mettre dans les culs. Bah, plus elle le dit, elle dit oui, je suis raciste. J'ai pas mis les mettre dans les culs. Ouais, voilà. Je te la mets bien profond dans le cul et maintenant je raccroche. Allez, bonne soirée, mettez-vous bien, les gars. Voilà. Allez. Non, mais attends, on arrive. Bien, les gars, bravo. Elle est belle, la France. Super, bravo. Moi, j'ai bien aimé, moi. Nous, on tombe sur des homophobes, des racistes. Franchement, bravo. Tout sort de coups de fil. Oui, fallait le faire. Et c'est pas fini. Marc. Ah, Jean-Marc, c'est moi. Ouais. Toi, tu es Jean-Marc. Jean-Louis. Romano, c'est Jean-Louis. Et on appelle Marc. Marc. Allô, Marc. Allô, Marc. Oui. Oui, bonsoir, c'est la femme à Marc. Oui. Oui, bonsoir. Est-ce que je pourrais lui parler, s'il vous plaît? C'est de la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis et Jean-Marc, deux amis à lui. Excusez-nous d'appeler si tard. Ben oui. C'est qui? Oula. Allô? Ouais, Jean-Marc? Oui. Non, c'est Marc. Marc, comment vas-tu? Ça va. Cool. Tu dormais? Ouais, j'étais... T'es bourré. T'étais couché? Ouais. Bah, tu sais quoi, on va venir se coucher avec toi, du coup, là. Ouais. Et avec ta femme. Ouais. On a un spectacle à vous proposer, en fait. On fait un spectacle avec nos pénis. On peut faire des sculptures avec nos pénis, hein, respectives. En fait, on fait des figures avec notre bite. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Qu'est-ce que t'as foutu? Allô? Marc? Ouais. Bon, bah, on arrive dans 5 minutes et puis on va faire l'amour tous les 4, du coup. Ah ouais, t'as raison. Ouais, sinon mieux retourne te coucher. À la prochaine. Ah ben à la prochaine. Dans 5 minutes. On arrive à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite, on arrive. Ah, je sais pas, ça s'est bloqué au niveau des figures sur. Allô. Marc, il est parti. Jean-Marc, il a niqué la paix, je crois. Non mais je ne dirai rien. Je ne dirai rien pour garder l'unité de mon équipe. Ah merde. Mais je crois qu'il va jouer tout seul avec son zizi. Mais non, mais il fallait y aller plus cash. Le mec, il dit oui, alors je vais faire des figures avec mon sexe. C'est quoi ce tour de merde que t'as pris? Regardez, il se clash. C'est honteux. Le groupe ne s'entend pas du tout. J'apprends. Les racistes homophobes là. C'est pas nous. Il a quand même dit, excusez-moi, je suis pas de mauvaise foi. Il a dit à la prochaine. Oui, venez dans mon lit. Bien sûr, il a dit ça. T'es pas un mixeur, toi. Dernier tour. Alors après, qu'est-ce que vous allez nous faire cette fois-ci? Alors on a eu du racisme, de l'homophobie pour les deux premiers coups de fil de Cédric et Dolly. Qu'est-ce qui va nous réserver le troisième? Peut-être les deux d'un coup. La totale. Peut-être. Ah, attention. Concentrez-vous, c'est votre dernière chance de serrer, les gars. Oli, Cédric, donnez tout. C'est Carlos. Ah, en plus, il est du pays. Putain, mais c'est ah. que des gens de. Carlos, Manuel. Manuel, Carlos, José. Ouais, Johnny. Juan. Ouais, on est Johnny aussi. Ouais. Nous, on aime les Espagnols. Ah, que Johnny. Ah, ah, si. La dame d'avant, elle aimait pas les Espagnols. Quand ah, elle, par contre, ah, j'aime pas les Espagnols. Allô. Oui, bonjour. Ah, bonsoir, c'est Carlos. Oui. Comment vas-tu? Ça va, qui c'est là, genre? Bah, c'est Michel et Juan, je suis avec mon petit chéri là. Hola Carlos. Ça va? Ça va, oui. Bah, Carlito. On voulait te faire un petit coucou ce soir. Carlito. Bah, ça va, tout va bien? Oh, bah, j'écoute, non. Ça, enfin, bon, ça s'arrange. Ça fait 4 semaines que j'ai mon pied dans le plâtre. Ah, tu peux rien faire avec ça. Et à chaque fois, c'est bon délire, vous appelez. Bon, et on peut venir soigner tout ça. Hein? Je suis avec Juan là, il voulait venir se faire un petit câlin pour te soigner le pied. Ah, ouais. Un câlin magique. Câlin magique. Ouais, bah là, ça vient bon, ça fait, j'attaque la 5e semaine, ouais. La semaine prochaine, je dois passer voir le docteur, ouais. Le kiné. Le docteur, oui. Et le docteur Maboule. Tu peux traduire pour moi, ce soir, il fait quoi ce soir? Là, il a dit, il veut te faire l'amour. T'es pas tout seul à la maison, là? Non, je suis déjà couché, là. Ah, t'es couché? Bah justement, on voulait venir dans ton lit ce soir. Ah oui, bah ça sera pour une autre fois. Oh, vas-y, on peut venir ce soir. Ouais. On va te faire l'amour ce voilà, soir. On est deux, Carlo. On va se faire un petit truc à trois là, c'est sympa. Ouais. Ok. Eh, t'as jamais fait ça de ta vie. Ouais. Ah bah une première, une découverte pour toi, mon chéri. Ah ouais. Voilà. Eh, je te jure, Carlos, tu vas t'en souvenir. Hein. Ouais. Oh là. Juan, il fait l'amour comme jamais. Ouais, ben bah, là, je suis couché, moi. Ouais. Nous aussi, on va se coucher avec non, toi. Non, mais il veut pas. Ouais. On arrive. On arrive, Carlos. Même les pieds dans les plates, allez, on va tous prendre notre pied là ce soir. Ah, pas mal. Voilà. T'as pas compris la blague, c'est le bide. T'es ok, Carlos? C'est le bide. Bon, Carlos, c'est un truc à trois, ça te branche? Ah bah, grave. On fait ça? On va simplifier. Hein. On arrive? On arrive dans 5 minutes, hein? Bah non, là tout le monde est couché. Hein. Oh, on va réveiller tout le monde, on va faire un petit truc sympa. Ouais, bah j'ouvre pas la porte là. Oh, allez, vas-y. Ouais. Bon, bah sinon, je m'occupe de ta femme, c'est pas grave. Toi, je vais te laisser dormir et puis on va s'occuper d'elle. On va lui montrer c'est quoi des bonhommes. Ah, qu'est-ce qu'il va nous annoncer là? On est deux. Carlos! Carlos, ah bah justement, Carlos. Il est parti ouvrir la porte. Voilà. Bah oui, il est parti. Ah, c'est ça, il est parti ouvrir la porte. Ah non, regarde. Il a sa femme, il dit regarde. Bon, on arrive, Carlos, à tout de suite. Oui, c'est bien, les gars. Voilà, c'est bien. Allô? C'est bien, les garçons. Voilà, on était chez Carlos. Oh, Carlos, c'est son plat. Il était sympa, Carlos, il nous racontait sa live. Aïe, depuis 4 semaines. Il attaque la 5e semaine. Et on va aller voir le docteur. Là, c'était un malade maintenant. Homophobie, racisme et malade. Et maladie. On a la totale, nous, c'est pas possible. Et maladie. Tu l'as souligné, Cédric, c'est radio déprime et suicide. C'est pas le et maladie aussi. Romano, je te suis. Alors, c'est qui? Antonio. Putain, mais c'est pas vrai. Ah, c'est pas en votre honneur, les gars. Merci, les gars. Ça c'est spécial. Latino en force, s'il y a des latinos. Latino. Hashtag latino. Allô? Allô, Antonio? Oui, bonjour. Bonjour, comment tu vas? C'est qui m'appelle là? Eh ben, c'est. Hola, amigo. C'est Jean-Marc. C'est Jean-Marc. Jean-Marc et Jean-Louis. Oui. Et des copains de ta femme. Comment on a, hermano? Oui, je t'emmerde. Va te faire foutre. Oh, bah écoute, parce qu'on voulait venir la voir ce soir là. Va te faire foutre. Allez, on voulait venir justement la foutre bien comme il faut. Va te faire foutre, va te faire enculer. Ouais. Essaye en espagnol. Te va a manculado. Là, tu parles tout seul. Vas forte. Allez, est parti. Ouais. Ah bah alors, oh là je te dis. Alors la team, t'es va manculado. Troisième appel, troisième défaite, c'est beau. Je retiens, t'es va manculado. Elles sont faire caler trois fois. Franchement, on a été très très bon avec Romano. Bah non, mais c'est clair, il y a eu le premier. Il nous a dit, le premier il voulait nous voir baiser, le deuxième. Là, il nous dit va te faire enculer, en gros. Donc, il voulait quand même des relations. Franchement, il l'a répété plusieurs fois en plus. Eh Oli, tu sais comment ça, c'est des mythos. Ça, c'était la déclaration de Romano et de Big Flo. Ouais, bah votez en face Flo Romano. En face, je répète hein, quand même. Homophobie, racisme non, et maladie. Tout ça, bad trip. Votez Romano et Big Flo. Bon, enfin, Romano. Romano. Laissez-moi Oli parler, et Cédric. Nous ce soir, la team Big Flo. Non, pas Big Flo d'ailleurs. Oh là là! Le bébé, il vote pour nous. Ils sont perdus. Ce que voulait dire Cédric, c'est que la team Big Flo et Romano sont bien chiés. Ils sont des tricheurs. Ils s'inventent des vies. Nous, la team Oli et Cédric, tranquille. On a eu des familles un petit peu hardcore, mais on a quand même réussi. Nous, on a fait rire tout le monde. Il y avait le mec qui avait le pied dans le plâtre. Il y avait toute la famille. C'était super beau. Il y avait l'homophobe, le raciste. La femme à Johnny. Il y avait la femme à Johnny. Justement, tous ceux qui sont contre le racisme, faut voter pour nous. Voilà. Et José le premier, comme qui lui n'a jamais fait l'amour avec un homme, qui ce soir va découvrir des nouvelles sensations. On a rigolé avec José. Allez, il faut tout le monde, faut voter pour nous là. Ce soir. Allez, c'est celui qui vous a dit. Allez, votez Romano Flo. Yo, yo. Et il y a Capucine qui est en ligne avec nous. T'es là, Capucine? Oui. Oui, Capucine. Salut, Capucine. Tu fais le. Salut. Tu es à l'assaut du standard depuis tout à l'heure pour parler à Big Flo et Oli, toi. Faut t'aider, Oli. Vraiment, ouais. Alors, mais comment on fait? Parce que toi, t'es fan des deux. T'aimes bien Big Flo et Oli. Ouais, c'est ça. Mais comment on fait pour choisir quand il y a un clash comme ça et qu'on doit absolument choisir ou Big Flo ou Oli? Ah, tu votes Oli, c'est plus simple. Tu votes Flo et puis voilà le grand frère. Je sais pas. Oli. Vote Oli, Flo. C'est mieux. Il faut choisir. Juste, Capucine, tu es où actuellement? Oli. Voilà. Merci. Merci à tous. Je suis très rapide, j'ai un bien cerveau joué, bien super. Bien joué, c'est applaudissements là. Romano, s'il te plaît. Deuxième vote pour Oli. T'entends beaucoup, hein, quand même. Et tu rentres dans le Karim Comedy Club en plus. Oh, je tiens, te l'annonce. Ce soir, c'est une grande soirée pour moi. Merci beaucoup. Peut-être la soirée de la consécration. Oui, on peut le dire. Elle a pas voté pour Oli. Hein. Plus fort que la soirée de votre disque d'or encore. Oh, ah, c'était une belle soirée quand même. Oui. Alors Capucine, tu voulais leur parler. Ils sont là. Qu'est-ce que tu voulais leur dire? Je voulais vous demander si vous n'avez pas peur de prendre la grosse tête ou de devenir un peu plus commercial. Toi aussi, tu l'as remarqué. Toi aussi, tu t'es dit, bah, pareil. Tu dis. Ouais, ça commence à se la péter. Ça y est, ça commence à se la péter du côté de Toulouse, là. Je sais pas ce qui se passe. Se la péter, tu vas me dire, pour un cassoulet. Et puis, il y avait presque nous a fait Flo. Oh là là. Bravo Flo, c'est pas mal. Mais Capucine, pour te répondre, on y a souvent pensé, vous y pensez à ça? Bah ouais, on se dit, on espère pas changer, parce que c'est vrai qu'on vit des trucs qui sont pas normaux. On a vraiment une vie assez dingue en ce moment. On voyage beaucoup, on remplit des salles et tout. Donc, est-ce que vous avez vu des rappeurs que vous avez connus ou que vous avez suivis, que vous aimiez bien, qui ont changé? Vous avez trouvé, vous avez dit à un moment, ouais, il prend la grosse tête, il se prend la tête. Oui, mais on dira pas de nom. Je te connais. C'est vrai, tu me connais, c'est vrai. Non, mais des gens, même des artistes en général, pas que des rappeurs, qui voilà, se laissent un peu griser par tout ça. Nous, c'est pour ça qu'on continue à vivre chez nos parents à Toulouse. Et avant de repartir en tournée, ben on va dormir deux nuits à Toulouse. On sera avec nos potes de toujours et. D'ailleurs, notre vie, au final, n'aura pas trop changé. C'est pour ça qu'on aime à chaque fois rencontrer les gens jusqu'au dernier. Ouais. On prend les photos jusqu'au dernier à la fin des concerts. Donc voilà, c'est grâce à vous qu'on peut faire des Juan et Paco. Donc, Juan et Paco. Et ça, donc c'est on n'oublie pas. La consécration. Ouais, moi je voulais dire. Bravo. Par rapport à ça, pour montrer bien votre état d'esprit. C'est un truc, je sais pas si j'avais déjà parlé avec vous, mais j'ai vu une vidéo sur YouTube. Vous êtes dans un garage avec tous vos potes là. Tu sais, vous faites un espèce de freestyle, vous faites un peu de craquage, machin, Booba et tout, des trucs comme ça. Ouais. Mais bon, pour rigoler. Et putain, cette vidéo elle est vraiment énorme. Si vous l'avez jamais vue, je vous invite à aller la voir. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ça s'appelle Le Rap avant la tempête 1. Ouais, c'est bien ça, joué, Samy. Très connaisseur. Ouais, franchement, on voit bien votre état d'esprit. Ouais, avec les poteaux. Ouais, les délires. Avec les poteaux. C'est vrai que t'as perdu l'accent. Et en plus, le freestyle, au-delà de ça, il est vachement bien, tu vois. Les textes et tout, c'est marrant. Bah, merci. Vous rappez et tout, c'est vachement bien. Bah, dans nos clips, d'ailleurs, c'est toujours les mêmes potes. C'est nos potes qui nous suivent aussi en tournée. C'est toujours la même équipe. On est toujours restés les mêmes. En tout cas, on essaye. Mais c'est vrai que des fois aussi, il faut dire que quand tu deviens un petit peu connu, entre guillemets, les gens, il suffit qu'ils te voient de loin faire un truc et ils se disent, ah ouais, t'as vu comment il se la pète maintenant, Big Flo, il boit du jus d'orange en toussant. Enfin, je vous le confirme. Du jus d'orange Pago, j'ai vu. Non, voilà. Paco. Ah, Paco, pardon. Paco et Juan. Les gens, ils en font un peu trop des fois, mais nous, voilà, Capucine. Capucine, je sais pas, tu viens à nos concerts? Je suis déjà venue le 16 octobre à Tourcoing et je reviens le 19 avril. On s'était vu à la fin ou pas? J'avais pris une photo. C'est moi qui avais un t-shirt avec Choupi et Fidel. Ah, c'est vrai, je me souviens. Mais voilà, on espère qu'on a été cool avec toi et que tu nous as trouvé ça. Non, vous avez été trop con. T'as déjà tes places pour Lille? Ouais, j'ai déjà mes places. Ah, bah, mais j'ai une pote qui voudrait se rajouter en fait et elle a pas encore acheté sa place. C'est cadeau, je le note sur mon portable. Là, c'est cadeau, c'est pour. Voilà, c'est cadeau. De acheter une offerte. Raccroche pas, Capucine. Et en plus, à Lille, ça sera mon anniversaire. Spécial. J'aurai 20 ans. C'était à 20 ans. Ah, 20 ans, c'est beau. Comme, bravo. C'est voilà. Combien, moi, je les ai fêtés le 11 janvier. Le 19 avril. Ouais, ça va. Est-ce que Capucine, elle peut pas danser parce que j'ai plus de pain chez moi? Alors, attention.

just hit the lean the fan. Credit cards and the scams, hitting the licks in the van. Legacy, family, why is it lit like a panda? Going out like a Montana, 20 killers on the hammers. Legacy, family, why is it fan? Package full, Danny, set up a candy. Main out the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then they pull up your band, hope the killers understand. Hey! Panda. I get broads in Atlanta, twisted up leaning street, sipping Fanta. Credit cards and the scammers, wake up beside you, let it sign over to Lattice you. They be acting rats, I know we clapping you. I be pulling my stuff in the finest you. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried to shoot. Legacy, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla. They come and kill you with bananas. For feelings, I feel it. Pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the comment. But Broly is dancing bigger than the panic. Go out to the Grammy, but pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas discount for digits. Say you make you a lot of new money. No killers, pull up in the end of baby. CTDD, pull up in the killer baby. Call a filler, pull up, gon' fill it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I flood the bombs when he spinning the Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business in the brave, doing the penny. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas you Panda. I got broads in Atlanta, just a dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family, why is he look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, why is he panda? Package full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your band, hope you killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, why is he look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, why is he panda? Package full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your band, hope you killers understand me. Panda. Tous les soirs, viens toi aussi rejoindre la plus grande radio de France. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Je profite pour passer un petit big up à Wawad qui avait nous. Je lui dis à Wawad, il est devenu, c'est devenu une star cette semaine sur Wawad. Salut à tous. Salut Wawad, comment vas-tu? Ça va très bien, toi. Il peut vous faire tous les sons que vous voulez. Fais une démo. Que ça soit des sons physiques ou des musiques. Donne-lui ton micro, ce sera plus simple. Ah, vas-y, fais-nous des. Une petite démo, il en a marre qu'on lui demande, mais on aime bien lui faire chier. Voici Wawad tout de suite sur Skyrock. Une petite démo, je suis venu ce soir avec mon pote Rhythmag de mon groupe Berry Wam, donc on fait une petite démo à deux. Ça te dit? Allez. Allez-y, les gars. Bon, alors, Wawad. Ah, Wawad, je te cherche, t'es derrière. Vas-y, Wawad. Alors, Wawad, et le poteau, ton prénom, ton nom? Rhythmag. C'est Rhythmag. Rhythmag. Hello, Rhythmag. Russian. Très bien. T'es toulousain, toi aussi? Non. T'es pas du tout. Vers Toulon. Vers Toulon. On reste dans le sud. Ah, Saint-Raphaël. Romano connaît très bien ce coin, là, parce qu'il part en vacances à Sainte-Maxime. Il a des résidences là-bas. C'est à côté. Voilà. Et toi, t'es de Toulouse? C'est ça, Toulouse. C'est bizarre, ça sonne pas du tout. Bon, moi, j'ai. C'est vrai. Vous nous faites quoi, alors? On va reprendre le son de Animals de Martin Garrix. Alors, tu nous fais Animals de Martin Garrix. C'est chaud? On est chaud. Ah, allez, vas-y. Tiens, écoutez bien, dites-nous ce que vous en pensez. Tout ça avec la bouche. Et tout ça avec la bouche et peut-être l'anus et si Marie veut participer. Marie pourra peut-être. Je t'en remercie, mais j'y Marie fera les bacs ça. Avec son anus. L'accompagnement. Attendez, Marie. Les gars, je me mets juste au ton. Bien. C'est bon. On peut y aller. C'est bon, je suis prête. Allez-y. Barré. Envoyez le bois. Animals. Bravo. C'est malin. Joli, très aigu la fin, Marie. Eh, c'est vachement bien. Ouais, c'est bien. Ce qui est bien avec Wawad, c'est qu'il peut faire tout. Tu lui demandes un klaxon, il te fait un klaxon. Vas-y, fais un klaxon. Klaxon. C'est pas le klaxon qui est bien, c'est la tête qui va avec. Non, attends, Wawad, vas-y, refais, j'ai pas vu la tête, moi. Pas mal. Non, mais attends, Wawad, il a un beat où il y a un klaxon, un rire et une femme qui jouit. Alors, vas-y, fais-nous le klaxon, le rire, la femme qui joue. C'est celui-là, il est bon. Pour Romano. Ouais. Ah, merci, c'est gentil. C'est fort, hein. Ah ouais, putain, balèze. Pas mal, pas mal. Eh, pas mal. C'est impressionnant. Alors attendez, demandez-nous des sons, ils vont nous faire. En fait, vous allez être boîte à son. Distributeur, quoi. Vous demandez un son, ils vous le font. T'es en soirée, comment on doit rigoler avec toi? C'est tout le monde qui est bourré sauf toi. Eh, fais ça, fais ça. Ah, il a la marre, il a la marre en plus. C'est toujours ça. Fais-nous un cheval. T'arrives à faire le micro-ondes? Le micro-ondes? Si, pourquoi tu veux qu'il fasse un micro-ondes? Ah, il arrive pas à le faire. Je sais pas comment ça. L'aspirateur. Ça fait un sting à la fin. Il adore ça. Romano un fantasme. Enfin, il a l'air d'aspirateur. C'est pas un fantasme. J'adore aussi le bruit d'aspirateur. Et les gars, on est d'accord, c'est bizarre de demander. Tu peux me faire le bruit du micro-ondes, s'il te plaît? Non, mais les gens sont bizarres. Hein, t'as vu, hein. C'est très bizarre. Tu sais, ton klaxon bizarre du Tour de France, là, pour voir s'il peut le refaire. Ah, attends, il faut qu'il mette le casque. Bouge pas, prends le casque, écoute bien ça. Le klaxon du Tour de France. C'est des gros jacquilles. Hop, je vous le cherche. Ah, mais dis-fou, tu pourras lui faire ton. Ah, ça va. Ah, ça va. Oh, ça va. Oh, ouais, là. Oh, bon, attends, ça va. On va voir si ça va, ouais. Vas-y. Ah ouais. Et attention, plus dur, celui-là. C'est un tueur. Ça, c'est le klaxon de la voiture de Cédric. Ah, bien, joli. Pas mal, pas mal. Diffoul, tu nous fais le bruit de la télé qui s'éteint. Ah oui. Tout à l'heure, j'ai fait la télé parlante de Romano. Ouais. Ça me dit Diffoul, je mets dans le game du beatbox. Oui, bonjour, je suis la télé de Romano. Voilà, attention, la télé va s'éteindre. Bonjour Romano, tu veux que je m'éteigne? Oui. Oh. Bravo Diffoul, ouais. C'est impressionnant. Tiens, il y a Fabien Tim Romano, il aimerait que tu enchaînes la vache, le chien et le coq. Vache, chien. Chat et coq, vous êtes grave. Mais en plus, on en rigole, mais on lui demande tout le temps, nous, non, même nous, en voiture. Vache, chien, chat et coq. Mais ouais, ta vie est un enfer, non? Ah, j'en ai marre. T'aurais jamais dû commencer à faire ça, ouais. Mais ça t'est venu comment, ton don? Depuis petit, je fais des sons comme tu ça. Tu fais des sons comme ouais, ça? C'est incalculé. Et ouais. D'être au baby avec toi, ça va être trop drôle. Ah ouais, c'était. Je crois qu'il était vraiment solitaire quand il était jeune. Mais tes parents en pouvaient plus à un moment, non? Ils en peuvent plus, ouais. Ah ouais, ils ont toujours pas de temps. Parce que dans ta chambre, en fait, t'as l'impression qu'il y a 50 personnes. Il m'a raconté qu'à l'époque, genre dans la cour du collège, tout le monde lui disait Walidou, un petit coup. Walidou. Et ça voulait dire qu'il devait faire un petit truc, quoi. Même les nanas, un petit coup, c'est sympa ça. Ouais, ça arrivait plus tard. Et t'arrives à imiter des voix de gens? Imitation C'est un peu plus dur. Ouais. Ah ouais? Ouais, j'aime bien imiter la voix de femme, tu vois. Akon, Lonely par exemple. Ah, Lonely, ouais, voilà. Ah, vas-y, fais Akon. Lonely. Excellent. Rajoute le beat. Il fait les deux. Elle est deux en même temps, putain. Il chante, putain. Il est fort, voilà. Il est fort. Ah, super. Bravo. Est-ce que vous avez, Romano, tu sais imiter des gens, toi? Oui, non, si, Jean-Marie Le Pen. Yavol, mesure. Waouh, comme il était fier de ton imitation. Il est trop content de le faire. Bah, il me demande, Samy, il adore que je fasse ça. Il sait faire les Chinois aussi. Non, mais ça, vas-y, fais Marine Le Pen maintenant. Yavol, mesure des étrangers. Voilà, vous avez vu? Je sais que Flo sait faire Karl Lagerfeld. Ah, vas-y, fais Karl Lagerfeld. Ah, ça, c'est bien, ouais. Moi aussi, je sais faire Karl Lagerfeld. On va voir qui fait le mieux. Romano, tu mets des espèces de trucs dégueulasses avec des espèces de cheveux qu'on t'a même pas de cheveux sur le crâne, c'est vraiment dégueulasse. Quand je te vois, j'ai envie vraiment de vomir, j'ai envie de partir de Chanel tellement tu me fais envie, me donne envie de vomir. Non, mais tu le fais bien, ouais. Pas mal, hein? Ouais, pas mal, ouais, pas mal. Je le fais mieux, non? Oui, bah, évidemment, tu fais le. Petit battle. Romano, tu es une petite pourriture. Non, tu. Ah! Non, tu es un nazi. Il fait le nazi, là. Je recommence, c'est Benoît pour le vendre, là. Bonjour, Romano, tu n'es qu'une pourriture. Pourriture. Mais avant, tu le faisais mieux, tu vois. Non, mais je suis bloqué par Big Flo parce que j'ai l'imitation de Big Flo dans la tête. Ah, je sais imiter Nelson Manfort aussi. Ah, vas-y. Ce soir, c'est soirée carnaval. On revient au clash, là. Ah, ouais. We are here in the studio of Diffoul with all the family. We are. Tu tiens moins bien que l'autre, quand même. Ouais, ça, tu limites un peu comme moi que je fais Karl Lagerfeld, en fait. C'est un peu le. J'aurais dû me taire. Non, mais t'as bien fait de dire que c'était Nelson Montfort, tu vois. Non, quand même. Attends, mais n'empêche que Wawad, t'as pas fait l'enchaînement qu'on voulait. Ah, comme il a esquivé. Tu t'en souviens de l'enchaînement, Romain? Et le coq, la vache. Le chien. Rajoute quelqu'un qui boit une canette aussi. Ah, en fait, ça la demande. Ouais. Alors, je passe la commande pour les bruitages. Qui attends, veut quoi? Attends, il y a CC, il veut une Formule 1 aussi. Ah, mais vas-y, Samir, on te rajoute une voiture. T'inquiète. Alors, la vache, le coq, le chien, le chat, la le bruit 1. De la canette et une Formule 1. Ok. Eh, t'es mieux que le meilleur des ordinateurs avec plein de sons dedans. C'est clair. Ah, Wawad, faut que tu viennes nous voir plus souvent. Ah, j'avoue, c'est drôle. Ah, non, sérieux, c'est bien, Wawad. Cédric, fais-lui ta meilleure imitation. Mon imitation. Ben Laden, toi. Ah, pardon. Ah, non, c'est pas ça. Ah, putain, tu fais trop bien. La chante Ali Chakiz, là. Je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a fait peur. Tu sais pas le faire, ça. Vas-y, fais ta meilleure imitation, Cédric. Non, mais je sais pas faire d'imitation, moi. Mais si. Ah, bravo! Oui, ah, mais n'importe quoi. Jusqu'au bout. Non, tu sais pas faire d'imitation. Ah non, moi je sais pas faire d'imitation, non. Bonjour, Big Flo, bonjour, Oli. Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Ah, pas mal. Bonjour, comment allez-vous? Ah, il est fort, il est fou. Oh, Romano est à bataille. Ouais, c'est vrai, ouais. Je suis même plus grand que vous, monsieur le président. Ex-président. Bonjour, espèce de petit con. Bonjour, ouais, ouais, quand je serai président, je t'arrache. Il parle pas mal. J'ai pas compris, c'était Sarko ou Gollum, en fait. Dans le... Eh bien, ce qui est fort en imitation, c'est que c'est que ça sert pour les deux. Moi, j'ai fait du morphing en imitation. Ouais, oh, les deux, comme ça. Toujours futuriste, ce. En plus, on a rencontré la voix de Sky hier. Ah, celui qui fait les jingles. Ouais, le mec qui fait les jingles. Vas-y, mets Romano un jingle. Ah ben, c'est maintenant. Lui la bonne Sky. La radio libre de Difool tous les soirs 21h minuit sur Skyrock. Alors, on a appris un truc bizarre de le voir. C'est qu'il fait aussi la voix de Stitch. C'est lui qui fait la voix de Stitch. Oui, tu verrais toutes les voix qui font lui, c'est un truc hein. Ouais. C'est un truc hein. Vous avez vu donc regardé sur internet. Le mec c'est un humain. Eh ouais, ouais, ouais, ça fait bizarre. Salut Manu. Il existe vraiment. Il existe vraiment, ouais. C'est un peu comme quand vous avez vu la première fois, ça faisait bizarre de vous voir. Parce on existe vraiment. Vos voix sont mythiques. À part celle de Romano, vous avez vraiment des voix. Il m'en veut, cette salope. Il est Team Cédric, hein. Non, parce qu'il y en a qui croyaient que la voix de Sky, que le mec était là 24 heures sur 24. Bah oui, bah évidemment, entre chaque disque, c'est lui qui fait les jingles. Entre chaque disque, il est là et il parle. C'est Manu, on le salue là. Et une petite imitation, qui c'est qui s'est imité dans l'équipe un autre? Parce qu'il y a Romano qui s'est collé, Cédric nous a fait l'imitation du Pay qui était quand même magnifique. Karim, il n'y a rien en imitation. Karim. Non, y a rien, toi, tu sais pas imiter quelqu'un? Attends, si, c'est Golden Royal. Non, attends. Ah, il s'est chauffé. Ah, bah, attends. Bonjour, Homer, il vous faut une paire? C'est qui? Ah, c'est à vous! Bonjour, Homer. Non, il parle pas comme ça, non? A priori, pas des masses. Il parle pas comme ça. Ah, t'as Wawad, t'as fait un carton, t'as vu tous les messages qu'on a eu pour toi, Wawad? Ça fait plaisir. Tiens, je te demande d'ailleurs si t'as une chaîne YouTube ou un truc. Vous tapez Wawad, W-A-W-A-D, il y aura toutes les vidéos. Voilà, Wawad, il a beaucoup plus l'accent que nous, par contre. Pour trouver la meilleure vidéo de Wawad, il faut taper sur Facebook BIGFLO-ET plus loin OLI. Sur iTunes aussi. Mais non. Sur iTunes. Aussi mardi si vous voulez. Samy, une imitation? Non, j'étais en train de réfléchir. Moi non, je sais pas trop. Bah, il imite un Marseillais. Si, imite un Parisien. L'accent parisien, non, j'allais pas dire. Le faire, mais si tu l'as fait l'autre jour. Ah ouais? Mais si, oui. Tu dis quoi déjà? Putain, bah, je sais plus, tu parlais comme ça. Il a la presse. Salut, c'est Samy. Ah, j'ai réfléchi, qu'est-ce que. Oui, c'est Samy, les Parisiens, c'est des cons. Non, mais franchement, le Paris Saint-Germain, Ibrahimovic, c'est super, putain, il déchire. Non, tu vois, j'adore le ballon depuis 2 ans, moi, c'est vachement bien ce qu'il fait. Oh! Il attaque, hein. Il attaque. T'as vu ça un peu. Là, je vais faire Marc Simpson. Homer, va coucher les enfants. Pas mal. Bah, je suis sûr que c'est la seule phrase que t'arrives à faire. Ouais. Non mais c'est souvent ça les imitations. Tu sais, tu dis deux mots et t'as l'impression de la dire, mais de ouf. Mais ouais, tu sais faire Big Flo Oli? Ah ouais. Non. Pas faire. C'est super dur. Ils ont des voix. Ils ont des voix de merde, hein, ça. Non. Ils ont pas le. Tu vois, ils ont pas des voix atypiques. Du coup, c'est. Ça, voilà. Des voix un peu communes. Sympa le bon. Merci les gars. Merci. Hein. Ils ont vraiment des voix de merde en fait. Moi, c'est on le ramène sons, ici là. Voilà. Moi, souvent les gens qui m'imitent, ils font la voix un peu aiguë. Genre yo, c'est Oli. Je sais pas pourquoi. Je suis un peu vexé à chaque fois. Yo, c'est Oli. Et vous êtes avec moi. Ouais, AV. Non, Big Flo Oli, ce qu'ils savent bien faire, c'est genre. AV-moi, c'est comme ça que vous dites. Rapper, mais avec un flow super rapide. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu veux qu'on le fasse maintenant, vidéo, là avec Eminem. Je suis venu pour terminer tes ridicules, tu m'étais pas éminé, je vais t'éliminer, t'étais pas habilité, t'as débilité le gros naze. C'est bien parce qu'il peut t'insulter, tu comprends rien. Ouais, c'est ça qui est parti, quoi. Il fait ta blague, non, mais il peut t'insulter, derrière, tu lui fais waouh, c'était super. Waouh, trop bien, génial. On a compris naze à la fin. Tellement t'as rien compris. Je te dis ça pour draguer les filles. Des fois, je viens sans prévenir et je commence à rapper devant elles comme ça. Ça marche à tous les coups, vraiment. Arrête. Ah, ta gueule. Le mec fait une crise, il a une crise d'épilepsie. Au Big Flo Oli, vous revenez très vite. Vous nous appelez de votre tournée, vous nous donnez. Ah ouais, avec plaisir. On va se faire ça sur scène là. On vous fera faire du bruit au téléphone, tu verras. Ah, on peut se faire ça, ouais. Très bien. Il faudra qu'on trouve la bonne date et on va le faire avec plaisir. Non, mais voilà. Peut-être qu'on vous préviendra pas. On va peut-être pirater un concert. Bon, mais je garde mon portable toute la tournée avec peut-être, moi sur scène. Peut-être le premier là où vous êtes stressé. Alors, ah non. C'est le relou quoi. On va foutre le bordel. Tiens, tu fais en plein milieu de la conduite, on arrive. Tonton relou. Non, mais c'est vrai, on est toujours content de venir ici. Le Planet Rap s'est bien passé. On a un nouveau son là qui arrive. Ah bah, le Planet Rap s'est bien passé, c'est parce que m'a dit Fredo en tout cas. Ah. Ah, moi, il m'a dit qu'il était content, je suis déçu. Ah. Bon, en tout cas, Big Flo Oli, profitez bien de la tournée. Il n'y a pas quelqu'un qui a perdu un téléphone? Oh putain. Oh non, mais c'est pas possible. Pas commencer, là. C'est qui? C'est pas possible, c'est moi. C'est Oli. En plus, elle a la vitre cassée, c'est bon. Ouais, il vaut rien, je te le rends. Ah, merci, c'est gentil. Ah putain, l'autre. T'es trop fort, Romano, bien joué. Hein. Allez, un peu. Et merci, Wawad aussi. Hein. Ah oui, merci. Et redonne-moi ton blaze. Ouais. Parce qu'il était là aussi. J'ai pas dit parce que c'est compliqué. C'est Beatmind. Ah oui. Rhythme, pardon. Ok, tout va bien. C'est Wawad et Rhythmind. Wawad, un petit scratch de fin. Radio Libre, spécial Radio Libre. Radio Libre. Attendez, excusez-moi, il y a une urgence. Il y a une urgence. Qu'est-ce qui se passe? Le Belge est bloqué dans l'ascenseur. C'est pas vrai. Passe-nous Cédric. C'est sérieux? Cédric. Allez, attends, Cédric. Vas-y, mets le haut-parleur, Romano. Il n'y a pas de haut-parleur. Ah, il n'y a pas de haut-parleur. Non, c'est... On le rappelle. On te rappelle, Cédric. Cédric, on te rappelle pour prendre des nouvelles. Il est quoi, c'est dans l'ascenseur? Ah, il a pas de réseau. Mais comment tu m'appelles si t'as pas de réseau? Ah, bonne question de Romano. Hein? On le rappelle. Bon, on te rappelle, Cédric. Ce qui est bien, c'est que Cédric, en 10 secondes, te dit tout et son contraire. Voilà, j'ai pas de réseau, mais je t'appelle. Ouais, c'est ça. Bon, allez, rappelez-moi. J'ai serré au clash, mais je me suis fait jeter. Ouais, c'est ça, un peu. Bon. Alors appelle Cédric dans l'ascenseur. Vas-y, je l'appelle. Mais il a déclenché l'alarme et tout. Hein? Je sais pas, j'entendais. C'est le Belge. Allô, Cédric. Effectivement, il n'y a pas de réseau. Ah, mais j'ai qu'un point de réseau, ça capte pas. Que se passe-t-il dans l'ascenseur, Cédric? L'ascenseur, il s'est éteint, là, je suis bloqué. Je vais te taper à la porte. Mais t'es où? T'es entre le. Ah, c'est l'alarme de l'ascenseur qu'on entend? Ouais, c'est le mec, il décroche pas, là, le mec d'Oti. Ah, le mec d'Oti. Mais t'es sûr que c'est relié? Ben, je sais pas, ça sonne. Parce qu'il y a plein d'ascenseurs, en fait, ça sonne, mais c'est une sonnerie. En fait, ce n'est relié à rien. Mais t'es bloqué entre le rez-de-chaussée et le premier. Ouais, mais je suis au premier étage, non, sérieux. Vas-y, envoyez quelqu'un là. Vas-y, j'arrive. Ah, tu stresses? Ouais, j'aime pas. Ah, ouais. Mais c'est normal que ça lui arrive, c'était en surpoids, on nous dit sur SMS, le message de Akimou. Bonjour Akimou. Ah non, j'adore. Ah bah oui, surpoids, Cédric, on t'a dit de pas prendre l'ascenseur, faut prendre le monte-charge. Eh ouais. Et oui. J'ai chaud dedans. Mais quel bouffon ce Cédric. Décidément, il n'a pas de chance, nous dit Florian. T'as une bouteille d'eau pour survivre? Dans l'ascenseur de gauche, ouais. Dans l'ascenseur. Je suis là. Ça t'apprendra de prendre un ascenseur pour monter un étage. Un étage, il prend d'ascenseur, Cédric. Alors que moi, je le fais jamais. Ah bah évidemment. Les pompiers. Non mais sérieux, faut m'ouvrir le truc là. Est-ce que tu es claustrophobe, on nous demande là? Ah. Bah non mais vite fait ouais. Ah, non mais sinon, allô Cédric, casse le plafond. Mais ça marche pas, du plafond, c'est dans les films américains ça. Ah oui. On n'est pas dans un film. Allô. Mais non, mais c'est. Bah écoute, bah reste, crève dans Monsieur ton truc. Mort de rire, Cédric, bloqué dans un ascenseur. Oui, bonsoir, je suis bloqué dans un ascenseur. Et ouais. Bien à Paris, au 37 degrés là. C'est ça. D'accord. Voilà. Et Otis est en grève. On en parlait aux infos ce matin et hier matin. Ouais. Je suis au premier étage, monsieur. C'est bien, Cédric. Continue à faire le tour. Le mec, il va croire que c'est une blague. Il va jamais venir. Non, il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code. Je suis dans l'ascenseur de gauche, au premier étage. On vous rappelle. On vous rappellera ultérieurement. Hein. Oh là. Mais tu. T'as vraiment pas de chance. Tu veux passer combien de temps dans l'ascenseur? Mais je sais qu'on a pris. En plus, je suis pas tout seul. Hein. Y a qui? Ah, le pauvre. Le pauvre. C'est avec qui? C'est qui? Je sais pas, c'est un mec qui est là. Demande-lui qui c'est. Bah, sucez-vous. Bonjour, c'est quoi votre prénom? Là, je suis à la radio en direct. Non, mais suce-le, Cédric. Pourquoi tu veux qu'il insulte? Bah, je sais pas, Cédric. Ça passe le temps. Vas-y, bah, pompe une d'art. Cédric, vas-y, réalise ton fantasme. Jean-Cédric, il a fait le coup de la patte d'ascenseur. Voilà. Comme par hasard, il s'est retrouvé enfermé avec un mec. Voilà. Monsieur, ouais, il faut toucher à rien. Monsieur, à côté de Cédric, faites très attention à vous. Oui, il faut faire gaffe. Allez. Vous avez affaire à un détraqué sexuel. Quelqu'un est déjà bloqué dans un ascenseur. Eh, le belge, on ne trouve pas la clé, gros. J'ai cherché partout. Non, mais le mec, il a dit, faut pas toucher la porte surtout. Ah. Ah, parce qu'on a essayé de forcer avec le vigile, mais on n'arrive pas à l'ouvrir. Mais non, c'est pas ça, gros. Il va tomber. Mais la porte, elle est un peu voilée maintenant. Ouais, mais non, faut pas faire ça, faut la remettre. Il bon, attends, fort, on va la remettre alors. Mais il y a plein de monde et tout, gros, c'est la misère, on trouve pas la clé en fait. Eh ben voilà. Putain, comment il fait chaud. Ah ouais, ça va puer dans l'ascenseur, tu vas péter. Non ah, il monte, ah ouais. Ah, le mec va péter. T'as pas envie de faire pipi, rien. Ça va être terrible. Terrible pour le gars qui est à côté de lui. Peut-être que le mec va mourir, peut-être le ce soir. Pauvre. Pour rire, couper l'électricité dans l'immeuble. Oh, bah, c'est même pas la peine, l'ascenseur. Ah bah, il est dans le noir. Vous êtes déjà resté bloqué dans l'ascenseur, Marie? Non, mais enfin, pas involontairement. Ah, tu l'as fait volontairement? Ouais. Pour baiser dans un ascenseur? Ouais. Ah, c'était un fantasme que tu voulais réaliser? Ouais, ouais, bon, il était tard en même temps, on risquait pas de croiser grand monde. Eh bien, Galerman, Cédric, eh bien, le test ce soir aussi, cette espèce de petite méthode pour baiser dans un ascenseur, il a coincé l'ascenseur. Voilà, ça va, Cédric? Ah, mais c'est un truc de malade, putain. Voilà, il a qu'à faire l'émission depuis l'ascenseur, ce sera inédit, on nous dit. Mais oui. Eh bien, écoute, de toute façon, t'as pas trop le choix, hein. Ah bah là pour l'instant j'ai pas le choix. Et t'as entendu ce matin dans les infos, hier matin aussi, non c'était hier matin qu'on disait que Otis était en grève. En plus. Ouais mais là le mec il m'a dit, il me rappelle dans une demi-heure maximum pour me dire. Dans une demi-heure pour te dire s'il va venir, c'est ça? Ouais, un télé dépannage il m'a dit. Je te dis tu vas passer la nuit dans l'ascenseur. Eh bah bon courage Cédric. Pas mal, galère bien. Tu sais qu'en arrivant on a hésité, on s'est dit on monte pas les escaliers, on prend l'ascenseur. On a pris l'ascenseur, ça a très bien marché. Ouais mais on était dans l'autre je crois. Ouais, pas de chance. Ouais. Bon ben à tout de suite Cédric, alors reste en ligne avec nous. De toute façon t'as que ça à foutre. Hein. Bon à tout de suite Cédric alors. Ouais mais y a pas un technicien qui peut essayer d'ouvrir la clé? Reste en ligne. Ah mais le monsieur t'a dit de ne pas ouvrir la porte donc on ne va pas toucher Cédric, on va te laisser dedans. Mais moi pour ouvrir, je vais craquer sinon. Non mais t'es quoi, t'es entre deux étages ou t'es tu sais où t'es? Ben, là, je crois que je suis devant le premier étage, hein, parce que quand quelqu'un. Il y a juste à ouvrir les portes alors. Faut y aller au pied de biche. Mais je peux pas l'ouvrir moi la porte. Sinon, bah, si tu veux, Cédric, j'interviens, mais bon, ça va te coûter 200 euros. Allez, hop. Ouais, ok, ouais. Ah, bon, bah, vas-y, tu te démerdes. Oui, vas-y, Cédric. Vas-y, je te paierai demain. Nous t'envoyons le service Romascenseur. Romascenseur. Romascenseur va te filer un petit coup de main ce soir. Cédric, je peux te filer un coup de main, mais bon, tu sais, rien n'est gratuit dans la vie. Ah, ça, c'est normal. Non mais vas-y, ouvre, on négociera après. Non, on négocie avant. Comme ça. On négocie avant, sinon bah tu vas rester dedans. Et ouais. Toute allez, vas-y, je paierai, vas-y, t'inquiète. Non. J'ai pas confiance. Je paierai demain. J'ai pas demain, confiance. Puis ça me fatigue d'aller jusqu'à l'ascenseur. Il y a Colinette qui nous dit mais vous parlez de quoi? Je viens d'arriver. Si vous venez d'arriver, Cédric est coincé dans l'ascenseur de la radio. Il est à quelques mètres de nous, mais coincé dans l'ascenseur avec un gars. Alors, ça avance? Non, je veux sortir. Il y a un moyen simple de le débloquer. Bah tiens, si vous avez un moyen pour débloquer un ascenseur, s'il je m'adresse au dépanneur ou si vous êtes de la famille qui dépanne, faites-nous signe. On va aider Cédric ce soir. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. What the fuck? Qui peut arriver? Cédric, arrivera-t-il à sortir de l'ascenseur? On va suivre ça dans un instant sur Skyrock. Il y a plein de choses qui vont se passer avant minuit avec le nouveau DJ Snake à découvrir avec Justin Bieber. C'est Let Me Love You. Sur Skyrock, on va aussi clôturer la partie avec Big Flo et Oli avec le live de Gangsta featuring Romano et les pervers de Pamela. Ça débarque aussi très rapidement avec Marcel Le Routier qu'on va appeler. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. Power 106. La radio rap et R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. Cet été, Sam débarque dans les dédicaces sur Skyrock. Dédicace! À tout moment, balance ta dédicace à ton pote Sam en direct sur Skyrock et gagne deux places pour le Whoop à la rentrée. Un spectacle exclusif réservé aux auditeurs de Skyrock et aux potes de Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Qu'est-ce qui lui arrive depuis la fin de l'euro? Bah, il a arrêté de parler. Mais comment ça? Il parle pas quoi, ni bonjour, ni au revoir, rien. Ah ouais, quand même. Mais pourquoi? Alors soi-disant, il parle pas pour rien dire. Ah ouais, c'est gênant. On va enfin pouvoir reparler football. France Football guide saison, 148 pages avec tous les joueurs de Ligue 1, Ligue 2, Nationale, plus les calendriers français et étrangers. France Football guide saison, en vente demain. Major Lazer, Justin Bieber, Cold Water. Les Major Lazer invitent Justin Bieber pour nous livrer un nouveau hit planétaire. Major Lazer et Justin Bieber, Cold Water.

Bon, ben, voilà, monsieur Shkoumoun de Skyrock, il a toujours que des galères, on nous dit. Là, c'est Carmelo qui nous envoie le message. Ah, mais c'est un truc de ouf. Ouais. Non, mais c'est bon, c'est dans deux minutes, t'es là. T'es sûr? Ouais, ouais, c'est bon. Il y a le technicien qui est parti chercher la bonne clé. Le technicien? Ouais, il est parti chercher la bonne clé. Bon, il est parti la chercher à Marseille. Non, elle est dans la voiture au parking. Parce que là, on a galéré avec des pinces, mais c'est ça doit sentir la transpiration, nous dit Emeline sur SMS. Quoi? Je vous signale que c'est nous qui allons subir derrière. Ah ouais, c'est vrai. Ah, mais je suis en nage. Ouais, mais il faut aller claver avant, monsieur. Ah ouais, avant l'émission. Ouais, je me suis lavé. Cédric dans l'ascenseur. Très bien. Ah, mais putain, j'arrive plus à le joindre maintenant. Ah, ça y est, il a plus de batterie. Mais il va rester complètement isolé du monde pendant je sais pas combien de temps. Et il y a des messages là. Je sais pas s'il nous entend, Cédric. Je sais pas s'il y a le retour dans l'ascenseur. Il y a le retour de la radio. Peut-être que t'entends un peu, Cédric. Ouais, peut-être. Ouais, il y a Marie qui nous a envoyé un message. Elle a 17 ans. Et elle est bloquée. Elle est restée bloquée pendant 7 heures dans un ascenseur avec sa mère. Heureusement qu'on n'était pas toute seule. Sinon, je pense que je pétais un câble, qu'elle nous dit, la pauvre Marie, qui est restée 7 heures dans son ascenseur. Ah ouais, putain, bon courage, tiens. Alors, Samy, des nouvelles de l'ascenseur? Bah, on a réussi à ouvrir un peu la porte, mais en bas, en fait. Ah, Cédric est de retour, on a réussi à se joindre, Cédric. Pour faire de l'air. Mais vous avez réussi à lui passer un téléphone, parce que ouais, j'ai pu appeler téléphone sur un fixe de l'accueil. Non, mais regarde, on le voit un peu. Ah ouais. Fais voir. Ah ouais, c'est Cédric. Une belle photo qu'on va vous mettre sur les réseaux sociaux. On va la mettre sur les réseaux. Cédric, regarde comme il est beau. Oh, magnifique. Allô. Oui, que se passe-t-il, Cédric? On entend du monde autour de toi. Ben non, parce qu'en fait, on arrive à ouvrir la porte, mais en fait, je suis entre les deux étages. Il est entre les deux, en fait. Entre le du bas. Ah bah évidemment, quand on te dit qu'il faut maigrir, bah oui. Ah mais même, c'est trop petit, c'est trop risqué. Ah ouais, t'aurais été svelte, tu serais déjà dehors. J'ai coupé mon corps en deux si je fais ça. Ah non, sors pas, gros, tu vas rester coincé. Non, mais le pire, ça serait qu'il redémarre à ce moment-là, quoi. Ah, oui. Bah ouais, mais justement, c'est pour ça que je vais pas le faire. Ah ouais, ça serait con que tu sois découpé en deux, en direct. Je vais te faire couper en deux, gros. Bienvenue dans l'émission de l'horreur. Putain. Cédric va-t-il se faire coincer entre les portes de l'ascenseur? Va-t-il se faire broyer en direct? Non, mais jamais de la vie, je le tente. Hein. Ça, c'est dans les films que tu le fais, gros. Qu'est-ce que tu dis, Cédric? C'est dans les films américains que tu t'amuses à faire. Mais montre que t'es courageux, t'as vu? Non, mais t'as vu hier, nous, on a fait des cascades dans l'émission. Mais t'as un bon bout de grosse balle tringue. Et Romano, il est tout excité depuis tout à l'heure. Non, mais t'es vraiment une grosse balle tringue, il est excité. Même toi, tu passerais pas, je pense. Ouais, ouais, c'est vraiment étroit. Cédric, je vais venir te voir. Vas-y, va le voir. Tu peux le voir. Non, mais vas-y, il a le téléphone. Qui est là-bas avec le micro. Karim, tu nous entends? Il est là, Karim. Il est derrière toi, donc il t'entend. Excuse-moi, j'ai cru que t'étais en envoyé spécial du côté de l'ascenseur là. Non, je suis allé, mais les portes elles sont refermées là de l'ascenseur. Pronostiquer. Ouais, c'est fermé. Ah, c'est quelqu'un ouvert. Oh putain. Attends, vas-y. Passe là-bas. Fais-le passer. Vas-y, passe. Attends, je raccroche. T'arrives? Tiens. On va filmer le sauvetage, vite. Le sauvetage de Cédric. Attends, je vais faire un truc. Attends, ça. Relâche ça, c'est pas la peine. Non, vas-y. Ah, parce que l'autre gars qui est avec Cédric, il est un peu en panique, je crois. Il en peut plus, le gars. Ah, bah, t'es avec Cédric, je comprends, moi. Il écoute la cloison. Ah, attention. Bon, maintenant, envoyé spécial dans les couloirs de Skyrock. Je cours. Vas-y, cours. Boboche, fais-moi un bisou. C'est qui est dans l'ascenseur avec Cédric? Un gars qui est venu voir. Ah, ça y est, Cédric est sorti, merde. Non, on n'a pas forcé, c'est bon. Si, si, il a forcé. Vas-y, on va dans le studio. Pourquoi tu mets le micro dans la gueule, toi? D'abord, tu parles. Mais. Et puis, on va pas le micro dans la gueule. Et parle, Cédric. Mais qu'il est con de. Allez, on y va. Là, avec la sueur, il a déjà 10 kilos, là, le bon. Je suis en vie, j'arrive. Oh putain, il sent la sueur, enculé. C'est vrai, il sue. Ah ouais, tu sens. Si, si. Il faut te laver, tu peux pas rentrer comme ça. Pas la sueur. Ah, si, si. Cédric, il faut aller te laver avant. Vas-y, j'arrête, bien. Attention, voici le veau. Oh, il est là. Il vient d'arriver. Ah, ça va la vie, Cédric? Elle est où ton collègue? Où est ton collègue? Parce que le pauvre, il est venu pour plaider. Non, mais il s'est barré là. Le mec est venu pour plaider Trap. Le collègue est parti direct. Il ne reviendra plus jamais. Il vient pour plaider Trap, il a. Ah, bah ouais, tu es content. Il n'a jamais pu partir. Bon, la bombe olfactive vient d'arriver dans le studio. Bienvenue à toi, Cédric. Je suis désolé, je suis obligé de le signaler à la direction. Quel suceur, celui-là. Très bien, Romano. Putain, je suis chaud, moi. J'envoie un SMS, Cédric. Très bien. Bélanger. Oui, demande-lui d'ailleurs de transférer le salaire de Cédric. C'est ce qu'il a perdu aujourd'hui. Je vais attendre sur l'ensemble de l'équipe. Pierre Bélanger. Parfait. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Pierre. Alors attends. Vous avez des balances dans votre entourage? Tu connais des balances, Nico? Bonsoir, Pierre. Je te présente Romano, tiens. Cédric est encore arrivé en retard. L'excuse de l'ascenseur. Aujourd'hui, il a utilisé l'excuse de l'ascenseur. Aujourd'hui. Il a fait exprès de bloquer l'ascenseur. Et lui qui lui a cassé son ascenseur de Skyrock. Il a cassé l'ascenseur. Ton ascenseur, c'est magnifique ascenseur. Et en plus, c'est celui qu'on a pris des foules, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est droit je pas la loose, c'est juste avant toi, en fait. Que tu devrais sévir. Je crois qu'il est. Sévèrement. Je crois qu'il est à l'écoute. Je t'embrasse. Ah, il écoute ? Oui, oui, il écoute. Tendrement. Romano le suceur. Fais-lui un bisou de ma part. Romano. Aussi. Le suceur. Mais Romano le suceur. Le suceur. Romano le suceur. PS, pense à moi. Voilà, le message voilà, est parti. Voilà, c'est envoyé, Cédric. Et pour de vrai, en plus. Vrai. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Allez, gangsta sur Skyrock. Allez, je vous ruine le morceau. C'est bon pour le micro? Ok. Yo yo yo, Big Flo et Oli. Skyrock. Vous oubliez la radio. J'ai rien d'un gangsta. J'ai pas de shit, j'ai pas de coq ni d'héro. J'ai pas de crew, je traîne pas, faut que je bosse mon interro. En soirée, mes potes, c'est la joue bien. Les vodka et Romano, serre-moi un grand verre de coca. Si tu me files un flingue, je serais même pas m'en servir. Je fais quoi d'une Ferrari, j'ai toujours pas mon permis. J'ai déjà pleuré devant un film, Holy Mélancolie. Moi, je suis allé en prison, mais qu'au Monopoly. J'avoue, je bave devant leurs clips, leurs bling bling et leurs photos. Tout est vrai chez moi, sauf ma montre et mon polo. Pas le temps pour le sport, moi, c'est le rap d'abord. Et dans mon clip, tu verras qu'un labrador. Et je gratte dans le métro, pas la taille d'un héros couché tard. Le veto en freestyle sous le préau. Si je fais 10 pompes, je frôle le malaise. Et sur Skyrock, je viens de terminer mon 16, gros. Ok, t'es prêt, Romano? Je suis prêt. La montée, elle est très simple, ça fait je suis pas, je suis pas. Et je suis pas. Je suis quoi? Et je suis pas. Je suis pas. Je suis pas. Je suis pas. Je suis pas. Tout le monde, je suis pas un gangsta. Pas la peine de mentir, je suis comme toi. Je suis pas un gangsta. J'ai pas le fric, j'ai pas le style, j'ai pas les bras, mais les gangsters kiffent ça. Je suis pas un gangsta. Pas la peine de mentir, je suis comme toi. Marie fait les bacs, je suis pas un gangsta. Freestyle sous le préau. Freestyle sous le préau. Oh, oh, oh, oh, Romano. Oh, oh, oh, oh. Pourtant mes classiques, je les connais. Pourquoi dit foule est étonné? Je me réveille tranquille, normal, c'est samedi. Le soleil déjà levé, normal, c'est midi. Je me pose devant la télé avec un bol de miel. À peine fini de boire le lait que j'allume la Xbox. Des heures avec les amis, s'il vous plaît aidez-moi. Ouais, je suis un geek, je crois que j'ai raté ma vie à cause de GTA. Moi je connais par cœur les casques de Bryce de Nice. Voici le premier rappeur sponsorisé par Leader Price. C'est pas marrant, j'ai souvent du mal à m'y faire. C'est moi le grand, mais on prend pour Romano. Je suis pas un gangsta, pas de flingue de ganja. Lève ta main si t'aimes ça. Toi tu veux que je boive, que je baisse, que je fume, okay. Mais ferme ta gueule et passe le chouette, ça agrume. J'ai pas la vie de rêve, hein? J'ai pas un petit balèze. Mais à la radio libre, je viens de terminer mon set. Attention, je suis trop un gangsta, c'est je suis trop, ouais. Tous les petits détails. Je suis trop. Et je suis trop. Et je suis trop. Je suis trop. Je suis trop. Tout le monde. Je suis trop un gangsta. Pas la peine de mentir, je suis comme toi. Je suis trop un gangsta. J'ai pas le fric, j'ai pas le style, j'ai pas les bras, mais les gangsta kiffent ça. Je suis trop un gangsta. Pas la peine de mentir, je suis comme toi. Solo. Je suis trop un gangsta. Chiki chiki say ho. Freestyle sous le préau. Oh oh oh. Romano. Oh oh oh oh. Pourtant mes classiques, je les connais. Pourquoi Romano s'est pas rappé? Bienvenue dans mon quartier, attention les yeux. Il y a beaucoup de morts parce qu'il y a beaucoup de vieux. Je suis pas un gangsta, ouais je suis fou de l'admettre quoi. Ils parlent tous de flingue mais ne tirent jamais. Pourtant je fais bouger les têtes, tu connais mes textes, connais pas ma technique, mec mes techniques, je sais de bingo que des faux lingues, ouais vite des bimbo, mat mon équipe. Et ça voulait vous le ouais, ça les dégoûte au carreau, on déboule comme des fous dans la fumée, mon pote, des tu restes à l'écoute, ça sert à l'écoute, ne prête pour les fous. Romano, t'as pas entendu. Je suis pas un gangsta, pas la peine de mentir, je suis comme toi. Je suis trop, je suis trop un gangsta. J'ai pas le fric, j'ai pas le style, j'ai pas les bras, mais les gars, le prince du sage. J'suis trop un gangsta, pas la peine de mentir, j'suis comme toi. J'suis comme toi, j'suis trop un gangsta. Tiki tiki say, freestyle, freestyle et Romano. Elle est blonde, ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Il travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste quoi. Pamela, Pamela, le moment le plus sensuel de l'émission. Ouais, salut, femme. Ah ouais. Si tu es bien chaude et que tu as envie de bien soulager un vrai routier 06 50 30. Alors femme. Femme, si tu veux soulager un vrai routier. Hein, femme, Pamela. Oui, c'est moi. T'as envie de soulager un vrai routier, tu l'as. Ah ouais, vrai. Tu l'as testé lui, Samy. Il est là. Allô. Ouais, allô. Yeah. C'est Pamela l'appareil. Bah. Ouais. Et je t'appelais pour le message que j'ai entendu là sur le réseau là. Ouais, d'accord. T'es routier? Ouais, je suis routier. Ouais, t'as envie que je te décharge? Ouais. Ouais. T'as une belle bite? T'as un transfert ou un? Comment? T'as un branche-volette pour te décharger, ouais. Et de lourde, hein. Ah ouais, ouais, t'inquiète, tu me prendras sur le transpalette. Voilà, elles sont pleines, ma soeur. Ouais. T'es où, là? T'es dans ton camion, là? Ouais. Ouais, t'as pas envie de te branler? Si, je me branle, déjà. Ah, vas-y. Ah, vas-y. Ah. T'es où, là? Ah, Marcel. Voilà. Ah. Voilà, alors. Ah. Oh. Ah, vas-y. Dis-moi des mots crus. Mais ça me rend bout dans le cul, voilà. Mais remets tes dents, je comprends pas ce que tu dis. Mais ça me rend bout dans le cul. Mais tu vas mettre quoi? Ton bah, bout dans le cul. Tu vas me mettre un bout dans le cul. Ouais, bout. Ah. Ah, c'est bon. Ah, je suis une chagasse. Ah, j'ai une belle pachole. Ah, tu te sais que levier. Ah, tu vas m'enculer. Ça veut dire la chèvre, non? Tu vas enculer des chèvres. Ah, il a dit quoi? Tu sens la chèvre. Ah, je sens la chèvre. Moi, je sens le bouc. Vous êtes tous des boucs, là, derrière, alors. Comprends pas ce que tu dis. Non, on comprend pas, mais c'est sympa. Ouais, vous êtes tous des boucs, derrière. Ah, les boucs. Moi, là, non, c'est moi le buc. Ah, oh, tu m'excites, Marcel. Ouais. Ouais. Ah, mais nous écoute, Marcel. Ah, mais oui. Bah, hey, c'est Marcel. Quoi ton prénom, Marcel? C'est Marcel. Non, c'est pas Marcel. Non, c'est pas... Pourquoi il s'appelle pas Marcel? Ah non, c'était l'autre Marcel. Oui. Allô? Tu t'appelles pas Marcel? Ah, ouais, je t'écoute. Hey, c'est quoi ton prénom? Marcel. C'est Marcel. Mais ils s'appellent tous Marcel. Ah, ouais. Tombé, hein. Hey, Marcel de l'OM. Ouais. Je vois que les routiers écoutent Skyrock dans le camion. Ah, ouais, j'ai l'impression. Oui. Bon, ben, on t'embrasse. On t'embrasse, Amir Routier. Ouais, Marcel. Et bonne route. Ah, ségue-toi bien, levier. Hein. Attends, c'est bon, écoute. Allez, écoute. Marcel est la beurre. Ah, ça pue dans le camion, j'ai pété. Ah, il t'a pété à la gueule. Un peu foireux. Comment le match, c'est l'OM? Tu peux m'en refaire un. Allez, fais-en un deuxième. Un petit Marcel. Allez, Marcel. Marcel, il est content. Il y en a qui ont peur. Mais non, c'est pas un film d'horreur, c'est Marcel. Oh, Marcel. C'est un Olympien de Marcel. Et il conduit en plus, on nous dit. Il y en a qui sont inquiets d'ailleurs. Bah, oui, clair, oui. Terrible Marcel. La picole, Marcel, on t'embrasse. Bon, on t'embrasse, Marcel. Okay. Hein. Je t'embrasse, levier. T'as eu des réponses? Mais la première. Hein. Ah, première. C'est bien la première. Mais t'as eu des réponses à ton annonce? Tu vas draguer d'autres femmes que Pamela? Tu devrais te contenter de Pamela. Oui, Pamela, c'est quand même la meilleure. Ah ouais, c'était bon, Marcel. Voilà, bon, ben, ouais. Salut à toi, Marcel. Ouais, hey, salut. Salut, Marcel. Ciao, Marcel. Yo, yo. Et donc, Jérôme est en direct de Toulouse. Bonjour, Jérôme. On va parler des choses un peu bizarres qu'on peut faire pendant l'amour. Alors, Jérôme, t'es allé mater une vidéo de cul donc sur YouPorn. Et une vidéo qui t'a travaillé un petit peu, puisque ça a déclenché un fantasme chez toi. Un fantasme, t'avais pas avant, t'as vu la vidéo et hop. C'est ça, ouais, ça a déclenché, bah, ça a été comme une révélation, quoi. Ouais. Une révélation. Mais là, t'es un autre homme, là. Qu'est-ce qui s'est révélé à toi, alors? Bah, dès que j'ai vu la vidéo, quoi, c'était le déclic, quoi. Et voilà, avec ma copine, quoi, je lui ai dit, si c'était pas possible de faire ça, bon, au début, elle a pris bizarrement. Bon, je lui ai dit que, voilà, j'ai essayé de lui faire comprendre que, bah, je kiffais les pieds, quoi. Alors, donc, donc ton truc à toi, c'est. T'as vu une vidéo de pied. Mais ça se voit où, c'est les ça. Vidéos de pied? Sur sarenza.com. Oui, hein. Et là, tu peux même choisir la taille des pieds. Ah ouais, c'est clair. Oh, je voudrais un pied de 39 qui se fait 54. Lécher. 54, là, tu vas lécher les pieds de Momo. Mais il n'y en a pas sur YouPorn ou un truc comme ça. Ouais, ça, fétichiste et tout, d'avoir un truc. Quoi. Ah, sinon, c'est tu vas, je sais pas, sur les magasins en ligne de pompe, là, tu vois des pieds. Hein. Ouais, c'est sûr. Non, mais moi, j'ai déjà vu dans une relation, t'as parfois le mec qui bouffe les pieds de la meuf ou vice versa. Ah, oh, ça dégoûte. Mais y a pas de rubrique pied, foot, feet. Ah ouais, non, si, il doit y avoir. Non, mais y a foot fucking. Ah, non, tout de suite. Il peut pas s'empêcher de penser au trou de balle, hein. Tu lui dis un pied, lui il le fout dans le cul. Ah non, mais ça existe, le foot fucking, ouais, ça existe. Attends, il y a un professionnel qui vient nous dire que si, sur YouPorn, il y a foot, gros. Qu'est-ce qu'il y a, Romain? Tu vas voir les pieds dans... T'es fou, il est venu, il a fait, bah si, arrêtez. Alors, on a un spécialiste. Il est tout rouge. La spécialiste des films de cul sur YouPorn. Alors, tu nous précises, donc, il y a bien une rubrique foot fit. Non, fit. Fit. Et tu aimes bien les pieds, Romain? Les pieds, ouais. Non, en vrai, j'adore. T'as bien les pieds? Non, si, j'adore, ça va. Lécher ou te faire lécher? Chelou, toi. Les deux. Non, lécher. Ah, bah, on va te présenter Jérôme. Jérôme, on en a un dans l'équipe, nous aussi, là. Avec des talons, avec des talons. Les pieds avec des talons. Bah, il y en a, hein. Et toi, t'aimes bien les pieds avec les pieds avec des grands talons, tu sais, les talons de sortie, les talons de. Talons aiguilles. Les talons aiguilles. Ouais, plutôt. Oh, l'autre fois, j'ai vu en Allemagne, putain, j'ai vu des talons. Oh, c'est énorme, c'est genre des talons, mais en fait, le bout du talon, c'est en forme de god. Et c'est pour que les meufs elles enculent leur. Bah oui, mais on l'avait fait dans le problème du mois. Putain, c'est hallucinant, gros. Non mais c'est dégueulasse parce que les talons ils marchent par terre. C'est ce que je me disais, ouais. Et tu te fous dans le cul des. Ou tu fous une capote sur ton talon. Attends, j'ai fait une photo. Genre t'as marché dans la merde d'un chien et il te remet la merde du chien dans le cul. Ouais, quand même, j'ai pas prévu de me faire mettre un talon god dans le cul, donc. Tu n'en sais rien, Romain. Ah bah si. On sait jamais, gros. Tu vois, il y a le talon. Et le bout, c'est genre comme ah ouais, bout, c'est un god. Ça devrait te plaire, ça, Jérôme, comme chaussure, ça tient. Même toi, Romain. Je pense. Et donc, ta copine, comment elle l'a pris, l'histoire des pieds? C'est-à-dire qu'en fait, tu lui lèches les pieds, elle te lèche les pieds, vous léchez les pieds, vous massez les pieds. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Et toi, ça te fait bander dur? Ah ouais, très. Ah ouais? Ah, très. Ah ouais. Et ta copine, elle aime bien ou pas? Ben, au début, elle a trouvé ça bizarre, quoi. Ben après, bon, si elle fait, hein, après. Après, elle aime bien. Et elle aime bien. Ça pourrit. Ça faisait combien de temps que t'étais avec elle? Là, ça fait 2 ans. 2 ans, au bout de 2 ans, ouais. De partager des trucs. C'est bien, vaut mieux que tu fasses ça avec elle que t'ailles faire ça avec une autre. Hein. Et tu veux, tu veux qu'elle te lèche aussi les pieds, tout ça ou c'est Ça s'appelle Workship, on nous dit, sur Xvideo et Xhamster. Merci à Lobotomix, 18 ans, qui est un spécialiste des films de cul. Ouais, moi ça m'excite pas du tout. Workship. Chacun son truc, hein. Ah non, mais après, je respecte, mais moi je sais que pour moi. Je ferai pas. Tiens, Fire Frenchy, j'adore les pieds, surtout quand ils sentent l'odeur de la journée. Ah, ça, on va te présenter Cédric, Fire Frenchy. Oh non, ça va, les miens, ils puent pas, hein. Bah, et on va lui faire sentir. Ouais, pas de soucis. On va attendre la fin de l'émission. J'espère et tu vas voir. Qu'il s'en sortira. Tiens, Caroline, 06, 17 ans, elle nous dit, mon ancien copain, il aime même lécher les doigts de pied. Et les doigts des mains aussi. Ah ouais. Les doigts, quoi. Les doigts en général. Il aime les doigts, ouais. Ah, dégueulasse, les pieds. Je trouve ça antisexuel au possible. Anne-Lise qui nous laisse un message. Chacun son truc. Thomas, 24 ans, de Haute-Garonne. Tiens, on a un collègue qui est pas loin de chez toi, là. Qu'est-ce qu'il nous dit, Thomas? Ça défile vite. J'ai une collection de photos de mes amis. J'adore les pieds. Voilà. Faites gaffe si vous êtes des potes, les filles. Les potes de Thomas Lem, de Haute-Garonne, du côté de Toulouse. Haute-Garonne, Toulouse, ouais. Jérôme, elle t'a déjà branlé la bite avec ses pieds? Ouais. Et t'aimes bien? Et c'était bien? Ah, je kiffe. Putain, moi j'ai essayé, c'est claqué, hein. Je me suis fait branler par une meuf. Bah, ça dépend comment elle. Bah, il paraît que ça peut être bien. Moi j'ai essayé, non, bah c'est pas mal. Après, t'as la bite qui pue les pieds, mais bon. Oui, non, mais elle pue les pieds fortement. Et avant, elle se lave les pieds. Oui, c'est pas grave, t'as la bite qui pue les pieds. Oui, c'est mieux. Mon ex, c'est l'inverse. Moi, elle a la phobie des pieds. Ça existe aussi. Master White, 16 ans, qui nous laisse un message. Dégueulasse les pieds pour Terence du 45. Bah, dites-nous si vous avez un truc qu'on vous a proposé, qui vous a pas plu, limite dégoûté. Il y a plus de trash. Hein. Ouais, ça va. Jérôme Tillet, quoi. En tout cas, toi, c'est bien parce que ta copine, elle aime bien et c'est plutôt pas mal. Quand on est d'accord. Ouais, ouais. Ah bah heureusement, ouais, parce que sinon, c'est chiant. Ah bah ouais. Sarah, c'est pas une pratique qui la dégoûte, c'est la mauvaise haleine. Faut même pas que je l'embrasse, sinon je lui vomis dessus d'office, très sensible aux odeurs. Sarah, 22 ans, qui nous laisse un message. Après, tous les pieds ne puent pas. Hein. Ouais, ouais. Moi, j'ai un frère qui a des ongles des pieds qui sont tout jaunes et qui partent en couilles. J'ai l'impression qu'il a une maladie. C'est possible. C'est même des champignons qu'il doit avoir, ton frère. Ouais, bah lui, t'as pas envie de lui lécher les pieds. Hein. Oh non. Ouais, faut que les pieds ils soient beaux gosses, toi, Jérôme. Ah bah ouais, c'est clair. Bon, bah ta copine a les pieds beaux gosses. Non, mais c'est bien, t'as découvert un truc. Bon, ça a pas choqué ta meuf, t'as de la chance parce que vous pouvez essayer également proposer un truc à votre copine et puis la copine elle aime pas. Hein. Bah après, tout dépend ce que tu lui proposes, oui. Toi, ça va, c'est pas trop hard. Non. Bon, si vous avez vous aussi des trucs que vous avez proposés ou qu'on vous a proposés aussi qui vous ont mis mal, vous nous dites, et il y a même un site dédié aux pieds. Ça s'appelle Wikifit, donc comme pied, F-E-E-T-L. Ah, comme Wikipédia, ouais. Mais pour les pieds. Tu peux aller voir wikifit.com, tu vas t'en taper une ce soir, Jérôme, ça va être la folie. Wikifit.com, on nous signale. Merci pour vos messages, là. Merci de nous avoir laissé tout ça. Là. Bon, quitte pas, Jérôme. Tous les

Sèvres, 21h minuit sur Skyrock. What the fuck? Tout peut arriver. Alors, Charlène, t'appelles... Et là, on va parler de quoi? De la chatte? Ah non, ouais. Eh ben, je crois que t'as raison. Ah ouais, on va parler de la chatte. Ah ouais. Je crois que... Oui, ah. Hein, Charlène, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de mon addiction. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une addiction, mais... Tu te touches. À la bite. Tu te touches tout le temps. Pas qu'à ça. Tu te godes. Pas qu'à ça. Alors, ton addiction, c'est bah, qu'à ça aussi. Je n'ai pas encore l'occasion de me goder. Ah d'accord, mais par exemple... Ah, tu veux qu'on te conseille un god? Non. Je pense que je n'ai pas besoin. Alors, le problème exact, c'est quoi? Alors, le truc, c'est que, en fait, je suis depuis 3 ans avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Voilà, c'est mieux si ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. C'est sûr. C'est mieux. Ah, mais ça se passe très bien. Donc, t'as 21 ans, donc depuis l'âge de 18 ans, tu sors avec lui. Voilà. Bon, j'ai eu une petite relation de 2 ans avec une autre personne avant. Mm-hmm. Voilà. Le souci, c'est que j'aime plaire. Et quand je t'aimes plais aux hommes. T'aimes Pierre? Ouais. Non, elle aime plaire. Ouais, c'est dur. Moi aussi, j'ai compris. Ouais, j'aime Pierre. C'est qui Pierre? Mais non, c'est plaire. Moi, j'aime aussi Pierre. Il n'y a pas de souci. Oui. Vous appelez Pierre, allez-y, vous avez autre chance. Ouais, ouais, ouais. Si Pierre est de la partie, ça ne me dérange pas. D'accord, tu t'appelles Pierre, tu nous écoutes ce soir sur Skyrock. Rentre dans la partie. Oui, viens. Ouais, en fait, et donc, tu séduis... comment? Tu séduis plein de mecs, en fait. En fait, voilà, j'aime Pierre, et quand je séduis, je n'arrive pas à m'arrêter à ce stade du charme. Voilà. Ah, voilà, tu termines dans le stade anal ou tu vas... Non, je termine le pied. Ouais. Est-ce que tu aimes les Juliens également? Parce qu'il y a les Pierres qui nous laissent des messages. Merci à Pierre du 62, merci à Pierrot du 45. Salut les gars. Toi, t'es du 35, Charlène. Est-ce que t'aimes bien les Karim? Parce qu'il y a plein de Karim aussi qui demandent. Ouais. Est-ce que tu aimes bien les Juliens, les Karim? Bon, bah, écoute, tout dépend du physique. Hein. Mais toi, t'es quoi? T'es une info, en fait. C'est comme ça qu'on appelle, non? Oui, c'est ça. Ouais, bah, en fait, non. Non. Enfin, oui, non. Non, toi, tu serais plus érotomane. Ouais. Ouais. Pourquoi? Alors, Romano, c'est quoi il dit érotomane. Ouais, parce qu'une info, en fait, c'est une meuf, elle prend jamais de plaisir et justement, elle baise avec plein de gens pour essayer de trouver le plaisir. C'est ça. Alors qu'une érotomane, en fait, elle a du plaisir, mais elle a besoin de baiser avec plein de gens. Ah, et quand elle baise, elle rote. Non, il n'y a aucun rapport. Non, c'est un rapport à érotomanie, érotisme, tout ça. Okay. Charlène, viens que je te défonce l'escalope. Oh, comme c'est romantique. Ouais, petit offer aussi qui est sympa. Vu. Oui, bah, c'est une salope. Ah ouais, puis je lis pas tous les messages qu'on a là. Non, mais genre, quand tu prends des messages comme ça t'excite? Comment ça? Bah, tu vois plein de mecs, il regarde Imad, qui nous laisse un message, qui nous demande, elle aime les Imad. Non, en fait, le truc, c'est que, moi, je suis avec mon mec, ça se passe hyper bien. Mais il est cocu quand même. Même sexuellement et tout, ça se passe hyper bien. Pour lui, ça se passe moins bien, du coup. Ouais. Même pour moi, le truc, c'est que, quand je sors, j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré des gars, j'aime plaire, etc. Et le truc, c'est que j'arrive pas à m'arrêter à ce stade, voilà, de juste du jeu de charme, hein. Ouais, en fait, ouais, en gros, s'il y a un mec qui te drague par exemple en soirée et que qui te plaît, le soir même tu te fais niquer, quoi. Mais tu es un cumé, arrête de faire ta grosse pute, nous dit le prince de la ville. Non, mais c'est que t'es pas sûr de toi, je plains son mec pour Ace Rider. Moi aussi, une petite pensée pour lui quand même. Merci Ace Rider, c'est vrai, il faut y penser. T'as besoin de te rassurer en draguant et tout ça, mais bon, aller jusqu'au bout, ouais, c'est un peu chaud, quoi. J'aime aussi faire l'amour, quoi. Ouais. Oui, mais t'as ton mec pour faire l'amour, logiquement. Quand on est amoureux, amoureuse pour toi. Oui, mais bon. Pour changer. Oui. Ouais. Pour changer. Ouais, bah à ce moment-là, ça sert à rien d'avoir un mec au final. Mon mec, je l'aime, non. Ouais, c'est une sécurité. T'as quelqu'un, tu te dis, il est là tout le temps. Les autres, ils sont là juste pour un petit coup, quoi. Et tu l'as trompé? Oui. Oui, non. Combien? Comment? Mais t'as déjà des relations stables avec. T'as déjà eu une relation stable avec un mec à côté? Sans le tromper? Non. Ah. Avec un mec à côté de ton mec. Sans le tromper? Non. Des relations stables, je sais pas, tu couches avec un mec et puis le mec, tu le vois régulièrement, tout ça. Ou alors c'est juste des mecs. Ah ouais, non. C'est juste un mec d'un soir, quoi. Ouais, mais en fait, tu séduis, tu baises. Marie, elle voulait te demander, mais moi aussi. En fait, les gars, ils savent pas forcément que j'ai quelqu'un, et quand ils savent que j'ai quelqu'un, ils me disent, bah non, t'as pas été clair. Ouais, voilà, puis limite, ça t'arrange bien, en fait. Mais genre, tu l'as fait cocu combien de fois? Ah. Voilà. Bah, écoute, en 3 ans, au moins 8 fois, quoi. C'est beaucoup. Là, le pauvre, ah ouais, c'est beaucoup. Le pauvre mec. Bah, déjà, une fois, c'est déjà pas mal, hein, quand t'es amoureux. Mais alors, 8 fois, c'est vrai, c'est beaucoup. Ça, ouais. Des mecs, hein. Ça vient de son mec qui devrait la séduire à nouveau chaque soir, nous dit Arnaud du 91, 19 ans. Mais non, et pourtant, on fait. Voilà. Elle aime bien les Daniels. Putain, j'ai là-dessus. Tous les prénoms de France là qui défilent. Il n'y a aucun problème là-dessus, sexuellement, avec mon mec, il n'y a aucun problème là-dessus, on le fait très régulièrement. Ouais, en fait, mais toi, le problème qu'il y a, c'est que t'arrives pas à dire non, en fait. Faudrait que tu couches avec un échangiste, ouais, comme ça, le mec, en fait. Le mec me plaît, enfin, le mec me plaît, ouais, c'est le jeu qui t'intéresse, mais bon. Ouais, l'attirance, avec un L apostrophe au début, puis après, c'est l'attirance, maintenant, ouais, la chatte. Avec un, sans apostrophe. Tu enlèves tout, là. Hein. Voilà la vraie Pamela. On l'a trouvée ce soir. T'as les mecs sont vénères. Bon, ah ouais, depuis tout à l'heure, ça y va. Kevin, là, elle veut pas me suivre. Oui, d'accord. Ah, pourquoi? Parce que il y a des personnes qui ont trouvé son copain. Oui, mais. Dans tous ceux qui envoient des messages, c'est vrai. Il y a des personnes qui a trompé sa copine. Ah ouais, bah après, 8 fois, moi j'ai mis à la place. Fois, je mets juste à la place de ton mec. Non, mais comment 8 fois, il t'a pas cramé une fois, enfin, tu vois? Parce que déjà j'ai un code sur mon téléphone. Ouais, ouais. Oui, mais il faut, oui. Dans ton cas, oui, il faut même deux codes. Mais ouais. Tu veux pas avec ton code, hein. Une tentatrice, nous dit Elias du 69, Soso du 75, qui nous fait une vraie salope en toute sa splendeur. Quand et même, en général, là. Les mecs avec qui tu baises, là, c'est les mecs, tu les trouves où? Bah, quand je sors avec mes copines, on va dans des bars ou dans des discothèques. Enfin, on sort. Hein. Et puis, bah, on danse, il y a des jeux de charme, etc. Ouais, mais bon, on n'est pas des bêtes, tu peux dire non, quoi. Oui, non, mais effectivement. Ouais, mais elle a envie de se faire tienne, tu vois. Non, mais après, de baiser dans tous les sens, pourquoi pas. Le seul truc, c'est que tu trompes quand même un mec qui t'aime depuis 3 ans. Ah, que... bah, c'est ça, oui, plus ça, ouais. C'est plus ça que, oui, le fait de baiser. Après, comment baise. Après. Ah, ouais, après, si t'as pas baisé dans la semaine. Lui, je sais pas, j'en sais rien, moi. Bah, écoute, vaut mieux pas qu'il le sache. Mais après, t'as même pas de remords par rapport à lui, ça te fait pas de la peine. Bah si. Bah si quand même. Et t'as pas envie d'aller te faire un truc échangiste avec ton mec? Parce que si c'est ça. Ah bah c'est non, ça va pas. Ah non. Bah si, ça serait pas mal ça. Bah, parce que pourquoi pas. Au moins tu pourrais le tromper, mais lui il sera au courant, c'est donc net. C'est plus du trompage. Ouais, après faut qu'il ait envie aussi. Ah non, oui, ça c'est particulier. Bah c'est pas tous les mecs. Ah non, lui c'est pas du tout son truc quoi. Ça te dirait pas d'aller faire un tour dans une boîte échangiste, Romano, avec. Non. Moi. Non, mais je peux comprendre qu'il y a des mecs que ça excite de voir leur meuf se faire niquer par un autre et bander à côté. Moi, je pense que le mec, je lui saute dessus. Ah, et tu baises aussi. Tu baiserais aussi. Ouais, c'est ça, ben moi, je l'encule. Ouais. Bah, c'est très bien ça. Violemment. Un petit message de Geoffroy Guichard. Ton téléphone est un compte, par contre, le code de ta chatte, il est facile à trouver. Merci Geoffroy Guichard. Un message qui vient de Saint-Étienne. Bon, en tout cas, non, mais tu devrais te mettre à sa place et te dire t'apprenais la mais même non, chose. Mais autant que moi, j'aimerais pas savoir qu'il se trompe, autant que j'aimerais pas le voir. Non, mais faut pas lui dire. Aller dans un club échangiste avec lui parce que je supporterais pas de le voir avec une autre fille. Il faudrait t'arrêter en te disant, mais imagine qu'il fasse la même chose avec toi. Ouais, qu'il ait eu 8 meufs depuis 3 ans. Ouais. Ah, tu serais folle. Bah ouais, c'est pas bien. Bah, a priori, pas tant que ça. Même une seule, je serais folle. Bah, ouais. Logiquement, tu devrais te dire, en ayant un peu de compassion, je mets à sa place le pauvre, donc je vais arrêter. Non, mais je sais pas, tes copines, elles peuvent pas te tenir un peu. Ouais, elles t'attachent quand elles voient qu'il y a un mec qui tourne autour de toi et que tu commences. Je suis pas forcément là pour. Voilà, je teste le jeu. Bon, bah après, c'est pas forcément là pour. Voilà, après, ouais. Bon, effectivement, il y a des leçons de morale. Ça, non, mais c'est même pas des leçons de morale, c'est juste une leçon de. C'est juste par rapport à ton mec qui t'aime et toi, tu lui fais ça et c'est pas. Ouais, c'est pas ou bien, alors à ce moment-là, largue le mec et puis. Mais mes copines, elles vont me protéger. C'est bien ce que t'as dit, Romano. Non, mais c'est vrai, vas-y, redis parce qu'elle a pas entendu. Non, mais au final, ce qu'il faudrait, c'est que tu largues ton mec et voilà, tu fais ta vie, tu t'éclates. Tu trompes personne. Oui, parce que. Mais non, parce que je l'aime trop. Ouais, tu l'aimes trop, t'irais pas te faire trombiner par 8 mecs. Hein. Ouais, parce que tu sais que ça lui fait du mal et quand on aime quelqu'un, on n'aime pas lui faire du mal. C'est ça. Gnie. Surtout parce qu'il va avoir mal, laisse tomber. Quoi. Non, mais un jour ou l'autre, tu vas te faire cramer. De toute façon, il y a un pote à toi qui. Si un jour je me fais cramer, ce sera juste une fois. Oui, quoi. Ouais, mais faut il suffit d'une fois pour. Après, c'est l'effet boule de neige, tu vois. Ah, alors explique-nous cet effet, Cédric, ça m'intéresse. On arrive à la période de Noël, c'est l'effet boule de neige. Non, l'effet boule de neige, c'est-à-dire que tu vas te faire cramer une fois, et après lui va tilter sur d'autres détails et ça va lui rappeler un autre truc. Et il va cramer toutes les fois. Toutes les histoires vont se. Ah, il va se dire, ouais, putain, je suis peut-être pas cocu qu'une fois. C'est donc l'effet boule de neige de Cédric. Bien expliqué. Non, mais c'est surtout que même juste avec en te cramant une fois. Tu sais, c'est pas niquer ton couple. Ouais, c'est pas un jeu vidéo, t'as pas 10 crédits, quoi. Tu vas niquer ton couple. Au bout d'une fois, le mec, il peut te jeter en l'air. C'est clair. Oui, mais on vit pas ensemble. Donc, non, mais continue à le tromper, de toute façon, dès qu'on te dit un truc, t'as décidé de continuer. Donc vas-y, après, c'est juste non, par rapport à lui. Non, justement, pas forcément. Justement, c'est pour ça que j'aimerais savoir non, comment. T'aimerais rien du comment, tout. Comment m'arrêter. Mais t'es une cinglée du cul. T'aimerais rien du tout, ça t'aimes se sent. T'aimes trop la quéquette, ouais, hein, ouais. Coquine. Tu mets le patch, il y a des patchs. Il y a des patchs. Non, mais t'as envie. Il y a des cachetons. Un truc, ça t'arrête de niquer. T'as envie de creuser. Je connais pas, si, en pharmacie, 5 euros. T'es addict. Tu vois, regarde, je vais te lire des messages, on va voir si ça, peut-être ça fera son effet. Antoine qui nous dit, ça me fout la nausée, cette nana. Elle peut pas se mettre avec un gars qui tolère ça au lieu de finir par briser le cœur de ce pauvre petit mec, tu vois. Ah bah ça, lui, le mec qui va découvrir le poteau rose, ah il va, ouais. Le pauvre, ah ouais. Pas qu'il le découvre. Ouais. J'aimerais pas être à sa place, quoi. Pourquoi il est rose, le poteau? Bah parce que c'est l'expression, non, toi, t'as des questions à la con. Mais non, c'est un pot. C'est un pot rose avec des roses dedans. C'est pas un poteau. Putain, je croyais que c'était un poteau, moi. Mais non, le pot. C'est le P4, ah ouais, je croyais que c'était un poteau. Qui était par exemple, ça pourrait être cucu, tu vois. Ça pourrait être le pot aux tulipes. Rose, ça va, ouais. Oui. Ça pourrait être le pot aux tulipes, mais non, c'est le pot aux roses. Ah ouais, donc c'est la liaison. Pot aux roses. Un pote aux roses. Donc, un pote aux roses. Écoute, essaye de pas te faire choper, on te le souhaite, Charlène, en tout cas. Et puis on le souhaite aussi pour lui. Ouais. Alors en plus, tu vois, tu dis ça et tu rigoles, mais t'es un peu pervers. Ouais, c'est clair. Oui, je le souhaite pour lui. Et le cocu. T'es pas gentil, Charlène. Non, moi je pense plutôt qu'elle kiffe tromper son mec et qu'elle se fasse pas cramer, en fait. C'est ça qu'elle kiffe. C'est pas sympa, Charlène. Ouais, c'est dur. Bah écoute, depuis 3 ans, je me suis pas fait cramer, donc. Bon, on espère que ça continuera longtemps. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote, Ludo. C'est Ludo. Mais elle est déjà baissée, ma culotte. Ah, bah voilà, elle est prête déjà, Charlène. Bon, vous avez vu, on parle de trucs de cul, Charlène, tout de suite, elle le taquet. Pamela, t'entends, Charlène, elle est chaude. Hein. Ah, mais aussi chaude que moi, la coquine. Ah, t'as vu, il y a de la concurrence ce soir, attention. Hein. Oui. Et si tu veux des numéros de téléphone, on peut te les donner, mais je sais pas si on le fait parce que par rapport à ton mec, c'est quand même pas bien. Non, non, mais non, parce que je fais ça en toute discrétion. Ah oui, donc on peut les donner, d'accord. Ah ouais, bon ben écoute Charlène, Cédric est excité, est en train de se tripoter le téton, ça me dégoûte, mais je tiens quand même à te dire, Charlène. Je vais te donner mon numéro. Je vais venir à Rennes. Ah mais de toute façon, j'ai déjà son numéro, c'est moi qui l'ai au standard. Ah voilà. Et ça tombe bien ce week-end. Je suis jeune, je plais, je suis belle. Non mais t'as raison, ce week-end je suis à Rennes en plus. T'en profites. Oh, comme par hasard. Comme par hasard. J'ai un petit tour à faire là-bas, je vais aller voir des amis. Je t'appelle ma chérie. On ira rue de la Soif. Ouais, si tu veux. Elle a l'air emballée en tout cas. Oui. La rue de la Soif, c'est la rue où on se bourre la gueule. Donc on est obligé de se bourrer la gueule. C'est ça, il y a que des barres. T'as mis tout le monde d'accord, Charlène. Il y en a plein qui nous disent exactement ce que je t'ai dit il y a un instant. Elle veut faire souffrir son mec. Non, il le sait pas. Oui, c'est vrai en fait. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Moi, j'ai juste dit que c'était pas bien. Et mais tu sais, par rapport à lui, parce qu'il t'aimait avec son petit cœur sensible. Mais tu sais, par exemple, quand tu rentres, je sais pas, le lendemain et que tu t'es fait niquer la nuit et que tu le vois, je sais pas, t'as pas des remords, tu te dis pas, je suis une garce. Bah, ça m'est arrivé, si. Ça arrive, oui. Ah, quand même. Ah, repense à ces moments, tu sais, quand bien sûr, ça m'arrive. C'est pour ça que je vous appelle, parce que même quand après je fais l'amour avec lui, je me sens. Il le voit pas, mais c'est quand même une certaine gêne, quoi. Ah, tu vois, quand tu passes le pas avec un mec, pense à ces moments-là et peut-être que ça va te bloquer. Et est-ce que t'as déjà pris plus ton pied avec un de tes amants qu'avec ton mec? Non. Et est-ce que t'as déjà ken avec un mec et juste après sans te laver, t'as ken avec ton mec? Bonne question. Ou au moins sucer. Ça veut dire sucer. Oui, voilà. Ouais. Ah ouais, genre t'as sucé un mec, t'as emballé ton mec. Vous imaginez les gars, vous voulez une pelle à votre meuf parce que vous êtes content de la retrouver. Non, ma chérie, tu sens la bite. Bah c'est normal, 10 minutes avant elle suçait une bite. Ah ok, bon. Il y avait quand même le message d'une nana avec, enfin son mec, ça lui est arrivé, enfin son mec justement a trompé, faisait comme ça. Dans le sens inverse et elle disait bah arrêtez, il y a des mecs qui font ça. Oui c'est vrai, mais enfin. Ah non mais c'est pas. On n'a pas généralisé, Charlène. Toutes les filles sont pas comme toi. Ah ouais bien sûr. Et puis il y a des mecs qui font comme toi. J'aimerais bien discuter avec Charlène, elle a l'air sympa. Il y a plein qui nous laissent des messages, vraiment. Et puis tu demandais d'où ça venait. La France entière s'est mobilisée et tous les prénoms. Hein. Il y a Franck là, qui vient de nous laisser un message, il a 22 ans. Partout, ouais. Je suis prêt à te satisfaire, ma chérie. Et pour une fois, tu verras, tu feras l'amour mieux qu'avec ton mec. Bah, merci à toi. Merci de la proposition. Sympa. Non, mais tu peux lui dire qu'avec mec, ça se passe très bien. Ouais, mais lui, il a promis de te faire mieux là. Je la comprends, je suis pareil, nous dit Lily, qui a une fille qui vient de laisser un message, justement. Elle veut pas se faire troncher par un routier, message de Kevin. Salut à toi. Classe. Ouais, il y a plein de numéros. Il est pas du routier. Je suis plus sûr, j'aimerais bien qu'elle me fasse mon éducation sexuelle. Johan, 18 ans, qui vient de nous laisser un message. J'ai juste un sexologue. Est-ce que tu dépucelles? Si tu dépucelles. Il y a Tintin aussi, oui. Ah, Tintin qui est puceau aussi, tiens. Salut Tintin, 19 ans. Bon, merci Charles, ne raccroche pas en tout cas, on t'embrasse. D'accord, merci. Dans un instant, on aura le témoignage, alors, je vous rappelle sans doute de lui, c'est Amaré, celui qui nous envoie les petites vidéos. Ah ouais. Les petites vidéos de ses relations extra-conjugales. C'est vrai, c'est quand ça. Il déglingue des meufs. Amaré, le pilonneur. Ouais, témoignage de Amaré, le nordiste. Amaré, lui qui fait des trucs de fou, qui rencontre des meufs sur les réseaux. On parlait des réseaux un jour, et puis Amaré nous a passé un petit coup de fil. C'est ça. Et après, il nous a raconté des trucs, on n'y croyait pas. Et on y a cru. On a eu les preuves. Le jour où il nous a envoyé les preuves, les vidéos. Amaré, on va le retrouver dans quelques secondes. Il y a Momo aussi qu'on va prendre en direct avec nous et Joe. Qu'on vous a déjà présenté dans le 93. Le 93 en force hein, ce soir, parce que Momo, lui aussi, comme Joe, il est dans le 93. Bonjour Momo. Bonjour. Bonjour à toi. Salut Momo. T'as 21 ans, Momo, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bienvenue à toi. Je te présente Amaré, le célèbre, déjà célèbre Amaré. Ah ouais, ça. Et toutes ses vidéos. Salut Amaré. Coucou Amaré. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir Amaré. Vous le rencontrerez peut-être, les filles, si vous êtes du côté de Lille. Attention, c'est une masse. Ouh, je sais bien un peu partout, hein, quand même, pas qu'à Lille. Ah, pas qu'à Lille en plus, c'est Amaré le pilonneur, là, qu'on a en ligne avec nous. Le mec se déplace, quoi. Donc Amaré, papa, marié. Bon, ta femme n'est au courant de rien, tes enfants non plus. Bah, heureusement. Mais qu'est-ce que tu niques? Combien de fois cette semaine, Amaré, là, de la semaine dernière, on va dire. Pas combien de fois cette semaine. Là, justement, j'y reviens il y a à peu près une heure. J'ai dû me reposer tellement c'était intense. Ah, d'accord. Donc il y a une heure, t'as tout donné, toi. Ouais, c'était Ibis Budget. Ibis Budget. Ah, ouais. Ah, pas mal. T'as déglingué tout à Ibis Budget. Mais t'as dit quoi à ta femme pour aller à l'Ibis Budget à 21h? Mais rien. J'ai été chercher les enfants à l'école à 4h30. Ah, bah, c'est bien. Je les ai posés et je me suis préparé. Ah, il est fort, lui. Voilà. La copine en question, c'est quoi? Elle avait du temps, elle terminait le taf. Même elle a même pas prévenu, elle m'a dit écoute viens, voilà. Il est fort cet Amaré. Hein. Ah ouais, ouais. Ah ouais, il est fort. Faut la filmer elle aussi la prochaine. Bon, Amaré, donc j'imagine. Non, mais je vous l'avais déjà envoyé sa vidéo, c'est la dernière vidéo. Ah, c'est la même que tu baises. Ah, celle qui était à quatre pattes sur le lit. Ah, okay. Ah, elle est accro. Ah, bah, c'est celle qui hurle là. Ouais, c'est elle. Exactement. Ah ouais. Et elle a pas trop hurlé à l'Ibis Budget, ça va? Pas trop de plaintes de la direction de l'hôtel? Comme d'hab, il y a des mecs qui étaient là en train de quoi de. On entendait des portes s'ouvrir, se fermer. De se branler derrière la porte. Oh, ouais, c'est ça. À mon avis, c'est des gens qui venaient de c'est quoi écouter, quoi. C'est possible. Toi, il vaut mieux que tu baises en fin d'après-midi que tu baises en plein milieu de la journée. Hein. Ouais. En plein milieu de la nuit. En plein milieu de la nuit, ouais. Ouais, Momo. Ouais, Amaré, fais pas des vidéos sur Beret Streaming. Non, Beret Streaming. Pas de vidéo, non. Seulement pour Skype, quoi, en exclusivité. C'est seulement pour nous, que pour nous. Il y a que nous qui avons le droit de les regarder. Beret Streaming, tu dis, toi. Je connais pas. Ouais. Je vois Momo, il est un spécialiste. Non, il faut connaître. Hey, mais Amaré, d'ailleurs, tu regardes des vidéos de cul, toi, ou tellement tu baises, ça t'en peux plus, quoi. Bah, je regarde un petit peu de temps en temps, c'est quoi, quand. L'actualité. Parce que j'ai une libido de malade, et donc des fois, c'est quoi, pour descendre un peu le truc, bah, je fais comme tout le monde. Ouais, faut que tu bûches, quoi. Ouais, c'est mais ça. Mais le souci, c'est quoi, c'est que. Pour t'inspirer. Au bout d'un moment, je m'emmerde parce que j'ai déjà tout fait. Ou alors je fais pire. Donc, Ah ouais, non, je fais pire. Pire que sur les vidéos, Amaré. Ah ouais, mais là, vous parlez là, de fétichisme, c'est quoi avec les pieds. Bon, oui, on a Jérôme en ligne il y a un instant qui est toujours là à Toulouse. Hein, donc Jérôme, toi, t'as découvert après avoir regardé une vidéo de cul que les pieds, ça t'excitait. Ouais. Et ouais. Oula. Ah, mais moi, c'est pareil. Hein. Moi, Amaré, si elle a des talons aiguilles, il faut qu'elle reste en talon aiguille. Hein. Il faut pas qu'elle les retire. Ah, tu fais l'amour en talon aiguille. Ah ouais, quand même. Ah, carrément. Elle fait des trucs avec ses talons. Oh, j'imagine. Bah, là, tu risques de prendre dans le cul. Porno chic, hein, direct. Ah ouais. Porno chic. Porno chic. Porno classe, quoi. Bon, alors, on parle des trucs qui vous ont dégoûté. Alors, il y a des petits trucs qui peuvent dégoûter, tout simplement, une petite pipe, on disait tout à l'heure. Il y a des filles qui aiment pas et des mecs qui aiment pas lécher. Il y a un paquet de mecs qui aiment pas lécher, hein. J'ai vu là les messages tout à l'heure. Et toi, donc, Momo, c'est quoi? Bah, en fait, moi, tout simplement, j'étais en train de. Bah, j'étais qu'une fille. Ouais. Dans un hôtel. Et donc la fille, elle avait un peu des goûts assez spéciaux. Du style. Elle voulait que je la sodomise et que après elle me suce et qu'il y ait de la merde sur ma bite. Ah, en effet, oui. Bon appétit, bien sûr. Le caca, c'est bon. Oui, non, Cédric. Moi aussi, j'adore. Ah non. Ah, mais avec une capote, rassure-moi. Ah non, c'est horrible. Ah bah avec ou sans capote, Marie, c'est quand même de la merde. T'imagines hein, ouais. Ce soir. Ah non, mais je comprends que ça t'ait dégoûté. Oui, non, mais le principal problème, Marie, c'est quand même qu'il y a de la merde. Oui, je avec ou sans capote. Ah ouais, le goût est le même. Avec capote. Je conseille les capotes, évidemment. Ah bah, il vaut mieux. Mais après, bon, ça reste quand même du caca. Oui, sur la capote ou pas? Caca. Un caca. Non, mais. Caca, et tu l'as fait? Non, jamais de la vie. Elle t'a dit que tu l'as plus jamais revu après la meuf. J'allais te demander. Moi, j'en vois plus. Bah, si, je l'ai revu. Ah. Et en plus, je l'ai revu avec un ami à moi. Ouais. Et ils sont restés très longtemps ensemble, donc je pense que lui, il a dû y goûter, oui. Ah bah j'espère pour toi qu'à la meuf, tu lui faisais plus la bise. Ah mais tu sens la merde. Ah bah c'est normal, tu viens de sucer. Ah mais lui aussi, je fais plus la bise, c'est fini. Ah non, moi non plus. Plus jamais. Ah ouais, mais limite, tu la check même pas. Tu lui ouais, de loin, coucou. Les deux sont suspects. Ça va, ciao. Ah ouais, ouais. Salut à toi. Bon bah écoute Momo, ouais, bien dégoûtant. Et toi Marie, on t'a proposé des trucs qui t'ont dégoûté ouais, parce que toi t'es plutôt ouvert bah, pour te dégoûter, il doit en falloir, non ouais. Une fois un couple, tout s'est bien passé, une superbe soirée. Ouais. Et à la fin où on termine, t'as la demoiselle qui vient me voir, me dit oui c'est mon anniversaire et pour ça j'aimerais bien que mon mec il te suce. Oh mais c'est gentil. Je suis complètement hétéro, il y a pas moyen. T'imagines le jour de l'anniversaire de Carriole, elle vient te voir Romano et elle te fait oui mon vilain. Oui, non, elle m'appelle mon mignon déjà. Alors, oui, mon petit vilain. Alors, non, mon mignon, elle m'appelle. Est-ce que ça te dirait de te faire sucer par, je ne sais pas, je prends quelqu'un au hasard dans l'équipe? Oui, au hasard. Ça sera toi qui a 4 mentons et qui sucera Romano, Cédric. Ah bah, je lui dis non direct. Il n'y a pas moyen que tu t'embrouilles. Tu te fais sucer par le belge, quoi. Et toi, tu as dit quoi? Tu t'es fait sucer à marée ou pas? Non, j'ai gentiment trouvé, tu sais quoi, un moyen, tu sais quoi, d'esquiver la chose. J'aurais dit gentiment que j'étais purement hétéro et qu'il n'y avait pas moyen. Mais il y a souvent des meufs que avec lesquelles tu fais des trucs et qui te proposent leur mec comme ça, derrière. En fait, c'est manigancé. C'est le mec qui prépare bien le truc. Leur meuf, elle sert à pas, quoi. Ouais, il te met la meuf en premier, en fait. C'est genre le mec qui a envie de se faire baiser. Et la meuf est envoyée en appât, tu la baises. Et après, elle te demande ouais, tu veux pas baiser mon mec aussi? Tu vois le mec, comment il te regarde durant l'acte. Il te regarde comme un morceau de pied. Ah oui, mais il est déjà là. Ah, ça me gênerait. Ah ouais, il te mate. Ah, Marie, il nique la meuf, le mec, il est content, il regarde. Il se branle, ouais, voilà. Ah ouais, c'est déjà arrivé plein de fois. T'imaginais, les gars, vous sortez qu'une meuf. Des meufs, elles me disent, y a pas de problème, open bar, tu viens, tu me sodomises. Mais moi aussi, avant ça, j'ai mon gosse de 32 cm, je le mets avant. Ah, et ça, on a déjà réussi à te le mettre dans le cul, Marie. Non, je pense que ces propos étaient pris dans. Là, le cul, personne ne rentre dans ton. Même les doigts. Exactement. Marie, elle veut te mettre des doigts. Même pas un doigt. Ouais, et puis bon, entre un godet et un doigt, je préfère quand même le doigt, moi. Oui. Sur une godet de 37 cm, faut l'encaisser quand même. 32, Romano. Ouais, 32. En plus, comme moi, je suis dominant, il y a des choses que j'aime faire que j'aime pas qu'on me fasse. Ah oui, c'est vrai, c'est un dominant, Marie. Le cul, cuni, ce genre de choses, moi, je le fais. Tu vois, particulièrement que c'est. Mais à toi, on te le fait pas. Une fille qui me le fait, ouais. Une fille qui me fait aller à un anulingus, je kifferais pas, quoi. Non, bien au contraire. Donc, on a déjà réussi à te dégoûter, à marrer. Ce qui est quand même fou, ça. Ah ouais, ouais. Et une fille toute seule, elle t'a déjà. Pourtant, faut le faire. Une fille toute seule, elle t'a déjà proposé des trucs que t'as pas aimé ou qui t'ont dégoûté ou tu t'es dit. Ouais, l'histoire du God. Sorti 32 centimètres, elle m'a dit, je dis non, il y a pas moyen. Et il y a pas eu de trucs comme style ce qu'on parlait tout à l'heure, genre pipi, tout non, ça. Mais arrête, Marie, t'es obsédé par le pipi et le caca. Si, on m'a déjà proposé, mais j'ai directement dit non. Ah, ou alors des couples, mais par exemple, la mamie avait 62 ans. Je dis bien mamie, je dis même plus madame. 62 ans, 62 ans. Là-dedans, ça rentre tout seul, c'est comme dans du flanc. Voilà. Très bien, Marie, très très bien. Et on attend notre prochaine vidéo, nous. Bah ouais, qu'est-ce qui se passe là? Non, la prochaine arrivera. Encore, j'y pensais tout à l'heure quand. Comme je vous dis, quoi. Quand j'étais en train de niquer, je pensais à vous, dis donc. Mais elle a pas voulu, quoi. Elle a pas voulu, après ça, je vais pas la forcer. T'as raison, non, mais t'es bien, oui. Il y a une prochainement que je dois voir et qui, elle est très open niveau vidéo. Et là, je vous ferai des trucs. Ah bah, très bien. Très bien. Voilà, tu nous fais des gros plans et la totale. Hein. Régale-nous. On veut de la qualité. Hein. Fais ça bien. Très bien. Bon, bah, c'est cool, la marée, d'avoir de tes nouvelles. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas eu. Donc, tout va. Ah, bah, c'est bien. Tu continues sur le même rythme. Bah, ouais. Ça, tout va. C'est le baiser fou, la marée. Je vous kiffe tous. Oubliez pas, je suis d'équipe, t'es quoi, la team Le Belge, hein, rebaptisée la team Obèse. Merci mon pote. La team Obèse, la team Le Belge. Ah, pas mal. La team Obèse, ouais, c'est ça. Non, Obèse. Obèse, c'est bien. OBES. Voilà. C'est moi. C'est bien joué, poto. Merci à Marie, on t'embrasse en tout cas. Et puis, bonne soirée. Rentre vite à la maison, fais une bise à ta femme. Je suis à côté, je vais rentrer. Salut à Marie. Salut l'équipe. Et ta meuf, elle s'est jamais rendu compte de rien. On se posait la question. Ouais, justement, ouais, on se demandait. Parce que, bon, à limite, trouver une excuse une fois par semaine pour aller niquer une meuf, mais ouais, toi c'est quand même vachement souvent, quoi. Non, mais je bosse comme un dingue, donc elle s'en rend même pas compte quand je pars pour le boulot ou quand je pars baiser. Et quand je dis je bosse, je suis en même temps entraîneur, donc des fois j'ai pas d'heure. Je suis préparateur physique et en même temps j'entraîne des boxeurs, c'était quoi, pour les combats. Ah ouais, donc peut-être qu'elle est contente. Il y a Karim qui fait ses c'est mon modèle, Amaré. Karim, 16 ans, dans le 92. Salut Karim du 9-2. Ah, mais j'ai des fans dans le chat de Sky. Dans le chat de Sky, j'ai des fans. J'ai des gars qui suivent. Le fan club Amaré est né. Ouais. Plus fort que le fan club de Romano et de Cédric réunis, peut-être bientôt. Non, Cédric imbattable. Cédric imbattable. Ah, bah si, il est battable, je l'ai baisé vendredi. Non. Puis ça va recommencer ce soir. On ne doit pas sur ça. On baise, non, c'est pas possible. T'aimerais avoir la vie d'Amaré. C'est numéro 1. T'aimerais avoir la vie sexuelle d'Amaré, Momo, ou toi, t'es plus fidèle, t'es plus tranquille, toi, Momo? Bah, moi, en fait, je suis quelqu'un de. J'ai ma meuf et tout, tu vois. Bah, Amaré aussi, mais, tout ça. Ah, il a des enfants. Ouais, j'ai ma meuf. Et moi, en fait, quand Amaré, je fais des trucs un peu en soum-soum, tu vois. Ouais. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est les cougars, tu vois. Ah, ami cougar, vous nous écoutez. Attends, faut que je le dise plus fort parce qu'elles n'entendent pas, elles sont sourdes. Ami cougar! Et genre, tu t'en es déjà appelé? Ah non, mais les cougars, elles ont des kiffs un peu bizarres, tu vois. Du style. J'étais à une soirée récemment. Un bal. Une soirée cougar. Et il y avait des cougars. Soirée cougar. Et il y a trois dames qui sont venues vers moi, etc., et qui m'ont proposé de faire un plan. Bonsoir, monsieur. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'elles voulaient qu'il y ait des animaux, des araignées. Ah ouais. En gros, pendant que les belges, des araignées. Oui. Et des souris qui se mettent sur moi, des araignées. Elle se croyait dans Fort Boyard. Non, c'est Koh-Lanta. Fort Boyard, Koh-Lanta, un peu tout, quoi. Ouais, elles avaient quel âge? Elles avaient quel âge? Dans la 30, 40 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, ils sortaient de l'asile. Oh, c'est pas les cougars. Là, on est sur des MILF, là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On est sur la MILF. La MILF est très chaude, alors, du côté des 93. Ouais, mais c'est des MILF, mais assez bien conservés, quand même. Bah oui, 30-40 ans. Ah bah ça va, oui. Ça va, ouais. Le mec, c'est pas Marie. Oui. C'est une grand-mère, Marie. Non, arrêtez, Marie, elle est très bien. Ah, merci. Ah, Momo. On va te passer la Marie, Momo, tiens. Bon, merci du coup de fil, Momo. Raccroche pas. Merci à Marie, merci à tous les deux. On vous embrasse. Salut. On vous embrasse aussi, une bonne soirée. Et puis vous nous rappelez s'il y a des trucs quand vous voulez, vous deux, et puis vous tous qui nous écoutez, s'il y a des trucs qui vous dégoûtent, allez-y. Pour revenir à ce que nous disait Jérôme tout à l'heure sur les pieds ou sur tout ce qui peut dégoûter dans l'amour. Tous les soirs, de 21h à minuit. What the fuck? Difoulé sur Skyrock tout l'été, lundi à vendredi, 21h minuit, la plus grande radio libre de France. Avec Difoulé et toute l'équipe sur Skyrock, on va faire tourner la roulette tout de suite avec le mot roulette au 7-20-20. On prend encore quelques inscriptions, faut faire très très vite, le temps de passer les pubs. C'est pour gagner vos deux places pour aller voir le Whoop à l'occasion d'un grand spectacle qu'on organise avec Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. La sécurité routière et Skyrock vous envoie voir Mister V et toute l'équipe, les youtubeurs, les comiques sur scène avec un petit message maintenant roulette que vous envoyez au 7-20-20 sur Skyrock. Et un petit extrait du morning juste après, ce sera Cédric Lambrouille. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. C'est la folie des barbecues cet été sur Skyrock avec Géant Casino. Toi aussi, mets-toi en mode Brésil et envoie tes plus belles photos de soirée de barbecue géant avec le hashtag Géant Brésil. Et gagne ton voyage au Brésil. Dès maintenant, poste ta photo sur Twitter et Instagram avec le hashtag Géant Brésil pour participer. Ton futur voyage au Brésil, c'est maintenant avec les magasins Géant Casino. Tu veux rencontrer la fille de tes rêves? C'est facile. Tu peux te mettre au sport, développer des techniques de drague. Bonsoir. Et aller dans tous les cafés de la ville. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des nanas qui te plaisent près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Difoul Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Tu te joule sur Skyrock. Avec Joule Emotions. Rappé R&B non-stop. C'est qui? Eh oui, c'est moi. C'est joule sur Skyrock. Joule. Eh ouais. Rappé R&B non-stop. Je rêve de thunes de voyage. Me listen. pourquoi râler? Je fais ce que je peux pour mes potos, et ils font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment je peux sauter, je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là, alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes, je fais que ta vie comme un chinois. J'envoie des ombres venisant la mort. Je me vois partir sous le se nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse seul, même par amour. Pour se détendre, certains prennent un bon bain chaud, d'autres font un massage, de la méditation, fument un pet, boivent un coup. Lui, pour se détendre, il s'embrouille. Cédric l'embrouille. Eh oui, Cédric l'embrouille avec tous les messages que vous avez laissés depuis tout à l'heure. J'en ai vu pas mal là d'ailleurs qui défilaient. Je vous ai demandé si vous vouliez que Cédric embrouille quelqu'un de votre entourage, de votre choix, et de nous laisser des numéros. Cédric, est-ce que t'as récupéré des numéros? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que t'es content? Ouais, attends, on va commencer par celui-là. On va commencer par celui-là. Cédric en rigoule d'avance. Il rigoule. Ouais. Tu rigoules, Cédric. Là, on va commencer par une meuf, là. C'est une auditrice, elle nous a laissé le numéro de sa copine Sarah. Oui. Et apparemment, elle était complètement bourrée la semaine dernière. Elle était en boîte à Lyon. Oui. Attends, c'est quoi le nom de la boîte? Red Room. Le Red Room, attends, je le Red Room à Lyon. Je note les. Ah oui. Hop là, le Red Room. Et en fait, elle était bourrée. Elle avait son numéro. Ah ouais. Elle a donné son numéro à tout le monde, donc je vais l'appeler. Je vais dire que ce soir, j'aimerais bien aller à l'hôtel avec elle. Quoi. Direct. Ouais, comme ça, séduction. Quoi. Qu'elle m'avait chauffé, en fait. C'est bien, Cédric, c'est parti. Putain, c'est mal au ventre. T'as où? T'as encore mal au ventre? Arrête de te plaindre. Regarde. Allez, c'est parti. Romano, il a mal aux cheveux. De tous les soirs, est-ce qu'il se plaint? Ouais, moi, je dis rien, moi. Oh, il a mal aux cheveux. Il en a plus. Trop mal. Il a mal aux cheveux, le pauvre. Il en a plus. Bah, justement. Allez, concentration. Allez. Comment elle s'appelle, t'as dit? Sarah. Sarah, très bien. Allô? Ouais, Sarah? Ouais. Sarah, bien? Ouais. Ouais, dis-moi. C'est Cédric, le beau gosse. Je t'ai appelé, là. Tu m'as donné ton numéro de téléphone au Red Room. C'est qui derrière toi, là? C'est la télé. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Pourquoi? C'est qui, t'as dit? Non, je t'ai dit, c'est Cédric. On s'est rencontré au Red Room. Cédric? Ouais, t'étais complètement bourré. Tu m'as donné ton numéro de téléphone. Mais il est barjot, celui-là, ou quoi, là? Bah non, tu m'as donné ton numéro de téléphone et on devait faire, on devait se faire un petit plan à l'hôtel. Et ta sœur, elle est parmi nous aussi, ou c'est comment? Non, ma sœur, elle est pas là ce soir, mais je lui passerai le bonjour, si ah, tu veux. J'ai pas une gueule à donner mon numéro à des Cédric. Non, mais déjà. Si tu veux, ça, hey, c'est bien. Si tu veux, j'ai une chambre à l'hôtel Ibis. Ah, t'as une chambre à l'hôtel Ibis? Ça te conviendra? Non. Hein? Je peux venir te chercher, puis on se pose à l'hôtelo, toi, tranquille. On va à l'hôtelo? Bah ouais. Tu manges la chatte? Ah non, peut-être pas, ça dépend. Ouais, c'est pas ta fine bouche. Ça dépend si c'est propre. Dis-lui que t'as une grosse bouche. Ouais. J'ai des belles lèvres, ma chérie. C'est ça. T'as des belles lèvres? Bah ouais. Moi, je suis un peu gênée si ça te dérange pas. Hein. Ouais, bon, on va aller laver avant alors. Bah non, j'aime pas, je suis allergique au savon. Ah ouais, bah écoute, ça va pas être possible alors. Ah, j'étais défoncée comme t'as dit, donc s'il te plaît, fasse mon numéro. Non, non, je veux garder ton numéro, je vais te rappeler d'ailleurs. Pourquoi tu galères dans ta vie? Ah non, mais moi, tu m'as chauffé la dernière fois. T'as vu, moi, j'ai envie de te voir, quoi. Mais je t'ai chauffé de quoi, espèce de bouffon? Bah, tu m'as dit qu'on allait faire du sexe à l'hôtel et que t'étais chaude comme la braise, quoi. Ah ouais, tu ressembles à quoi? À rien. À un beau gosse. Je fais 1m80, les yeux marron clair, les cheveux au vent. Gras. Ouais, au vent. Un corps d'athlète. T'as l'air résistant, là, quand tu parles. J'aimerais pas voir ta gueule. Bah, mais bon, ah, j'étais imbibée de vodka. Ouais, donc, sûrement. Moi-même, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Oh, vas-y, s'il te plaît, viens, on se voit. Ah, moi, tu m'as chauffé, tu m'as dit que t'étais chaude et tout. Bah, viens, on se voit, Ah, ben, on se voit à l'hôtel, je t'ai dit, moi. où, à l'hôtel? On se voit à l'hôtel, et puis à la limite, viens avec ton mec, on se fera un petit plan à trois, parce que t'avais l'air complètement open là, la dernière fois. On est trois, c'est toujours mieux, à ce qui paraît. Ah bah génial, ah bah écoute ma chérie, ce que je fais, c'est qu'on se voit tout à l'heure. Ouais. Et puis bah, prends ta petite douche, hein, va te laver, et puis après on se voit. Non, pas la peine. Pour un petit con comme toi, c'est pas la peine. Ah si, il faut se laver, ma petite Sarah. Super, non, mais va te laver, toi déjà, reviens dans un douche, espèce de gros porc. Ça va, toi, Tu m'appelles plus, non, mais je rigole pas, je te m'appelle plus, je t'ai dit que j'étais bourré. Va te trouver d'autres victimes. Bah, c'est toi ma victime, tu m'as donné ton numéro de téléphone, ma chérie, c'est pas ma faute. Je me souviens même pas, espèce de bouffon. Bah, tu m'as dit, t'étais enfin, moi j'ai vu, t'étais complètement bourré, j'en ai profité pour prendre ton numéro, quoi, tu me l'as donné. Ouais, bah tu vois, tu dis toi-même, tu galères tellement que t'attends que les filles elles soient plus là pour pouvoir pécho, espèce de truc du cul. Mais je t'avais même touché les fesses. Qu'est-ce qui rigole là, le mongolien derrière là? Je t'avais même touché les fesses. Mais passe-moi ton collègue là qui a l'air super marrant. Vas-y, poteau, elle est chaude. Oh, tu te démerdes. Ouais, franchement, il y a moyen de la gérer, je te jure. Moi, je l'ai ploté. Tu sais quoi, t'as de la chance qu'on n'est pas en face, toi et moi, parce que je te jure, je t'aurais mis ma main dans ta gueule, espèce de TD, va. En tout cas, tu nous avais mis la main au paquet, hein, ça. Ouais, c'est clair. Je l'ai ploté l'autre jour en bois, gros. Nous aussi, nous avons. Vous avez pas d'amis, les gars. Sortez de chez vous. Si on est trois potes, on pense à toi très fort, ma chérie. Ouais, t'as que ça à faire d'appeler. Je peux dire que je les ai branchés, mes potes. Je leur ai dit que t'étais une sacrée coquine, quoi. Arrête, tu la meuf, je dis, je vais caresser les fesses dans la boîte, quoi. Fais-moi de la pub, allô? Ouais, t'es un bouffeur de chatte? Non. Si. T'as la meuf, je te transforme. J'ai ça, les chattes bien pleines de béchamel. Ah bah dis donc. Ah bah Sarah, t'es sexy, dis donc. Bah oui, okay, j'ai une copine avec moi aussi. Ah bah écoute, on va se faire un petit truc à trois. Bah je suis sexy, tu te rappelles de ma gueule ou pas? Ah bah oui, attends. Et alors, une gueule comme la tienne, on peut que s'en souvenir. Hein. Pourquoi tu dis ça? Tu m'as marqué à vie. Pourquoi tu dis ça? Toute ma vie, je vais m'en souvenir. C'est quoi qui t'a marqué? Écoute, chambre d'hôtel, on se voit tout à l'heure. On arrête de discuter. Ouais, c'est ça, espèce de connard là. Allez, bisous, mon amour. On va pas avoir un euro pour l'hôtel. Ah, t'es. Oh, si, t'inquiète, j'ai de l'oseille. Voilà, si j'ai acheté un aspirateur à 500 euros. J'ai de l'oseille. Allez, bisous, à tout à l'heure. Tu te laves le cul avant? Ah, bah oui, je me lavais les fesses. Elle sait que. Contrairement à toi. Ça marche. Ah, oui, moi, je te laisserai faire avec ta langue. Ah, oui, bah écoute. Ça me donne moins envie tout d'un coup. Ouais, bah, même belle plus alors, c'était bien. À tout à l'heure, mon amour. Okay. Ouais, c'est ça, beaucoup. Je crois que je vais te rappeler toute la soirée, toi. Ouais, nique ta race, t'es bien. Oh oui. Elle termine en beauté. Tu vas c'est te laver, bon. Reviens dans ton douche. Allez, ah oui, allez, bisous. Bravo. Bisous, mon amour. Bravo, bravo, bravo, Cédric. Bravo, bravo, bravo. Ouais, extraordinaire. Mais quelle embrouille. Je sais pas. Une insulte toutes les 10 secondes. Pas loin de se déchaîner, après elle était trash. Ah ouais. Elle Et la chatte. Et la chatte à la béchamel. À la béchamel, elle était normale 2 secondes, quoi. C'est la meuf de la chatte à la béchamel. Ah ouais. J'espère que ça vous a pas trop excité, vous qui nous écoutez chez vous. Bon appétit, en effet. Ouais. Je pense à ceux qui sont dans leur lit actuellement. Là. Et tous ceux qui étaient au Red Room à Lyon. Ça monte. Samedi dernier. C'est qui nous a envoyé le numéro? C'est une copine de Sarah, mais elle nous a pas laissé son prénom. Eh ben, on salue la copine de Sarah. Ouais, bien joué. Bien joué, tu Merci le diras pour à Sarah. Le et tu feras une bise à Sarah. Tu lui diras qu'elle a eu l'honneur et le plaisir de parler à de Cédric. Quel honneur. Le Belge. Tous les soirs, de 21h à minuit. What the fuck? Difoulé sur Skyrock. Radio Libre sur Sky, tout l'été entre 21h et minuit avec la roulette qu'on va faire tourner. Juste après, c'est Priska que vous retrouvez toute la nuit pour le son de Skyrock. Ce sera rap et R&B non-stop. Skyrock. Skyrock et Sam t'offrent le spectacle du Whoop en exclu. En exclu pour vous les auditeurs de Skyrock, c'est toute l'équipe de Mister V, les youtubeurs, les comiques en spectacle à la rentrée à l'occasion d'un grand show qu'on organise avec la sécurité routière. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Et au téléphone, on a avec nous pour faire tourner la roulette Marie de Lille-Adam qui bosse dans son bar. Allô, allô. Allô. Ouais Marie. Ça va? Ça va et toi? Bah nickel. La roulette de Skyrock à faire tourner ce soir? Bah pourquoi pas, ouais. Tu fais une petite pause là, t'es en train de bosser jusqu'à 3h. Exactement ça. Tu bosses dans un bar qui s'appelle la Marina du côté de Cergy Pontoise dans le 95. C'est ça, c'est au port de Cergy. Et c'est cool, et t'es jolie ou pas? On peut venir te voir? Bah écoutez, je peux vous donner mon Instagram au pire. Absolument, ouais. Vas-y, donne. Marie-Jude. Marie-Jude? J-U-D-E? Ouais. J-U-D. Ah, J-U-D, très bien. Bah écoute, on ira voir ça et puis on ira sûrement t'acheter des consommations au bar. Ah, nickel, moi t'en vas. La roulette de Skyrock qui tourne avec à l'intérieur les places pour aller voir le Whoop, c'est parti. Stop. T'avais plus fort le stop là. Stop. Ah bah voilà. Sinon t'allais repartir avec un paquet de pâtes, tu sais, genre. Fais gaffe quand même. Hein. Alors, Whoop Gang, c'est deux places pour toi, c'est gagné pour la rentrée. Merci. Le Whoop avec Skyrock, avec la sécurité routière.

Vita et Jules à l'instant sur Skyrock, on vient d'écouter Ça les dérange, rappeur NB non-stop, on y retourne avec Zao et MHD, laisser les Kuma. Et juste avant, on va écouter le tout nouveau DJ Snake. DJ Snake qu'on connaît bien ici sur Skyrock parce qu'il venait mixer régulièrement dans le Cut Killer Show tous les samedis soirs de 22h à minuit. Donc on est d'autant plus fiers de son succès à l'international. Et un gros morceau avec Justin Bieber que vous avez pu découvrir sur Skyrock la semaine dernière. Il est déjà numéro 1 en France et aux États-Unis, numéro 1 du hit Skyrock, numéro 1 du hit US. On les écoute avec Let Me Love You et donc Zao juste après sur Skyrock. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting.